nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça, mon petit balai? Je suis vraiment un gros tadou. Dis donc, petit mal poli, tu veux que je t'apprenne? Oh, je ne cherche pas à te vexer. Cherche simplement à te faire comprendre ce que t'as pas compris. Car tu ne l'as pas compris, c'est ça le plus fort. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ils ont toujours raison. N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chiner. Vous ne le fais pas. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de la guerre des claps. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas arrivés sur les internets. Vu qu'il y a quelques changements dans l'équipe, nous avons perdu Alexandre en cours de route. Nous avons accueilli Sally en cours de route. Nous avons accueilli Arthur en cours de route. Bonsoir. Et du coup, autour de la table, avec moi, il y a Sally. Ouais. Arthur. Bonsoir. Nécro. Salut. Issam. Bonsoir. Comment allez-vous, chers camarades? Bonsoir. Très bien. Et donc nous avons aussi Christopher avec lui, marrant comme d'hab. Ah, merci. Il l'attendait, petit regard suppliant. Merci beaucoup de me présenter. C'est tellement triste. Ça va être une longue émission recommandation. On va pas faire de tour de table des activités annexes de chacun, hein, puisque ça va déjà être très très long et qu'on sait pas trop combien de mémoire on a sur cette putain de carte SD. Donc, passons directement, émission spéciale recommandation, on va vous parler chacun de trois films, sauf Sally qui va vous parler de deux films, parce qu'elle fait pas les choses comme tout le monde, hein. Oui. Et que je préfère les mangas au cinéma. Et d'une série, c'est vrai, merci de me souffler ça, mon ami Arthur. Pas de souci. Bonsoir. Bonsoir. Sortez de chez moi. Mais d'ailleurs, Sally, c'est Transformers 2, c'est ça que tu voulais dire? Oh, bien sûr, merde. Les meilleurs films de des 15 dernières années. Ce tour de table va commencer par Issam, qui va nous parler d'un film chinois. Oui. Hongkongais, non, même d'ailleurs, celui-là. Alors, Hongkongais pour commencer, moi, de toute façon, ma liste, ça va être orientée autour de ce qu'on appelle les trois Chines, donc la République populaire de Chine, Taïwan et Hong Kong. Qui techniquement fait partie de la République populaire maintenant. Et le Japon sur Terre 2. Donc très rapidement par rapport à Hong Kong, c'était au départ, ça faisait au départ partie de l'Empire chinois, du territoire chinois, jusqu'à ce que de nombreux conflits au cours du 19e siècle entre la Chine et plusieurs pays d'Europe mènent finalement à la possession de Hong Kong par le Royaume-Uni. Et en 1898, alors qu'ils avaient déjà le territoire depuis un moment, ils signent une sorte de contrat avec la Chine qui leur donne la propriété de Hong Kong pour les 99 années à venir. Donc en 1997, il y a ce qu'on appelle la rétrocession. Hong Kong revient à la République populaire de Chine avec tout de même une petite particularité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le un pays, deux systèmes. Jusqu'en 2046, techniquement, Hong Kong est censé garder une relative indépendance politique et économique. Relative et techniquement, parce que la Chine est en train d'essayer de faire de son mieux pour accélérer le processus et pour reprendre complètement le contrôle sur Hong Kong, ce qui a mené à ce qu'on a appelé la révolution des parapluies il y a quelques années, c'était en 2014. Ça, c'était pour positionner très rapidement Hong Kong. C'est en Chine le cinéma qu'on connaît le mieux des trois Chines, puisque la majorité des réalisateurs et acteurs chinois dont on a connaissance sont en réalité hongkongais. Donc ça va être Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Tse Yark, John Woo et compagnie sont tous hongkongais. Et nous allons parler de Johnny To, un réalisateur né en 1955, donc de la même génération que Tse Yark et John Woo, et plus précisément de son film PTU, Police Tactical Unit, sorti en 2003. Donc c'est l'histoire d'un policier de Hong Kong qui se fait voler son arme de service suite à une confrontation avec un gang local et qui va appeler la Police Tactical Unit, qui est une sorte d'intervention, enfin d'unité d'intervention d'urgence notamment pour ce genre de problème, pour pouvoir retrouver son arme avant que sa direction la prenne. Son but étant de dissimuler sa bourde parce qu'il a l'espoir d'avoir une promotion et bah, si on découvre ça, ce sera mort pour lui. Parce que ça craint un peu quand même. Ça craint un peu du boudin. Ça craint un peu. Ça craint d'autant plus que le chef du gang qui lui a volé l'arme va se faire tuer et donc ils vont se retrouver pris au milieu d'une guerre de gang éclair qui a lieu, le film se passe entièrement pendant une nuit, et ils vont se retrouver pris au milieu d'une guerre de gang éclair pendant qu'aussi il y a d'autres unités de police qui cherchent à arrêter ou à au moins contenir les gangs. Donc il y a énormément d'intrigues différentes et de groupes différents qui se confrontent tout au long du film, jusqu'à la confrontation finale où tout se rejoint enfin. Comme souvent chez Junito. Comme souvent chez Junito. Fourmi de personnages. Tout à fait. Ouais. Ce qui joue, c'est... Quoi ? Non, rien. C'est lui qui fait le coup. Alors, ce qui explique peut-être justement ce côté fourmillant et un peu bordélique parfois du scénario, c'est que Junito aime bien tourner sans scénario terminé. C'est-à-dire, il sait plus ou moins ce qu'il veut faire comme type de film, mais il écrit son film au fur et à mesure, et donc il a les scénaristes tout le temps sur place pour proposer des idées et pour rebondir sur ses idées. Et là, dans le cas de PTU, en fait, il dit que les acteurs n'avaient pas connaissance de ce qu'ils allaient tourner quand ils ont signé leur contrat. Ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Ils avaient plus ou moins une idée de leur personnage, mais encore, c'était visiblement assez flou. Et même les scènes d'action sont en grande partie improvisées sur le lieu, sur les lieux, une fois qu'ils étaient dans les décors. Mmh. Autre particularité du film, c'est qu'il a été tourné sur 2 ans et demi, quand Junito était entre 2 projets, et la plupart du temps, seulement la nuit du dimanche au lundi, entre 2h et 6h du matin, parce que c'est le seul moment à Hong Kong où toutes les boutiques sont fermées. Et Junito avait envie de filmer ça, c'est-à-dire un Hong Kong où tout est fermé, où il n'y a personne dans les rues. Ce qui est quelque chose qu'on voit extrêmement rarement, parce que l'ensemble, c'est une ville qui dort jamais. Et même les Hongkongais, on peut imaginer que ça leur a donné une vision de leur ville à laquelle ils n'étaient pas habitués. Mmh. Et puis, PTU se déroule dans un quartier très commercial, en plus. Oui, c'est avec ça. Avec beaucoup de toutes petites ruelles très labyrinthiques, avec des commerces partout. Donc forcément, obligé de tourner ça quand les mecs sont fermés. Quoi. Ouais. Je crois que c'était dans le film Angela, qui avait Paris en noir et blanc déjà, mais où ils se démerdaient pour filmer sans qu'il y ait personne aussi du tout. Ouais. Et du coup, ça donnait une autre image de Paris, parce que ça donnait un décor un peu fantasmé, alors que c'était vraiment les vrais bâtiments, le vrai Paris. Quoi. Ou dans le même genre, comme si le... C'était pas... Si, peut-être, mais c'est encore Paris, en fait, tu vas de nuit, t'as les boutiques fermées. Quoi, ah oui, mais là, base. T'avais des scènes de jour ouais. où t'avais oui. Rien, personne. Il ouais. y a eu seul tout aussi avec ça. Mmh. Ou dans le même genre, mais autre pays, t'as le 28 jours plus tard de Danny Boyle, au début du film, avec un Londres déserté qui a été tourné vraiment... Ouais. Qui était déserté, quoi. Parce que c'était tourné entre 5h et 6h du mat, où t'as personne dans les rues. Mmh. Donc, le film, comme je disais, a été tourné en 2003. Donc, pour le contextualiser un peu, entre 1999 et 2004, Junito a eu une période particulièrement productive. Déjà avant, il était à une moyenne de 2 films par an. Mais entre 1999 et 2004, il réalise 18 films, certains co-réalisés, et il en produit 7 autres. Avec sa société de production, quasiment tous, qui s'appelle Milky Way Image, qu'il a fondée en 1996. Et en fait, c'est une très bon, le Milky Way. Voilà, merci Christopher. C'est joli, c'est l'ancien. Et donc, c'est une sorte de réaction, justement, à la rétrocession, parce qu'en 97, quand Hong Kong revient à la Chine, il y a énormément d'artistes qui se sont barrés aux États-Unis quelque temps. John Woo, Tse Yark, Ringo Lam, Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun-fat, il y a une période où ils sont plus là. Et donc, il y a une sorte d'appel d'air, soudain, dans le cinéma hongkongais. Et Junito s'est donné un peu comme mission sacrée de permettre à ce cinéma de survivre. D'où sa productivité extrême pendant cette période. Et aussi l'originalité qui envahit son cinéma, parce qu'il cherche quelque chose de nouveau. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup, et je crois que c'est aussi ton cas, oui, Christophe. Mais globalement, comme toute la filmo de Junito. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un film qui est assez lent, c'est-à-dire c'est un film d'action et thriller qui dure pas longtemps, en plus, il dure moins d'une heure et demie. Qui tend même vers le polar, par moment. Ouais, par moment. Mais qui est très lent et à la limite dans certaines scènes, quand ça conjugue la ville complètement vide, les plans assez longs, et une musique plutôt planante, qui est de Chung Chi-Wing, je suis désolé si je prononce mal. Il ne t'en voudra pas. Des fois, c'est à la limite du contemplatif, je trouve. Mmh. Il y a notamment une scène où l'équipe de PTU doit monter en haut d'un grand immeuble abandonné pour retrouver un chef de gang. Et en fait, il y a facilement 5 minutes qui sont juste la montée de l'escalier et qui installe une tension petit à petit. Mais c'est très lent, c'est filmé avec des plans très stables. Ça donne pas du tout l'impression d'être une scène d'action ou une scène de suspense. Mmh. Et c'est ça, les rares scènes de fusillade, même celles-là, sont très calmes. À ce niveau-là, ça me rappelle un autre film de Junito qui s'appelait The Mission. Ouais, très très bon aussi. Qui est très très bon aussi. C'est... Ouais, il y a un rythme assez inhabituel et une ambiance assez inhabituelle pour ce type de polar, et surtout pour ce type de polar hongkongais, si vous êtes plus habitué à ce que peuvent faire Tse Yark ou John Woo, qui est beaucoup plus hyperactif, on va dire. Ça donne aussi, ça participe aussi à l'impression vraiment qu'on est dans une sorte d'affaire totalement secrète que, dont personne n'aura connaissance, qui se passe limite hors du temps, justement, dans cette période où la ville est fermée. Il y a un entretien du secret. D'ailleurs, tous les personnages sont plus intéressés par le fait de voiler l'erreur de leurs collègues que par le fait de faire régner la moindre justice. Le fait d'arrêter les chefs de gang, ça ne les préoccupe pas plus que ça. Ce qu'ils veulent, c'est le flingue. Et ça, c'est un thème assez récurrent pour le coup chez Junito, le fait que la justice devient presque quelque chose de secondaire face à un autre objectif pas forcément très noble. Dans Breaking News, par exemple, qui est l'assaut d'un immeuble par une équipe de police, en fait, il y a la presse qui filme l'intégralité de l'assaut, et donc l'objectif principal, c'est de se faire bien voir face à la presse. Breaking News, qui est un film extraordinaire. Et donc, qui mène à mon prochain point, c'est que si John Ito est moins connu peut-être que ses homologues de la même époque, je pense que c'est parce que niveau réalisation, c'est beaucoup plus dur de lui assigner un style particulier. Et surtout, sa réalisation est beaucoup plus discrète. Donc il a des films comme ça assez planants, assez contemplatifs à la The Mission ou PTU. Il a des trucs beaucoup plus actifs à la Breaking News, qui commence sur un plan magistral de 10 minutes, mais c'est le seul effet de mise en scène vraiment ultra flagrant. Et il va avoir à côté de ça des films très bavards, à la limite d'être du Kitano dans l'élection, qui traite de guerre de Yakuza, mais où ça se tire quasiment jamais dessus, c'est juste de la parlotte pendant une heure et demie chacun. Il a plus d'éthique de scénario que d'éthique de réalisation. Ouais, c'est ça, on retrouve beaucoup le thème de la dissimulation. Ouais. Un autre thème très récurrent, c'est celui de l'honneur entre les groupes. C'est-à-dire, dans l'ensemble, il a rarement un personnage principal, il y en a plusieurs. Et il y a beaucoup l'idée de frères d'armes, de se soutenir les uns les autres, d'avoir un code d'honneur entre eux. Qui est un thème qu'on retrouve aussi, par exemple, chez John Woo, beaucoup. La différence entre les deux, c'est que John Woo... C'est qu'il y a des colombes. Déjà, il y a des colombes chez John Woo. Et John Woo, pour moi, va sublimer l'individu au sein du groupe, tandis que pour moi, John Ito sublime le groupe. Ouais. Et pour moi, c'est hyper frappant dans leur scène d'action. C'est-à-dire, John Woo qui filme une scène d'action, c'est toujours les plans sont centrés sur des individus qui vont faire des cascades de dingue avec deux flingues à la main, en faisant des glissades de malade. C'est super impressionnant et ça sublime des individus chevaleresques. Chez John Ito, quand il filme une scène d'action, la gestion de l'espace est ultra importante. Et dans PTU, les scènes d'action vont quasiment toujours filmer plusieurs personnages dans un espace, et ça rejoint bien sa méthode de travail qui consiste à plus ou moins imaginer ces scènes d'action une fois sur place. C'est le lieu qui va inspirer la scène d'action, et l'individu va s'inscrire dans ce lieu, toujours. Donc il y a une grande importance de la mécanique de groupe dans son cinéma. Voilà, donc, on va vite arriver au bout. Mon but, c'était, comme vous l'avez compris, de présenter le réalisateur à travers un de ses films. C'est un réalisateur que je vous conseille, qui est à la frontière, on va dire, entre l'esthétisation extrême dont on a l'habitude à Hong Kong et quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus cru comme pouvait le faire Ringo Lam. Lui, pour moi, il est entre deux, c'est-à-dire c'est pas crade au point d'un film comme City on Fire ou Prison on Fire, mais ça a pas non plus l'hyper élégance et le côté totalement what the fuck que peut avoir Time and Tide en film d'action. Vous attendez pas à quelque chose d'ultra grandiloquent, c'est-à-dire les personnages dans PTU, c'est plutôt des trous du cul lambda. Le flic qui se fait voler son arme, c'est un flic qui espère sa promotion, mais c'est l'agent de police plutôt standard, quoi. Il a rien de particulièrement glorieux, il fait jamais rien de particulièrement impressionnant de tout le film. Et clairement, justement, John Ito a bien participé à relancer le cinéma hongkongais à cette période-là, parce que ses films ont fait beaucoup d'argent. C'est aussi l'époque où il a commencé, lui, à s'exporter à l'international. The Mission, je crois que c'est son premier film qui s'exporte. Et PTU, ça doit être le deuxième. Voilà. Et je pense que, alors qu'il était peut-être plus secondaire dans les années 90, parce qu'il faisait surtout les films commerciaux, qu'on connaît assez peu, finalement, il tapait un peu dans tous les genres, il a fait de la télé aussi. Je pense que dans les années 2000, c'est devenu un des réalisateurs les plus importants du pôle hongkongais, parce que ses collègues, même quand ils sont revenus, ont plutôt eu tendance à faire des coproductions avec la Chine. Tse Yark et John Woo, leurs films des années 2000 et 2010, c'est plus des films chinois que hongkongais pour moi. Et John Ito, c'est une sorte de survivant, de dernier bastion de protection du cinéma hongkongais, et de son originalité et de ses thématiques. Donc voilà, c'est pour ça que je le conseille et que je conseille de découvrir son œuvre, même si elle peut être plus difficile d'accès et si ça peut être plus compliqué d'identifier ses particularités. Il a fait tourner Johnny. Et il a fait tourner Johnny dans un film qui s'appelle Revenge et qui est pas si mal que ça. Bah, c'est pas meilleur. C'est pas extraordinaire. Ouais. Mais le principal défaut du film ne vient pas de Johnny. Étonnamment. Oui, c'est ça. Ça vient du fait que l'histoire est quand même relativement osef. Voilà, mais c'est... Johnny est loin d'être le défaut principal. C'est même plutôt une des qualités du film, en fait, étonnamment. Oui, ouais, c'est ça. Il voulait aller de loin à la masse qui a refusé. Qui lui, par contre, est un connard fini. Mais oui. C'est un autre débat. Johnny aussi. Oui, oui. Bah oui, bah, lui, il est fini tout court. Ah, il est fini. C'est un connard. Ça me rappelle. Ça me rappelle qu'il y a un film avec Gérard Klein, une sorte de Mad Max. Oui, Diesel. Non, Terminus. Terminus. Ouais. Il y a quelques images qui traînent. Je crois que c'est sur Nanarland que j'avais vu ça au début. Mais ouais, je l'ai vu en entier, c'est assez rigolo. Donc voilà, regardez du Johnny Too. Oui. Et sinon, je vois sur la page Wikipédia que c'est dans une série de films, non ? Il y a plusieurs opus ? Alors, il y a plusieurs opus, mais tous les autres sont des téléfilms qu'il a produits et qu'il n'a pas réalisés. D'accord. Donc, je les ai pas vus, je crois pas que ce soit arrivé chez nous, et très sincèrement, je pense pas que ce soit très fameux. Ok. C'est vraiment nécessaire de les voir. Ouais, c'est ça. Si vous voulez creuser Johnny Too, regardez plutôt les deux élections, Breaking News et The Mission. Mm. Et un truc qui s'appelle Full Time Killer, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu celui-là. Co-réalisé avec YKFI, qui est le cofondateur de Milky Way Production, et qui est très sympa aussi. Ils font des barres chocolatées. Deux fois, mais c'est toujours pas marrant. Ouais, c'est un petit peu comme ta présence dans ce podcast, en fait. En fait, dans le comic de répétition, il y a comic. Il y a répétition aussi. Ouais. Et tu vois, j'ai cerné l'un des trois trucs. Un sur deux. Voilà, c'est comic. Déjà pas mal. Il vient de la faire. Hein. Oui, mais je répète justement. C'est ça, c'est ouais. Tu vois, c'est très. C'est un effet comique là, tu c'est vois, ça. Justement. De répétition. La deeperie de ce podcast, c'est incroyable. La quoi ? Deeperie, on est extrêmement. La dipitude, profond. Si tu préfères. La dipitude. La dipatilité. As-tu fini avec Pity You, ouais. Sam ? Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. Non, tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu as tout dit sur Johnny Too et sur Pity. Avez-vous des questions ? Non, c'était très intéressant. Moi, c'est bon. C'est un peu gore. Comme souvent avec le cinéma hongkongais, quand même. Ouais, mais voilà, autant prévenir le type qui se fait planter oui. Et qui survit au moins 10 minutes avec le couteau qui leur sort du bide. Oui, bon, d'accord. Voilà. Tu m'as l'air bien sage, Sally. Tu nous écoutes comme une élève attentive. Oui, j'y connais pas grand-chose, alors je me nourris de votre sagesse. <t'es nourri>. Bon. Laissons PTU et le cinéma hongkongais derrière nous. Je vais prendre la parole pour vous parler de Logan's Run, l'âge de cristal chez nous. Un film sorti en 1976 et réalisé par Michael Anderson, réalisateur britannique. W.S. Anderson ? Non. Le Anderson que je parle est né dans les années 20. Celui que tu parles est plutôt né dans les années 80. Ou peut-être 70, W. Anderson. Oh, je pense. Plutôt 70, peut-être. Ouais. Actif, quand même. C'est ça. Michael Anderson, un réalisateur qui s'est fait distinguer grâce au Briseur de Barrage, qui est un film de 1955, un film de guerre qui a beaucoup marqué le genre, surtout pour ses effets spéciaux assez révolutionnaires pour l'époque, et qui s'est aussi distingué avec pas mal de réalisations de science-fiction, comme étant déjà réalisateur de la première adaptation du roman d'Orwell 1984, également de Doc Savage, un grand film nanardesque par excellence. Faut admettre, un film kitschissime. Il y a visiblement de où est débat dans ce film. Alors, Doc Savage, ça a été volontairement kitschissime parce que c'est une adaptation d'un vieux comic pops et c'est volontairement kitschissime. Ouais. Est-ce que tout est pour être fidèle, j'ai des petits doutes. Mais, si, pour le coup, vraiment, mais ça l'est beaucoup trop et du coup, c'est un petit peu nul. Ouais. Et du coup, ça en fait, pour reprendre une tagline qu'on apprécie, ça en fait un très mauvais film sympathique. Ouais, c'est ça. Et, quelques années après, en 1976, sort L'Âge de Cristal, un film produit par la MGM. C'est pas un Die Hard, ça ? Avec Sean Connery. Ouais. C'est très bien. Mon Dieu, il s'amène moi. Il y avait Eric et Ramsey dedans, ce que je non, voilà, je suis... non, c'est la tour de Parnasse à faire. Je suis désolé, je suis en train de penser à Alien Crystal Palace, le film dernier. Voilà, ah putain. Tu fais bien de parler d'Alien, en plus. Puisque parce que le mec derrière la BO de L'Âge de Cristal, c'est Jerry Goldsmith, ouais. Qui a signé la BO d'Alien, Alien, le 8e passager. Voilà, comme ça, c'est histoire de glisser un petit truc. Donc, on est dans un film de science-fiction qui se déroule dans un futur plutôt lointain, parce qu'on est dans les années 2100 et quelques, où il y a un problème de surpopulation, et où on a décidé que, à partir de 30 ans, bah, tu ne dois plus vivre. tu es amené à une cérémonie qui s'appelle le carrousel, et tu es purement et simplement exterminé, pour laisser la place à la prochaine génération. C'est joyeux. Shinzo Abe, seal of approval. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, sauf que lui, il va plus loin quand même. Oui, parce que c'est vraiment les vieillards. Oui, il est gentil quand même. Pour le coup. On suit l'histoire de Logan, qui fait partie d'un groupe de commandos qui est chargé d'exterminer les gens qui fuient, qui ne se rendent pas au carrousel, et qui, par acquis de conscience, va se rendre compte que, en fait, cette histoire de carrousel, c'est un petit peu de la merde, et qui, du coup, va décider de lui-même fuir et se retrouver pourchassé par ses anciens camarades. Question, est-ce que le fait de faire partie de la brigade d'intervention lui offre un avantage, par exemple, de ne pas être zigouillé à 30 ans ? Pas du tout. D'accord. T'es zigouillé à 30 ans, quoi qu'il arrive. Ok. Tout ça est choisi par une intelligence artificielle. Alors, en fait, l'univers du film se dépend au fur et à mesure de son avancée. Si les gens se rebellent pas, c'est parce que on est dans un futur un petit peu post-apo, mais où les gens vivent bien. Vraiment, ils vivent très très bien, justement, grâce à cette loi qui produit de la nourriture pour tout le monde, des biens pour tout le monde. Vraiment, les gens n'ont aucune raison de se plaindre, mis à part le fait de crever à 30 ans. Et c'est pour ça que, globalement, ils valident tous, sauf certains fuyards. Un peu comme dans notre monde, quoi. Sauf que tu meurs pas à 30 ans. Oui, mais et tu vis pas bien. Avec le et confort... Par contre, tu vis pas bien. Oui. C'était con, cette réflexion. Totalement, ça n'a rien à voir avec notre monde, en fait. On vit quand même mieux qu'avant, globalement. Mais sauf que là, ils sont gouvernés par une intelligence artificielle. Enfin, nous. Ouais. Ouais. Pas les gens ailleurs. Ouais. Oui, crève. On a Macron. Putain. On a Macron. On n'est pas fort en intelligence artificielle encore. Nous, on est gouverné par un mec en carton. C'est pas pareil. Ah ouais. Ça maîtrise bien le côté artificiel. On est gouverné par le grand capital. Le grand capital. Et donc non, ça n'apporte rien. Pourquoi ce titre, l'âge de cristal ? Parce qu'en fait, les gens à leur naissance, on leur fout un cristal dans la main qui en fait indique une couleur selon l'âge que tu as. Et il est noir quand tu arrives à 30 ans et qu'il est temps de te rendre au fameux carrousel pour être exterminé. On est face à un film de science-fiction où, aujourd'hui, il peut paraître vieillot, mais qui pour l'époque avait des effets spéciaux juste de grands malades. Et on est surtout face à un film un petit peu comme Pity Me. Il y a des films qui sont intéressants à voir, et qu'il est intéressant de savoir comment ils ont été tournés. Et L'Âge de Cristal fait partie de cette catégorie, donc comme Pity Me, parce qu'il y a énormément d'anecdotes de tournage. Très intéressante. Ce blanc de la mort. C'est un film produit par la MGM qui est un gros studio de production qui date des années 20, de la fin des années 20, studio à qui l'on doit la saga des James Bond, déjà. Qui est un studio qui a failli crever plein de fois dans l'histoire, on est d'accord ? Oui, dans l'histoire du film. Dont à cause des James Bond. Non, dans l'histoire du film, dont à cause des James Bond. Une tentative du mort. Qui a failli crever avant L'Âge de Cristal, c'est même L'Âge de Cristal qui fait partie d'une trilogie de films qui a sauvé le studio. Avant de produire L'Âge de Cristal, ils étaient en train de crever, ils ont dû faire une grosse vente aux enchères de plein d'accessoires de cinéma, des accessoires allant des accessoires de James Bond ou des accessoires du Magicien d'Oz, de leur première version du Magicien d'Oz. Histoire de produire trois films, qui sont la première version de Shaft, L'Âge de Cristal et Les Rescapés du Futur. Heureusement pour eux, ça a été trois gros succès qui a permis de les remettre en selle. J'ai vu que Shaft dans le thème, qui est vachement bien. Qui est très très bien, Shaft. Et même le second Shaft avec Samuel Jackson est loin d'être un mauvais film. Mm. Un petit peu kitschoun, mais ça reste un très bon film. Vient de faire une crise cardiaque, d'ailleurs. Bah quoi ? Écoute, si c'est vrai. Merci pour ces moments de joie, Issam. C'était vraiment en direct, là. Autre petit souci de production, à la base, la MGM devait débloquer un budget de 10 millions de dollars pour la production du film. Au final, ils en ont débloqué que 5. Ça fait mal, mais bon, c'est pas grave pour eux, le film en a rapporté 25 millions. Ce qui aujourd'hui peut paraître petit, mais rappelez-vous, on est en 1950, c'était une somme énorme à l'époque. Déjà, 10 millions, c'est hyper massif pour l'époque. Ah, pour l'époque, oui, mais du coup, 5, ça l'est moins. 100 millions pour Notre-Dame, ouais. C'est pas mal. Pardon. Et du coup, le film en rapporte 25 millions, ce qui fait beaucoup de bien à la MGM. Du coup, à cause de ce petit souci financier, bah, le film a été tourné un peu dans le rush. Pour une autre raison aussi, c'est que l'un des acteurs principaux, donc l'acteur principal du film, avait un visa qui expirait d'ici quelques mois. C'était qui ? C'était, que je te retrouve ça... Alain Delon ! Joli ! C'était Michael York, qui n'a pas fait grand-chose, hein, non, entre-temps. Qui avait un visa qui expirait rapidement, parce que toute la production du film est anglaise, mais ils ont tous tourné aux US. Qui peut poser problème quand t'as des visas qui s'expirent en 5 mois. Du coup, t'es obligé de tourner en gros rush. gros succès donc du coup du box office qui donnera tout à fait. C'est très marrant. Bon, c'est mon téléphone. T'as fait tomber ton téléphone? Oui. Est-ce que tu veux le récupérer? Non, vas-y. Non, mais continue pendant qu'il est en train de fister son canapé. Alors celle-là, je aime ça, il aime ça. Celle-là, je veux que tu la gardes. Donc gros succès du box office qui donnera naissance ensuite à une série télé et également à pas mal de comics. Et à la base, c'était également une adaptation de roman. Je l'ai pas indiqué. Une adaptation de 3 romans écrits par. Donc qui est une série de romans écrits par George Clayton Johnson et William F. Nolan, une trilogie de romans, enfin une trilogie, une nouvelle aura vu le jour il n'y a pas longtemps, éditée en format numérique, puis éditée en format papier à 26 exemplaires. Voilà, je ne sais pas pourquoi 26 exemplaires, mais éditée à 26 exemplaires, à mon avis ça doit coûter du pognon. L'Âge de Cristal, c'est un petit film de science-fiction aujourd'hui, ça a été un gros boom à l'époque, aujourd'hui ça reste un film sympathique pour le côté dystopique, puisque bah, dans les années 50, c'était pas un genre qu'on voyait énormément au cinéma. C'est du coup intéressant, puisque c'est la naissance d'un sous-genre de la science-fiction. Par contre, je sais pas si c'est facilement trouvable aujourd'hui ailleurs que sur les internets. Je pense pas L'Âge qu'il y ait de Cristal, si, un DVD qui existe. Si, un DVD qui existe. Il est peut-être un peu dégueulasse, hein, parce que je crois que c'est, c'est des débuts du DVD, ouais, mais je crois qu'il y en a un qui existe. C'est un classique quand même, je l'ai pas vu, mais c'est oui, un classique. C'est quand même oui, c'est quand même un gros film assez renommé. Pour sortir le perroquet. Une petite question par rapport à l'univers du film. S'ils ont un cristal dans la main qui peut changer de couleur, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas mettre une sorte de poison dans le cristal pour tuer les gens? Est-ce que la cérémonie du carrousel a un sens métaphorique? Alors, on te fait. En fait, ils vendent ça au peuple comme étant une cérémonie qui va te permettre une réincarnation. D'accord. Ouais, voilà. Et après. Autre théorie, à mon avis purement scénaristique, si tu fous un poison, il n'y a pas de rébellion possible. Et donc, il n'y a pas de scénario possible, en fait. Oui, si tu peux avoir des trucs autour de retirer le cristal, mais oui... C'est vrai, mais en l'occurrence, ce n'est pas l'histoire du film, ici. Ouais, non, mais... Arrête de chercher à briser comme ça le film, hein. Il plaît à des gens. Ce que je vérifiais, c'est que je ne me rappelais plus quel studio avait produit La Planète des Singes, mais c'est pas la MGM. Non, c'est la... La 20th. Ouais, c'est ça, c'est la Fox. Ouais. Non, moi, par contre, ça m'a fait penser au film Time Out, qui date de 2011, où là c'était un code, enfin... Ah oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives à tes 25 ans, d'un seul coup, tu n'as plus qu'un an à vivre, et tu es payé en minutes de vie. Ah oui, je me souviens, oui, de ce film-là. Oui, effectivement, bah, c'est une façon d'écrémer. Alors là, par contre, il y a un côté élitiste, c'est-à-dire que plus t'es en haut de la chaîne alimentaire, plus tu survis longtemps, tu peux même avoir 1 million d'années, il n'y a pas de problème. Par contre, plus tu es pauvre, bah, plus tu crèves vite. C'était, hélas... pas génial, je trouve, comme film, au sorti de son concept de base. Ouais. C'est exceptionnel. Il fait mais partie sinon, de ces films où le concept est bien, mais la mise en œuvre l'est pas, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a des scènes qui marchent pas mal. Le début du film est bien. Le début du film, même avec le coup du bus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, sa mère, qui, si jamais elle prend le bus, si elle paye le ticket, eh ben, elle va mourir avant d'arriver chez elle. Il y avait un truc comme ça qui fait que bah oui, c'est contraignant de payer avec du temps de vie. Non. C'est vrai que le métro parisien, ça serait quand même vachement dégradé dans le futur. Mais ça se trouve, ça s'est inspiré de ça, Time Out. Ça s'est inspiré de ce film-là. C'est pas impossible. C'est pas impossible, oui. Par contre, ce que je trouve étonnant dans ce que tu dis et qui est assez rare dans ce genre de dystopie, c'est que visiblement c'est une société égalitaire, vu que tout le monde, quel que soit son. Enfin, tout le monde apparemment a déjà un niveau de vie décent. Oui, tout le monde est bien. Et il y a cette idée de tout le monde meurt à 30 ans. Tandis que dans la majorité des films de ce style-là, il y a quand même la grosse. Il y a une élite qui vit mieux, ouais, toujours. Film dont tu vas pas parler finalement, mais dans Soleil Vert, qui est un autre classique du genre, il y a énormément le côté élite et ceux qui sont en bas. Oui. Alors que là, c'est pas le cas. Ouais, quoi. Mais est-ce que ça vient pas du fait le palace de cristal, c'est l'âge ça de cristal. L'âge de cristal, il a été fait en 55, c'est ça? Du coup, dans les années 70. Ah non, mais j'ai rien dit. J'allais dire parce que si c'est avant aussi les problèmes qu'il y a eu lors de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a le communisme qui s'est pété la gueule et tout ça. 55, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Non, mais enfin, je voulais parler de la guerre froide. On est sorti. Non, mais c'est ça. Ouais. Donc c'est 55, ça aurait été un peu avant justement, tu sais, le communisme, et que le communisme se pète la gueule, et justement il y avait beaucoup ça, le côté élitiste qui bouffait comme des porcs et tout ça, alors que tous les paysans étaient à la rue en train de crever la dalle, et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui les dystopies, elles s'inspirent beaucoup de ça, et peut-être que si ça avait été le cas, si ça avait été fait dans les années 50, il y aurait moins cet exemple, mais c'est pas le cas. Donc, bon, ça sert à rien. Après, et ce côté protection de la population, parce que surpopulation, on ne le doit qu'au film. C'est-à-dire, le roman a un scénario de base tout autre. En fait, le roman, c'est juste, c'est les jeunes qui en ont marre d'être gouvernés par les vieux, et donc qui instaurent cette loi de passer 25 ans, c'est 25 ans dans le roman, tu crèves. C'est tout. C'est la jeunesse qui dirige le monde. Ah oui, c'est beaucoup plus Sa Majesté des Bouches. Voilà, c'est ça. Le roman est totalement différent de ce point de vue-là. Puis après, il y a une suite où c'est Thanos qui fait. Non, ce n'est pas ça. Nice. Non, mais ça a l'air bien. Non, mais L'Âge de Cristal, c'est très très bien. C'est un très très bon film. J'aime plutôt bien tout ce qui est SF de cette époque. Il y a un flingue dedans, enfin le flingue des mecs qui poursuivent, qui crache des flammes sur les côtés du flingue comme ça, et c'est un flingue fonctionnel. Et c'est pour ça que pendant le film, l'acteur, à chaque fois quand il l'utilise, il le maintient comme ça, super loin de lui, et il fait une gueule en mode parce qu'à chaque fois il se chie dessus que le flingue lui pète à la gueule. La bonne vieille époque, où quand il y avait des trucs, des conneries à faire, il les faisait. Mais en plus, c'est l'accessoiriste qui tenait à ce que le flingue soit fonctionnel. Quoi. Ouais, genre la MGM, il disait non, t'es sûr là, non, il faut qu'il soit fonctionnel, putain. En même temps, à chaque fois, les effets organiques, c'est ce qui perdure le mieux dans le temps. Donc, je comprends qu'ils aient envie de faire ça. C'est une prise de risque. Tu peux mettre des étincelles. Oui, alors que là, c'est vraiment des flammes. Des flammes un petit peu vertes en plus qui restent. Mais du coup, c'est l'effet spécial du film qui reste le plus joli en Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup les effets organiques et je trouve ça aujourd'hui que. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on passe tant par de la CG qui. Un peu à. Comme dans les. Star Wars, genre, je crois que c'est 2 et 3 qui tu les regardes aujourd'hui et tu sens que c'est tout en fond vert, ça devient un peu dégueulasse quoi. Ouais, alors qu'à l'époque c'était génial. Hobbit, comparé au Seigneur des Anneaux, hein, oui. Ils sont beaucoup plus vieillis. Ouais, déjà. C'est ça. Et je trouve ça ultra dommage qu'aujourd'hui il y ait une si grande part de la CG qui en plus peut coûter même plus cher que tourner en. Ouais. Bah, c'est peut-être ça, pour ça qu'il y a beaucoup de films des années 80 qui ont bien vieilli. Mais parce oui, bien que je pensais à Piège de Cristal où il y a les flingues faisaient vraiment du bruit. Et du coup, effectivement, il y avait une anecdote comme ça qui était citée plein de fois où justement tu avais le personnage principal, le méchant. De quoi de Piège de Cristal. Ouais. Comment il s'appelle le méchant Bon, c'est Hans Gruber. Gruber. Voilà. Gruber. C'est quand il tirait, effectivement, il avait un moment de, il avait toujours un moment de flip parce qu'il avait peur des impacts. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est tout ce qui englobe le film qui le rend beaucoup plus concret dans tout ce qui est effet organique et tourné dans des lieux organiques, alors que le fond vert, ben, forcément, tu tournes un peu beaucoup plus en hésitant parce que tu sais pas vraiment où sont les choses, la distance auxquelles elles sont et tout ça. Donc je sais que je préfère les films organiques parce qu'ils vieillissent mieux, parce que les interactions entre les acteurs et les décors sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus visibles, beaucoup plus intéressants aussi. Et des fois entre les acteurs entre eux, parce que des fois c'est pour peu qu'il y ait une histoire de taille ou truc comme ça, des fois tu te rends compte qu'ils se regardent pas ou qu'ils regardent un mètre à côté ou des choses comme des fois on t'est obligé de passer par là, tu vois. Des fois t'as des films où t'as des acteurs qui sont censés être dans la même scène et qui tournent pas du tout ensemble. Hein. Oui. Enfin, après ça se faisait déjà. Ça se fait déjà avant les effets spéciaux. Oui. Hein. C'est des acteurs connards qui se pointaient pas sur leur scène. Ou même des films qui nécessitent pas d'effets spéciaux. Oui. Genre Hit de Michael Mann, t'as Al Pacino et c'est De Niro, je crois, qui à un moment ont une scène ensemble dans un resto, ils ont pas tourné ensemble. Ouais. Ou t'as Apocalypse Now de Coppola, c'est pareil, Marlon Brando qui joue avec je sais plus quel acteur, et les deux pouvaient pas se saquer, donc ils tournent pas ensemble, alors qu'ils sont toujours ensemble dans le scénario. Ça a ajouté la difficulté que Marlon Brando fallait le filmer dans l'ombre pour masquer le fait qu'il fasse 150 kilos de trop. Ou explosion imminente. Ah, c'était l'enfer. Marlon Brando, il a débarqué en n'ayant rien à branler, en surpoids extrême. Ouais. Il a fait chier tout le monde. Du coup, tout comme Pity You et L'Âge de Cristal, Apocalypse Now, c'est un film également intéressant à voir et aussi à se renseigner sur comment ça a été tourné. Est-ce que c'est la différence, c'est que je ne trouve pas très intéressant à voir, moi, Apocalypse Now. Oh, si, quand même. Avez-vous d'autres questions sur L'Âge de Cristal? C'est toujours pas Die Hard. Non, toujours pas. Non, il y a toujours pas Bruce Willis dans L'Âge de Cristal. Mais c'est le truc avec les animaux là qui sont voilà, il y a un tigre aux dents de sabre, tout ça, Bon, je vais partir d'ici. Il y a l'écureuil là qui cherche la cacahuète. C'est un manga publié par Glénat avec 9 tomes en cours. J'ai pas la réponse. Il y a toujours pas Ariel Cristal. Ah, et il y a toujours pas Ariel Dombal. Mon actrice préférée. Chanteuse préférée. D'ailleurs, tu vas nous parler de sa carrière maintenant. Bien sûr. Très belle chanson sur Notre-Dame, d'ailleurs. Alors, la musique de Gunsmith, c'est très bien pour le coup. De L'Âge de Cristal ? Ouais. D'accord. Je me demandais. Il reparle de. Il a pas compris qu'on avançait dans les. Il comprends pas le principe d'une émission où on passe chacun notre tour. Mais la musique de l'âge de cristal est très neutre au final, mais elle colle parfaitement à l'ambiance du film. Oui. Il y a que, en fait, il y a que le love theme qui lui est super, super dynamique et tout en chaleur, alors que bah, tout le reste du film, Smith, hein, voilà. Mais tout le reste du film est super neutre et super, super hospitalier limite quoi. Ouais, salut! Clinique, ouais. Froid. Salut! Ouais. Au revoir! Mais c'était la manière dont Goldsmith faisait la musique de science-fiction, on savait où pour la planète des singes. Ah, c'est pareil. À peu près c'est pour ça que je vérifiais si c'était pas aussi les MGM, la planète des singes, ah, à cause de Goldsmith. J'avais beaucoup aimé la partie musicale justement dans la planète des singes. Je trouvais que malgré le fait que le film fasse un peu vieux, parce qu'il est un peu vieux, j'avais vraiment aimé la musique qui portait vachement bien le film. Ouais, ouais, elle est vachement bien. Après, ça fait 40 minutes qu'on tourne et on a fait deux films, peut-être qu'on avance un peu. Non, mais t'inquiète, moi mes chroniques elles vont être rapides. C'est hein. Bon, pareil, les effets physiques et numériques. Mais bon. Bah, vas-y. C'est juste que je pense qu'il y a aussi une histoire de suspension d'incrédulité, consenti de l'incrédulité, c'est-à-dire un effet physique, un matte painting ou un effet un peu. Ou un costume. En fait, ça. On va savoir que c'est faux, mais ça va correspondre à notre suspension d'incrédulité, on va l'accepter. Tandis qu'un effet numérique, étant donné qu'on sait qu'on veut nous faire croire que c'est vrai, ouais, on va avoir tendance à être beaucoup plus sévère, je pense. Oui, c'est un peu comme ça joue aussi. L'homme cannibalé, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, c'est un peu le même mécanisme. Parce qu'honnêtement, un matte painting, c'est flagrant, ça se remarque à 200 km, on sait que c'est faux. Ben là, encore, ça dépend en fait de la qualité qu'il y a dans le matte painting. Si jamais c'est plus peint, comme les Star Wars étaient peints à l'encre, etc. Ouais. Ou alors si c'est plus du photobash, c'est-à-dire que c'est fait à partir de photos, etc., qui vont être retouchées numériquement. Je pense ouais, que les photos, ça peut mieux passer que des fois des trucs faits plus à la main, peints. Peut-être, mais je trouve limite que justement ceux qui sont peints ont tendance à moins choquer que, que ceux faits à partir de photos. Ben, parce que peut-être comme ils sont plus vieux, ils mettaient plus de temps, plus de... Ouais, et puis encore une fois, il y a un an, on se dit, bon, bah, ça rentre dans la charte, dans la charte artistique du film, c'est okay, du peint, c'est ok. Ouais. Je crois qu'il y avait ça aussi dans certains films, je crois qu'il y avait ça dans Gremlins ou les choses comme ça, Map Painting, qui était effectivement peint, mais du coup qui faisait un peu comme si tu, vu que c'était vers la fin, ça donnait un peu l'impression d'un conte qui se terminait, comme d'accord, si ta dernière page d'un conte un peu floutée sur les bords, enfin ça, ça passait mais crème, alors qu'effectivement ça aurait été un effet plus réaliste, je pense que la scène aurait moins, moins marché. Oui, c'est obligé parce que bon, c'était une idée de faire de la neige à perte de vue, et là tu te dis, bah oui, mais c'est un studio là, les gars. J'en ai fini avec l'âge de cristal. Ouais. Laissons la parole à Sally, qui va nous parler de... Moi, je vais vous parler de Memento. D'accord, merci. Alors, Masson, maintenant, à Nécro. Je croyais que c'était Transformers. Arrêtez. Eh ben, ça n'a duré qu'un Memento. Oh. Non, merci. Mais sachez que c'est... En plus, c'est... Bon, bref. Donc, j'avais envie de parler de films qui, de un, m'ont marqué, parce que ça a été les premiers films vraiment hollywoodiens à gros budget que j'ai vus, passé 18 ans, parce que j'ai vécu dans une cave jusqu'à 18 ans. Mm-hmm. Et... Ah, c'était pas trop dur. Bah, toi aussi. J'ai lu, donc ça va. Non, mais... Toi aussi. J'y suis encore, moi, là. Ah. Non, on te sort juste pour le podcast. Surtout, ouais, en fait, j'avais envie de parler de films qui sont comme un ça, peu... qui ont été travaillés de manière originale ou dans leur réalisation ou alors dans leur scénario. C'est-à-dire que... Après, je vais parler de Fight Club aussi, qui a été une grosse claque à l'époque. Mais on va d'abord partir sur Memento. Donc Memento, c'est un film qui est sorti dans les années 2000. Donc c'est un thriller américain qui est réalisé par Christopher Nolan, qui est connu notamment pour ses Batman, pour Inception, etc. Sur une nouvelle, slash roman, écrit par son frère Jonathan Nolan. Donc déjà, je trouve que c'est une jolie histoire de se dire que ben il a pris le scénario de son frère, qu'ils ont travaillé ensemble sur la réalisation du scénario de Memento, qui après est sorti en film. Tout le côté un peu original du film, c'est que chaque scène, en fait, est réalisée... Enfin, chaque scène est placée... dans l'ordre inverse chronologique de la précédente. C'est-à-dire que le film commence par la fin, et la scène qui suit, ça va être la scène X par rapport à la scène de la fin. Et en fait, la fin de chaque scène va être le début de la scène d'avant. Donc du coup, ça donne un effet puzzle au film qui au début est vraiment perturbant, mais qui au fur et à mesure en fait, va enrichir le côté du scénario. Enfin, le scénario, pardon. Donc, dans les acteurs principaux, on va retrouver Guy Pearce, qui joue Leonard Shelby. qui a aussi fait Peter Weyland dans Prometheus et Dr. Aldrich Killian dans Iron Man 3. On va retrouver aussi Joe Pantoliano, qui a joué dans une série Netflix qui s'appelle Sense8, qui est plutôt pas mal. Qui est même très très bien. Moi j'avais bien aimé. Et Carrie Ann Moss, qui a joué Trinity dans Matrix, donc ça c'est pas trop compliqué à voir qui c'est. Et qui joue dans Jessica Jones plus récemment, voilà. D'accord. donc, c'est toi que tu connais. C'est ton crush. Non, franchement, ouais, mais elle est toute vieille maintenant. Ah, les femmes de 40 ans. Véritablement, c'est un peu un crush de lesbienne, par contre. C'est vraiment un crush de lesbienne, par contre. Tu l'as vu en latex et tout, en plus. C'est ça, ouais, en fait. C'est mort. C'est... Non, mais je la trouve mieux maintenant qu'à l'époque. Non, c'est pas grave. D'accord. Donc le titre du film, c'est quand on le traduit, ça vient du latin, c'est pour souviens-toi, c'est pour souviens-toi, pardon. C'est parce que en fait le personnage principal, Leonard Shelby, c'est un ancien inspecteur dans les assurances, etc. Et en fait, il est victime d'une amnésie rétrograde, c'est-à-dire qu'il a un trouble de la mémoire qui l'empêche de se souvenir à court terme. C'est-à-dire qu'il se rappelle de tous ses souvenirs avant l'accident qui l'a rendu amnésique. Et après, en fait, toutes les 15 minutes, c'est comme si sa mémoire était reset. Et du coup, il est obligé pour ça de toujours se trimballer avec des photos, avec des post-it, avec des plein de choses qui lui permettent en fait de savoir et de continuer à avancer dans un présent dont il ne se rappelle de rien, en fait. Et... J'imaginais sa femme avec un post-it sur la gueule, je suis ta femme, connard. Non, non, parce qu'en fait, ce qui l'a rendu amnésique, c'est parce que un soir, il y a quelqu'un qui est rentré chez lui, qui a violé et qui a buté sa femme, et qui a voulu le buter également. Et en fait, il a réussi à s'en sortir, mais avec de graves troubles de la mémoire, dont une amnésie rétrograde. Du coup, je retire ma blague sur le post-it, oui, sur la tête de sa femme. Ça, c'est sur le... Mais sinon, sur le cadavre de sa femme, le post-it, je suis ta femme, comme ça. Ouais, dans le frigo, le corps de sa femme, je suis ta femme. Peut-être juste la tête. C'est, ah merde, elle est morte. Ah ouais, bon, bah... Voilà. Et donc, du coup, en fait, il est dans cette recherche de vengeance perpétuelle dont il ne se souvient pas exactement de comment il est arrivé là, etc. Il se tatoue aussi pour garder les événements majeurs de ce qui s'est passé dans sa recherche du criminel ou de la vengeance de sa femme. Et donc, on suit Léonard, justement, dans cette quête vengeresse et de toutes les personnes qui l'entourent et qui... trop souvent, en fait, sont mal intentionnés et vont se servir de cette amnésie rétrograde pour profiter de lui. Mmh. Ou lui extorquer de l'argent, ou lui faire enquêter sur des fausses pistes. Il y a aussi toute une histoire de drogue sous-jacente, toute une histoire de flic ripou, notamment avec Carrie Ann Moss et Joe Pantoliano, qui vont à tour de rôle, en fait, se servir de Léonard pour essayer d'en tirer profit, etc. Donc, le film est intéressant dans sa construction et j'ai pas envie d'en dire trop parce que je trouve que c'est le genre de film qu'il est intéressant de regarder avant tout. Et j'ai pas envie de le spoiler aussi. Mais c'est vrai que le côté financier, moi j'aurais testé. Hein. Au fait, tu me dois 20 euros depuis un mois là. En fait, ça, c'est, par exemple, c'est le genre de scène qui va être assez commune parce qu'il vit dans un motel. Ouais. Et très souvent, en fait, on lui réclame les sous de sa chambre alors qu'il a déjà payé. Et ça vient justement appuyer le fait que tout le monde l'utilise et va utiliser justement son handicap quelque part de manière complètement dégueulasse. Donc bon, ça parle un peu de choix, des choix qu'on fait à notre insu, pas à notre insu. Puisque c'est cool aussi parce que comme on suit le personnage principal qui sait pas trop comment se positionner par rapport au personnage qui l'entoure, vu qu'il a pas de souvenir de ces personnes-là, il y a aussi deux choix possibles en fait pour la fin du film, à savoir si jamais ces personnes-là lui ont menti ou non, parce qu'il y a une sorte de trame chronologique qui se dédouble avec des passages en noir et blanc où il raconte qu'avant son accident avec sa femme, vu qu'il était inspecteur des assurances, il suivait une personne pour savoir si elle essayait de faire une fraude à l'assurance ou non, qui avait le même problème d'amnésie rétrograde, qui a fini par buter sa femme, et du coup ça fait un peu écho à sa propre histoire. Et à un moment donné dans le film, on lui dit peut-être que cette histoire, en fait, c'est pas un truc que t'as vécu avant ton accident, mais c'est un truc que t'as vécu après ton accident. Et ça vient mettre, du coup, deux choix possibles, où on lui ment, et ça s'est pas du tout passé après son accident, ou alors c'est la vérité. Et dans ce cas-là, il court après une revanche qu'il a déjà accomplie, mais comme il s'en souvient pas, il continue, en fait, en boucle, cycliquement, Voilà, donc c'était un film que j'ai beaucoup aimé. C'était bien. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, à part que c'est un film qui, dans sa réalisation, en fait, est super intéressant de par le fait que les plans sont montés à l'envers, tout simplement. D'ailleurs, il y a une scène post-générique où il y a un post-it sur le cadavre de celui qui a tué sa femme, où c'est marqué « Je suis mort, connard ». Mon Dieu. Voilà. Ça a l'air vraiment bien présenté comme ça. Mais c'est, en fait, c'est vraiment super intéressant, parce que si le film n'était pas monté à l'envers, ça reste un thriller basique, quoi. Mais le fait que chaque scène soit montée les unes derrière les autres, pas dans le bon sens, entre guillemets, ça donne vraiment un côté d'enquêteur pour le spectateur. Le spectateur, c'est lui qui va faire le lien, en fait, entre tous les fragments de souvenirs de Léonard, puisque lui-même s'en rappelle pas. Donc c'est là où ça devient intéressant, on est presque enquêteur en même temps que le personnage principal. Dans le même temps, ça peut donner aussi envie de revoir le film, j'imagine, parce que du oui, coup, quand une on fois a... qu'on connaît le, ouais. le, la fin, bien sûr qu'on a envie de revoir le film pour avoir, bah, de manière un peu ironique, toutes les pièces en main et pouvoir le remettre dans l'ordre désordonné, quoi. Moi, c'est justement un peu cet aspect qui me gêne, en fait, dans ce film et chez Nolan en général, c'est qu'il y a un super concept de base, celui de Memento, j'ai rien à lui reprocher en tant que concept, mais Nolan a le défaut de beaucoup de réalisateurs intellectuels et high concept, c'est que sorti de son enfin il compte trop sur son concept justement. Ouais. Et justement une fois que t'as vu une fois Memento, moi il a bien marché pour moi la première fois que je l'ai vu, mais comme tous les Nolan quand je l'ai revu, j'ai eu de plus en plus l'impression, tu sais comme si c'était un tour de magie que j'avais aimé quand j'étais gamin mais que adulte je comprenais toutes les ficelles. Et Nolan, ça me fait ça, c'est-à-dire je me dis, oui, mais qu'est-ce que t'as à me proposer d'autre que ça, en fait ? Parce que justement, si on le remet à l'endroit, c'est un thriller oui, c'est ça. Assez banal. Et le truc, c'est que je me rends compte que, en fait, je sais pas s'il l'envisageait comme ça, je pense pas, mais en fait, en vrai, comme technique de base, ça permet de faire un film ultra feignant, vu que le mec se souvient pas, à peu près tout peut devenir prétexte à peu près tout peut devenir prétexte à suspense, en fait. Donc c'est, c'est un peu l'excuse à tout, c'est à la limite du ta gueule, c'est magique. Ouais. Ouais, mais... tu peux justifier un événement qui se passe, quelqu'un qui lui dit quelque chose, de toute façon tu fais automatiquement planer le doute, vu qu'on ne connaît pas cette personne. Et en fait c'est un peu ce qui me gêne chez Nolan en général. Mais après ça reste un film plutôt agréable à voir, contrairement à ses plus récents. Oui, parce qu'après du coup c'est un défaut que tu pointes lors d'un second visionnage. Ouais, mais pour moi un très bon film, mais oui. C'est sûr. Oui. Mais... Et puis il reste agréable à voir, contrairement vraiment au Nolan récent que je trouve imbérable. Ouais. Ça fait partie des meilleurs Nolan pour moi. Ouais, si ce n'est le meilleur. Oh, j'aime beaucoup, je regardais ça fait moi j'aime beaucoup Insomnia et Following, donc les Following sont son tout premier film. Memento, faut dire que c'est son deuxième, deuxième film du coup. Et Insomnia, c'est le troisième. Insomnia, en fait, je le trouve trop froid. Ouais, bah, clairement, c'est le but. Mais non, j'ai beaucoup aimé Memento, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, peut-être l'année dernière il me semble. Je l'ai bien aimé aussi, encore une fois. L'acteur principal, Guy Pearce, est très très bon. Mais tous, hein, j'ai trouvé que même le flic ripou de Joe Pantoliano, il marche très très bien, parce que le scénario te le présente comme ça aussi, tu sais jamais trop en fait s'il essaye d'être sympathique parce qu'il est sympathique ou si c'est parce que c'est un trou du cul qui essaye de profiter du héros. Enfin, il est tout en nuances et je trouve ça très très agréable. Et puis juste, j'ai trouvé que c'était un film original parce qu'il avait le concept des plans les uns après les autres. Mais même la patine un peu toujours sépia par rapport, je pense que c'est une sorte d'écho au fait qu'il prend tout en Polaroid. Et c'est vrai que les Polaroids, ça n'a pas des couleurs ultra bright. Oui. Je pense qu'il y a... Enfin, j'ai beaucoup aimé la patine du film, les couleurs et tout ça, qui sont assez ternes, mais ça collait bien. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu l'as vu Pas vu du tout, mais ça m'intéresse, du coup. Les 10 premières minutes, elles sont vraiment compliquées, quoi, parce que t'as tendance à être perdu, à pas savoir ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça et tout. Qui c'est qui a pas rembobiné la cassette, là? Limite, c'est une volonté de l'auteur que tu sois aussi paumé que le personnage principal à ce oui, moment-là. Bien sûr. C'est, non, mais de tout le film, en fait, et le fait qu'il soit organisé comme ça, c'est parce que le personnage principal a un problème de mémoire. C'est pas... Et après, je pense qu'il y a certains films qui sont tournés, enfin, qui sont présentés comme ça, où c'est pas le but de paumer le spectateur. Mais des fois, non, ça marche pas. Voilà, ouais. Mais du coup j'ai fini avec Memento, c'était très bien, je vous le conseille. Alors moi je vous le conseille une fois, mais ne le revoyez pas, c'est les ans. Une fois mais pas deux. C'est ça. Merci Sally. Et ben, de rien, ça me fait plaisir. Ça nous a fait plaisir aussi. Passons maintenant à Nécro, qui va nous parler de... Alors je vais vous parler du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Ouais. Est-ce que là aussi la femme se fait violer et puis tuer? Bah, si on parle des parents, ils survivent pas bien, en fait. Mais à un moment, le petit dinosaure perd son flingue. D'accord. En même temps, si jamais c'est un Disney, je sais pas si c'est un Disney, non. Et du coup, il le recherche, parce que vu qu'il va bientôt avoir 30 ans, il va bientôt être tué. Alors, et donc, il faut qu'il se défende. C'est pas un Disney, c'est fait par Universal Pictures. Ouais. En 1988, par Don Bluth. Et qui... Non, et donc, pendant, qui... Ta gueule. Et qui est un film qui parle donc justement d'une thématique qui est bien de nos jours, changement climatique avec perte de végétation, la nature qui est vraiment périclite, et il paraîtrait qu'il y a un endroit qu'on appellerait la Vallée des Merveilles, qui est un endroit où la végétation est luxuriante, et où les dinosaures pourraient effectivement vivre à nouveau correctement. Viens dans ma vallée, petit dinosaure, je vais te montrer une végétation luxuriante. Tu seras gentil avec moi. T'en as pas marre, des glauques qui savent. Puis hein? Le problème, c'est qu'on connaît déjà la fin du film parce qu'ils sont quand même tous morts. Les dinosaures, donc ça doit pas très bien finir. Il y en a eu 7 des films Petit Dinosaure, donc c'est ça va, t'as de la marge. Alors, il y a la fin de la saga, 14 longs métrages. Oh putain. Wow. 14 longs métrages, je savais pas. Et c'est le premier celui-là ? Ouais, c'est le premier. Et c'est le seul fait par Dan Bluth. Sinon, je ne peux pas m'empêcher de vous donner le titre québécois qui est Petit Pied le dinosaure. Parce qu'il s'appelle Petit Pied, en vrai. Enfin, voilà. Petit Pied. Mais qui n'a rien à voir avec le titre anglais. C'est bizarre. Normalement, je me disais, bon, s'ils ont fait ce titre-là, c'est peut-être parce que le titre. Petit Pied, le diplodocus. Mais on a le titre le plus complet en France. Donc, Le petit dinosaure et la vallée perdue. Et le titre anglais, ça donne quoi ? Alors, je suis en train de le rechercher. I am the land... fucking dinosaur! The land before time. D'accord. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le titre anglais. Pour moi, c'est un des meilleurs films d'animation de cette période-là. Ouais, clairement. C'est, les couleurs sont très bien travaillées, il y a de l'action, il y a des moments qui font vraiment flipper. Je veux dire, quand t'es gosse, il y a un T-Rex qui revient tout le temps, qui s'appelle Dent Tranchante. Ouais. Qui est une légende parmi les dinosaures parce qu'il est, vraiment flippant, c'est un psychopathe et tout. Et les personnages sont quand même très jeunes, tous. C'est des gosses, quoi. C'est des gosses qui font une aventure où ils peuvent se faire buter à chaque fois qu'il y a quelque chose, parce qu'on voit les coulées de lave, on voit les endroits où qui s'érodent. Ils sont tous séparés de leurs parents, en plus. Voilà. Et vraiment, les décors sont très sombres. Mais très sombres en le sens où vraiment, t'as pas... sombre et terne à des moments où t'as vraiment peu d'espoir pour eux parce que c'est vraiment l'apocalypse derrière. Là, c'est l'une des marques de famille du réalisateur. Mm. C'était pareil pour... Pour Fable. Pour Fable. Mm. Mais Fable, il est super dark. Hein. Ouais. Celui-là, tu l'as vu, Issam. Ouais, celui-là, oui. Il est super, super dark, que ça soit plus dans les décors ou dans le scénario, Fable. Et puis les personnages sont très attachants. Mm. La VF est vraiment pas dégueu. Mm. C'est important de le souligner sur des trucs comme ça. De toute façon, la VF de cette époque, elle était toujours impeccable. Ouais. Les doubleurs, ils avaient le temps. D'autant globalement, plus... sur l'animation. Ouais, d'autant plus pour les dessins animés, ouais. Mm. Mais là, les voix sont vraiment collent vraiment à l'aspect des personnages. Quoi. Donc ça choque pas du tout. Et dans les trucs intelligents qu'on pourrait faire voir à un enfant, je pense que ça en fait partie. Quoi. C'est dans les... Personnellement, c'est dans mon top tiers enfant. Top tiers enfant. Cette expression. Donc, je sais pas qui l'a vu, qui l'a pas vu. Toi, moi, j'ai vu. Peut-être le seul, d'ailleurs. Bah, moi, comme je te disais, il y a des années, j'ai vu le début, ça m'a fait chier, donc j'ai arrêté. Parce que monsieur n'aime pas les dinosaures. Ouais, mais... c'est bon. Ça et les chiens. Bah, mais il aime plein d'autres trucs. Hein. Il aime pas le jazz. J'aime pas les nazis. Alors ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien, Issam, d'aimer les nazis. Tu t'en rends compte quand même. Subversif là. Est-ce que tu t'en rends compte qu'aimer les nazis, c'est pas vraiment dans le flow. Et du coup, si je trouve un film avec des dinosaures nazis, ça te plaît. Je parle de trucs enfants et tout, et là on a venu à des nazis sur les. Ça dérive. Godwin, non, par rapport au dernier dinosaure, je signalerais juste qu'il y a une musique de James Horner. Ouais. Alors moi, je suis vraiment pas fan de la BO parce que j'ai beaucoup de mal avec Horner, mais le dernier dinosaure, c'est meilleur compos. Ouais. La vallée perdue. Oui, parce que là, pour moi, j'étais sur Denver, le dernier dinosaure, je les ai mis à foutre là. Oh, c'est la même merde. Oh, c'est pareil, c'est animé, ça bouge. L'animation est extraordinaire. L'animation est magnifique. Il n'y a pas eu d'économie sur les frames. Normalement, c'est en animation, il y a beaucoup d'économies des fois quand c'est fait pour les enfants, parce qu'on se dit ah c'est pour les enfants. Ouais, mais dans le long métrage pas trop quand même. Dans le long métrage, il y a des trucs. Oh, putain, c'est surtout dans la Japanimation, ça tourne aux 12 frames. J'ai vu des trucs vraiment dégueux en animation. Oui, mais pas dans le long métrage. En long métrage. Ah, mais oui, du long métrage genre fait par des gros studios. Non, parce pas qu'il les y a gros des longs métrages qui sont aussi faits par des petits studios et que là, du coup, ils voient l'économie, ça se comprend. Alors, par contre, là où ils ont vu l'économie, c'est pour les suites. Les suites, c'est des directs ou vidéos. Ouais, c'est ça. Là, tu sens que. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une patine dans l'image, dans le premier. Et en plus, il y a vraiment les effets d'ombre sur les personnages. Chose qu'on ne retrouve pas, les personnages, après, dans les autres films, ils se retrouvent quasiment en ligne claire. Ça devient dégueu, quoi. Plus ça avance, plus c'est une catastrophe. C'est le budget, quoi. Mais non, celui-là, il est marquant. C'est un bon film d'aventure pour enfants. Voilà, et même, regardez-le même en étant adulte, ça vaut le coup de le connaître. Sauf si vous aimez pas les dinosaures. Mais... Voilà, ou l'animation. C'est quand même pas la majorité des gens. Non, mais j'ai rien à dire. Les nazis ou les dinosaures, mais pas les deux. Ouais, voilà, c'est moi j'ai fait mon choix. Bah si, les nazis et les dinosaures, pourquoi pas. Ouais, ça va, mais... Au pire, je pourrais te le trouver en version allemande. Ah bah là, pourquoi pas. Mon Dieu, ça doit tellement être horrible. Non mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce truc-là. Ce film-là, c'est vraiment... C'est un film de mon enfance. C'est un film de mon enfance, au même titre que j'avais déjà parlé de Basile Détective Privé. Pour moi, ça fait partie des trucs charnières qui m'ont vraiment plu. Et d'ailleurs, j'ai appris que Basile Détective Privé, il y avait toute une séquence où il y avait de la 3D qui était utilisée. Oui, dans l'horloge. Oui, et c'est un truc où j'avais pas fait gaffe quand j'étais petit, mais c'est parfaitement utilisé. Pour le coup, Basile Détective Privé, ça fait partie des Disney injustement oubliés du grand public. Bah, et puis qu'ils ont un peu caché parce qu'ils disaient « Ah, c'est trop sombre. Allez, on cache. » Alors qu'il est super. C'est vraiment cool, Basile. Il y a que les musiques qui sont pas terribles dans Basile Détective. Faut que je le revoie, moi, il m'avait laissé relativement froid. Qu'est-ce qui ne te rend pas froid? Non, mais en plus, là, c'était un univers holmésien, donc c'est d'autant plus étonnant. Il était bien, mais pas fabuleux. Par contre, quand tu le mets en contexte Disney, tu compares, tu dis, voilà, attends, il y a eu un truc, là, il y a un raté. Comme Taram aussi. Voilà, qui est beaucoup plus sombre. J'avais bien aimé Taram et le chaudron magique. À l'époque, j'avais trouvé que ça faisait vraiment une cassure avec les Disney, qui étaient assez mignons, assez joyeux et tout ça. Taram, il a un côté un peu glauque... Est-ce qu'on peut en profiter pour conseiller la vidéo de Moa sur Taran et le chaudron magique? Oui, qui est excellente. C'est une très bonne vidéo. Et qui parle aussi des techniques d'ailleurs d'animation dedans. Et qui est aussi une vidéo d'un vidéaste qui est beaucoup trop peu connu, qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés que ça. Mais sinon, bah, là je pense qu'on peut passer à la recommandation d'Arthur. Très bien. Arthur. Donc, moi, étant donné que j'ai très peu de culture cinématographique, mais que en ce moment... C'est bon, vous n'avez pas tous nous la faire, celle-là. Ta gueule. Mais que en ce moment, je vais beaucoup au cinéma. Sale gosse. Bref, j'aimerais qu'on passe à mon film. Oui, vas-y. Waouh. Donc, je vais parler de films d'actualité pour les trois films. Enfin, plus ou moins récents, enfin, de films de cette année. Donc, le premier, ce sera La Favorite, donc de Yorgos Lanthimos. Tu me confirmes que ça se prononce comme ça? Moi, c'est comme ça que je le prononce. Très bien. Donc qui avait, qui est un cinéaste avec une plutôt longue filmo, qui a fait Mise à mort du cerf sacré en 2017, qui a fait The Lobster dont tu vas parler après, Chris. C'est ça. Et donc c'est un film anglais qui dure 2 heures, qui se passe au début du XVIIIe siècle, pendant la guerre entre le Royaume-Uni et la France, où on suit le quotidien d'une cour qui est un peu en marge des combats et qui est très frivole et qui vit un peu dans l'opulence et dans la légèreté. On suit en particulier la reine Anne, qui est interprétée par Olivia Colman. Qui est une habituée de sa filmographie. Qui a joué donc dans The Lobster, qui a joué aussi dans Doctor Who et dans The Crown, une série Netflix. J'en profite pour caser Netflix juste pour énerver Sam, c'est toujours un plaisir. Donc c'est une reine qui est assez fragile, tant physiquement que psychologiquement. Arrête ça! Au secours, je me fais agresser! Bref. Donc, qui laisse la gouvernance du pays à son amie Lady Sarah, qui est interprétée par Rachel, alors un nom compliqué, Weisz, je sais pas, qui est également dans The Lobster, qui n'est pas dans Crown, qui est disponible sur Netflix. Mais qui n'est pas dans The Crown, disponible sur Netflix, ni dans Doctor Who, disponible sur Netflix. Disponible sur Netflix, notamment. Oui. D'accord. Leur quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle servante qui se présente comme étant la cousine de Lady Sarah, qui s'appelle Abigail, qui est interprétée par Emma Stone, qui qui joue dans La La Land, qui joue dans Spider-Man, qui joue dans la suite de Zombieland. Parle-moi vite, parle-moi. Elle joue quoi, calme-toi. Qui joue dans Maniac, qui est disponible sur Netflix. Elle joue aussi dans le premier. Elle joue dans le premier. Oui, elle joue aussi dans le premier, c'est vrai. Calme-toi, parle-moi vite. C'est trop bien. Mais j'essaie de faire que ça avance là, ce podcast de merde. Les gens sont marre. Les gens ne peuvent plus. Tu comprends ça? Emma Stone qui joue aussi dans Birdman. Oui. Qui est disponible sur Netflix. Qui est disponible sur Netflix. Et puis aussi sur une autre série Netflix. Oui, Maniac. Oui, Maniac. Ouais. Donc Emma Stone, qui est une déclassée, qui entend retrouver sa place au sein de la haute société. Et donc Lady Sarah la prend sous son aile, et elle, puisqu'elle entend la manipuler pour en faire une alliée à elle. Elle est princesse, Sarah ou... Ta gueule, ça fait trois fois que j'ai oublié de dire ta gueule, vous êtes insupportable avec vos blagues de merde, non mais soyez drôle au moins. Pourquoi vous? C'est lui depuis tout à l'heure hein, qui t'interrompt. Oui mais toi t'es moche donc ça me perturbe. Bref. Mon dieu. Donc Sarah, alors qu'elle est extrêmement prise par la politique, Abigail, la nouvelle servante, en profite pour se rapprocher de la reine avec des ambitions d'essayer d'accéder au pouvoir par comitance avec la reine. Donc elle est déterminée à accéder au pouvoir et elle laissera personne se mettre sur son chemin. Donc tout le film tourne autour de son ascension qui se fait autour de jeux de manipulation et de quotidien courtois. Donc c'est un film que j'ai trouvé assez brillant de par son équilibre entre plein de choses, entre drame et comédie d'abord. On jongle également entre des dialogues très fins mais qui sont disruptés par des mots très crus qui peuvent surgir en plein milieu des phrases. On a des personnages qui arrivent à être tout à la fois extrêmement ridicules et en même temps très charismatiques et plutôt attachants en fait. Et sans que jamais on ressente un mépris de la part du réalisateur, ni pour les personnages, ni pour le spectateur. Ce qui est assez impressionnant parce que c'est quand même des personnages dont on nous montre qu'ils sont obnubilés par un quotidien bourgeois et par des enjeux de pouvoir extrêmement égoïstes. Donc on pourrait penser que très vite ils pourraient être l'objet d'un mépris vraiment prétentieux de la part du réalisateur. Ce qui n'est pas le cas, puisque ça dénonce sans mépriser, ce que je trouve assez intéressant, et assez habile et assez bien fait. Le film est cru sans jamais être vulgaire, élégant mais jamais trop bourgeois, grave et en même temps très ludique et très puéril. Il y a une conscience du jeu et des jeux qui se jouent entre les personnages qui rend les rapports entre eux assez fascinants, j'ai trouvé. Il y a aussi toute une dynamique d'une ironie cruelle qui montre à quoi tient le pouvoir et finalement que c'est bien peu de choses. Et que finalement on le voit, ça tient beaucoup à des rapports sexuels et à ce genre de choses, puisqu'en effet le film est motivé par un triangle lesbien protéiforme qui va évoluer, donc parce que la reine est lesbienne et donc pour se rapprocher d'elle, on en passe par là quoi. Qui donc vraiment le film se concentre sur ces trois personnages qui sont vraiment coupés du reste, même s'il y a quelques personnages plus secondaires, mais vraiment c'est leur interaction qui sont au centre de tout. On reste collé à elle tout le long du film, mais on les lâche pas, ce qui rend vraiment le film assez immersif. Il y a une réelle atmosphère qui se développe et je trouve que le cinéaste catalyse et coordonne des énergies assez multiples puisque ce sont trois actrices qui je trouve se complètent très bien et dans des jeux qui sont très puissants mais qui jamais se surpassent et se dominent l'une l'autre et je trouve vraiment qu'elles fonctionnent toujours bien ensemble, qu'il n'y en a pas une qui est hors ton et que chacune vraiment sont assez exceptionnelles d'intensité et en même temps de subtilité dans leur jeu. Elles arrivent à être tout à la fois assez charismatiques et en même temps plutôt effrayantes à certains moments, ce que je trouvais assez bien joué. Les personnages aussi jouent beaucoup sur des contre-pieds et sont assez nuancés. La reine qu'on pourrait attendre extrêmement ferme et en fait extrêmement infantilisée, ridicule. Il y a des scènes où elle pleure par terre, enfin c'est vraiment assez médiocre quoi. La nouvelle servante qui apparaît d'abord comme étant une naïve, encore une fois assez puérile et assez prompte à te faire manipuler, apparaît finalement bien plus perfide et bien plus pleine de ressources que ce qu'on aurait pu croire. Et Sarah, qui apparaît d'abord comme étant très glaciale, se dévoile petit à petit sensible, tant et si bien qu'on en vient à se demander si son amour pour la reine ne serait pas réel. Et au fil du film, certains éléments font qu'elle s'épaississe encore plus, notamment la reine qui développe une envergure tragique que j'ai trouvé assez forte sur la seconde partie du film notamment. Il y a une ambiguïté constante des sentiments, c'est un film qui arrive à être constamment surprenant tant sur le fond que sur la forme j'ai trouvé. À aucun moment le film ne se veut trop sérieux et le dramatisme est toujours contrebalancé par des plans absurdes ou ridicules qui provoquent un effet de recul et qui démystifient totalement les enjeux et qui montrent bien finalement comme tout ce qu'on peut vraiment prendre avec beaucoup de sérieux et finalement assez ridicule encore une fois. Également, ça a aussi entré un romantisme qui donc fait se coordonner une certaine bassesse des gestes et des actions, et en même temps une certaine superbe des personnages. Et le roman libertin, vraiment on sent que toute l'ambiance tourne autour de ça, avec donc ce triangle lesbien qui est extrêmement bien construit, mais un libertinage qui est en plus motivé par, par des enjeux politiques qui, même s'ils sont en second plan, vraiment font avancer le film et lui donnent une cohérence. La mise en scène aussi, elle est assez bien trouvée. On a un décor surchargé, très baroque, qui rompt avec un organisme des corps qui sont souvent filmés en très gros plan. La musique est formidable, je trouve, et elle appuie l'absurde de certains passages en étant très très grandiloquente quand c'est assez médiocre. D'autres rappels sont un peu lourds, je trouve. Il y a une BO originale. Oui. Alors, il me semble qu'elle est partiellement originale de mémoire, mais il faudrait que je vérifie. Je trouve que certains. Alors, c'est un film qui joue beaucoup avec des images et tout ça, mais je trouve que parfois c'est un peu lourd. Justement, sur le ridicule de la cour, on y revient beaucoup. Une fois avec beaucoup de force, mais c'est répété quand même beaucoup. Ça, pour le coup, ça aurait pu être un peu plus subtil, je pense. Et c'est relativement bourré de symbolisme, de sous-textes et de non-dits qui rendent le film assez agréable à revisionner. Moi, je l'ai vu deux fois. Voilà, donc le film aussi se construit autour d'un chapitrage. Il me semble qu'il y a 7 ou 8 chapitres qui rappellent encore une fois un héritage romanesque qui est vraiment au cœur de l'ensemble. Et également, bon, sur le plan peut-être d'une certaine, d'un certain aspect contemporain, passer l'envergure féministe des personnages et de leurs relations, puisque donc ce sont trois femmes qui en tout cas ont des rapports homosexuels, même si on est sûr qu'il n'y en a qu'une qui est lesbienne, les autres on n'est pas sûr. On peut aussi y voir en fait une lutte pour l'autonomie et le pouvoir des femmes qui se retrouvent à être poussées les unes contre les autres pour accéder à un minimum de pouvoir. Donc le film est assez critique à ce niveau-là, tout en étant assez subtil et sans appuyer ses messages, ce que je trouve assez bien fichu. Un bémol peut-être, c'est le final qui est un peu lourd et qui surdramatise un petit peu le propos, ce qui peut sembler assez dommage compte tenu de la subtilité qu'il précédait. On a un peu l'impression que le cinéaste voulait vraiment qu'on comprenne son message et que du coup sur la fin vraiment il a appuyé sur une dernière scène qui est très longue et très lourde et pour le coup extrêmement dramatique et sans aucune ironie comme pouvait y en avoir pendant tout le film. Et voilà, donc, et même avec un côté un peu moraliste, voire moralisateur, qui questionne un peu son point de vue, alors que je trouvais que pendant tout le film, il était relativement en retrait et relativement neutre vis-à-vis de ses personnages. Sur la fin, c'est un peu plus ambigu. Mais donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est un excellent film et que ça me donne vraiment envie de voir les autres films du réalisateur que moi je connaissais pas. Voilà. C'est d'autant plus étonnant que Mise à mort du chien sacré, justement, sur sa fin, était assez subtile. Et était plutôt un rejeté de tout moralisme, donc c'est étonnant qu'il soit tombé dans ce travers-là. Mais enfin, disons que la fin appuie vraiment le basculement des rapports et appuie une des métaphores, parce que la cour est représentée par les lapins que collectionne la reine, elle a plein de lapins pour tous les enfants morts en couche, enfin, c'est assez glauque, mais c'est assez drôle aussi dans le film. Justement, c'est là qu'il est très bon, le film a réussi à jongler entre ces deux ambiances. La mort des enfants, c'est toujours rigolo. Et vraiment, sur le dernier plan, il y a une espèce de fondu où on voit à la fois les personnages et plein de lapins qui grouillent, et je trouve que c'est un peu lourd, d'autant que le plan dure très longtemps. Donc c'est vrai que ça rajoute un peu de lourdeur, avec en plus une musique extrêmement dramatique, des personnages extrêmement sérieux. Disons que tout le dramatisme est condensé et qu'il n'y a rien qui le contrebalance comme ça avait été fait pourtant pendant tout le film, ce que je trouvais assez brillant. Quand tu as parlé des lapins et que derrière tu as dit qu'il y avait une fondue, j'ai cru qu'il y avait une fondue bourguignonne avec les lapins à la fin. Non, on ne mange pas les lapins. C'est le même problème pour le The Lobster. Ah ouais ? La fin est assez lourde également. En fait, autant parler de The Lobster tout de suite vu que c'est le même réalisateur. Oui. Ouais, The Lobster partage énormément de points communs. Alors déjà, le pitch. Tu l'as vu ça ou pas ? Non. Le pitch de The Lobster, déjà, c'est de la science-fiction dans un futur très proche. Bon, on n'a pas de date précise, mais tout l'univers est comme le nôtre. C'est un univers où, quand tu passes la trentaine ou la quarantaine, je ne sais plus, à partir du moment où tu n'es pas en couple, tu dois te rendre dans un hôtel spécialisé pour trouver ton âme sœur et te mettre en couple. Contre natura ! Un peu ça. Si tu n'y parviens pas avant 45 jours, t'es lâché dans une forêt à côté et tu sers de proie à la prochaine génération qui va arriver pour se mettre en couple. S'ils arrivent à te choper, à te chasser, ils gagnent des jours de plus sur les 45. Et si tu es chopé, en fait, t'es transformé dans l'animal de ton choix. Voilà donc, pour le pitch. Un homard pour le personnage principal, okay. Interprété par Colin Farrell. Mais tu peux être changé en, ouais, en n'importe quel animal. Genre en chien. Voilà. Le personnage de Colin Farrell est accompagné par un chien au début du film et il se trouve que ce chien, c'est son frère. Ah. En fait, qui s'est fait changer. En fait. T'aimes bien ça, toi, Isabelle. Ouais, j'adore. Ouais. Et il y a beaucoup de choses donc, du coup, que tu dis sur la favorite qui se retrouvent dans The Lobster, c'est-à-dire ce côté baroque déjà, le côté burlesque. Il y a des règles totalement, totalement absurdes dans l'univers de The Lobster, et surtout dans l'univers de l'hôtel dans lequel ça se déroule. Tout ce qui est consommation de pornographie et masturbation, c'est interdit, puisque ça te rappelle que bah, tu peux très bien vivre tout seul, alors que le but de l'hôtel, c'est de te faire comprendre que maintenant, il faut vivre en couple. Donc tous les plaisirs solo sont interdits. Il y a aussi tout cet aspect vraiment romantique, un petit peu gothique dans The Lobster. Alors, je sais pas si c'est le cas dans la favorite. Pas tant que ça, non. Mais il y a vraiment ouais, un côté baroque par contre qui lui est omniprésent dans le film. Enfin quoique quand le château est filmé de nuit dans des scènes où parce que la reine a la goutte je crois, donc il y a presque un côté un peu de tension d'ailleurs assez amplifié par la musique qui se fait assez stressante à ce moment-là et où il y a vraiment des jeux de lumière dans le château, ça fait un peu gothique, mais au-delà de ça, pas trop. Et qu'est-ce que t'as pensé des dialogues de The Lobster ? Parce que je trouve vraiment que c'est aussi un des points forts de la favorite. Mais par contre, c'est un film où on parle très peu. Déjà, il y a peu de personnages dans le film, peu de personnages très importants, du coup, ça parle pas beaucoup. La favorite, par contre, parle plutôt beaucoup, mais il y a aussi très peu de personnages, du coup. Et je trouve que les dialogues sont vraiment bien menés, donc... Mais du coup, ouais, dans The Lobster, t'as un côté critique sociale, bah déjà critique de la didacte du couple et de l'obligation de se mettre en couple. C'est un truc que je pense qu'on a tous déjà connu dans notre entourage, les questions du « quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un ?» Ce genre de questions-là qu'on connaît tous. C'est un film qui critique ouvertement ça. C'est un film sur l'amour, sur la solitude, sur le mensonge aussi. Parce que du coup, les personnages sont forcés de se mettre en couple s'ils ne veulent pas finir en animaux ou traqués. Du coup ils vont commencer à mentir pour pouvoir se mettre en couple avec d'autres. C'est un univers qui est montré au fur et à mesure du film, c'est à dire au début ça se passe dans l'hôtel, ensuite le personnage à un moment prend la fuite, découvre d'autres personnages, notamment le personnage de Léa Seydoux qui joue la chef des rebelles qui vivent dans la forêt. J'ai vu un haussement de sourcils. Sam, que penses-tu de Léa Seydoux? Quand elle est bien dirigée, ça peut aller, mais c'est un choix risqué. Elle est bien dirigée aussi. Ouais. Ça me rassure, toi. Elle est bien dirigée. Globalement, ouais, c'est un réalisateur vraiment du burlesque. Parce que ça, apparemment, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Alors, je sais pas si on retrouve ça vraiment dans le cerf sacré. Ouais, mise à mort du cerf sacré, oui. L'histoire de mise à mort du cerf sacré, très rapidement, c'est un grand chirurgien qui est joué par Colin Farrell. Qui s'est rapproché du fils d'un de ses anciens patients, mais qui est un ado un peu glauque, un peu paumé, qui un jour lui annonce « Bon, bah, tout le reste de ta famille, tes enfants et ta femme vont tomber malades. » Alors, au début, ils vont devenir aveugles, puis ils vont plus pouvoir marcher, enfin, il y a toute une liste de dégradations, et ils vont finir par mourir, sauf si tu en tues de tes mains un des trois. Si tu choisis de tuer un des trois, les deux autres vont être soignés, c'est une sorte de malédiction. » Et effectivement, il y a tout un sens du burlesque dans Mise à mort du cerf sacré, principalement autour du fait qu'en fait, ce qui fait le plus chier Colin Farrell dans cette histoire, c'est de perdre le contrôle et qu'il y a un petit con qui le manipule. Le fait que sa famille meure pendant facilement 1h20 de film, c'est à la limite d'être secondaire pour lui. Pendant très longtemps, il est plus dans l'énervement. Enfin, c'est un très bon film aussi. Et... Pareil, tu parlais de rapports, j'avais l'impression qu'il y a des rapports un peu cruels entre les personnages. Oui. Dans Mise à mort du cerf sacré, c'est complètement ça, parce que du coup, en fait, les deux enfants, notamment, vont commencer à avoir une rivalité pour essayer de convaincre le père de plutôt buter l'autre. C'est pareil dans The Lobster, hein. Les personnages sont très je m'en foutisme les uns envers les autres. Hein. Justement, la favorite contrebalance un peu ça sur la fin, mais sur la fin, on en vient presque à douter de certains sentiments qui seraient peut-être vrais et qui, justement, ce serait ça l'anomalie. D'avoir de vrais sentiments là-dedans, ça paraît tout à fait absurde. Et oui, on voit que même la reine, qui, elle, pour le coup, a du désir et qui feint parfois l'amour, on sent que l'une comme l'autre, ça lui va tout à fait. Et que finalement, pour le coup, vraiment, je trouve que tous les personnages sont très attachants, même dans leur cruauté et dans leur perversité. Il n'y a jamais ce côté de les rendre absolument détestables pour critiquer l'être humain, comme par exemple il peut y avoir chez David Lynch. David Fincher. Non, là vraiment, c'est des personnages qui arrivent à être à la fois détestables et attachants. Je sais pas s'il y a ça aussi c'est dans. Pareil, c'est pareil dans The Lobster. Et ouais. Ça, je trouve ça assez bien mené et je serais assez intrigué de vraiment analyser de comment il fait ça pour réussir à les rendre assez touchants et humains, quoi. Voilà. Bah, c'est parce qu'il est pas distant d'eux en fait. Ouais. Il est assez proche d'eux dans sa réalisation quand même. The Lobster est un film très intimiste et ouais, t'es vraiment au plus proche des personnages. Surtout le personnage de Colin Farrell que tu suis. du début vraiment à la fin, quoi. Bah, dans Mise à mort, Mystère Secret, c'est intéressant parce qu'il y a un rapprochement des personnages. Ça commence d'assez loin avec, avec des cadres hyper maîtrisés. En fait, le générique du film se fait sur une opération à cœur ouvert, mais il n'y a quasiment pas une goutte de sang. Par contre, au fur et à mesure que ça évolue et que les personnages perdent le contrôle, ça devient de plus en plus de la caméra à l'épaule, ça devient de plus en plus crade dans les éclairages et dans la manière de filmer, et ça se rapproche des persos. J'observe une réalisation vraiment ultra classique, par contre. Il n'y a pas vraiment de moment qui explose, quoi. Mis à part les quelques moments baroques, quelques moments de ralenti. Dans La Favorite, il y en a un peu. Hein. Notamment, il y a du... Alors, je crois que ça s'appelle du fisheye. Quand l'image est un petit peu courbée. Ouais, quand l'image est un peu courbée, il a recours à beaucoup d'effets visuels, un peu de ce type, de déformation d'image, ou... Il a un travail aussi du montage, alors c'est peut-être pas de lui, pour le coup, il doit avoir un monteur. La Favorite, c'est son premier film vraiment avec un beau budget, quoi. Et là, je trouve vraiment qu'il se permettait beaucoup de choses. Je trouvais que pour le coup, et même en fait, tout le décor est imbibé d'un symbolisme. Enfin, vraiment, il y a une attention aux images et aux symboles et aux métaphores. Il y en a partout, et même avec deux visionnages, j'en découvrais d'autres. Ouais, vraiment, pour le coup, c'est un film qui survit au revisionnage, qui ne s'appauvrit pas, au contraire, et qui s'épaissit vraiment à force d'être revu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce film, et que, bon, du coup, je l'ai peut-être un peu trop résumé, mais voilà. Vraiment bien. Et j'ai vraiment envie de voir du coup ces autres films. The Lobster, c'est un film à voir. J'aimerais bien voir ces films grecs aussi. The Lobster est un film totalement grec. Ouais, mais je veux dire grec avec des acteurs. Oui, d'accord, oui. Parce que par contre, c'est des acteurs internationaux, mais au niveau production, c'est un film grec. C'est même d'ailleurs son dernier, parce qu'après, c'était des films britannico-grecs. Ouais. C'est tout pour moi, c'est tout pour toi. Ouais. Est-ce que Issam, tu voudrais pas nous parler d'un nouveau film asiatique? Si, bah toujours chinois, parce que c'est vraiment la Chine là pour le coup, c'est la République populaire de Chine, d'accord, la Chine continentale. Je vais vous parler de The World, sorti en 2004 et réalisé par Jia Zhangke, né en 1970. Donc c'est un réalisateur chinois qui, comme pas mal de monde de sa génération, a été vachement marqué par les mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir en Chine à l'époque, et notamment par les manifestations qui ont culminé avec le massacre de la place Tiananmen, qui avait pour but de dénoncer les inégalités sociales et la corruption dans le gouvernement et dans les pouvoirs en général. Et donc tout cet aspect critique du pouvoir se retrouvera énormément dans son cinéma. Il a dit en interview que s'il n'y avait pas eu ce massacre-là, il n'aurait probablement pas fait de film, que c'est ça qui lui a donné finalement du grain à moudre et la matière de ses longs métrages. Son premier film, ça s'appelait Xiaowu Artisan Pickpocket, ça date de 1997, donc ça fait une vingtaine d'années qu'il est actif. C'est trop marrant. Oui. Ça fait un peu film série B. Et il l'avait tourné plus ou moins avec les moyens du bord, avec des potes à lui, des connaissances, et le film avait été interdit, par le gouvernement chinois à cause de l'image que ça montrait du pays. Alors après, il avait déjà accédé à une certaine renommée internationale, un peu underground, mais dès le début, parce que le film était sélectionné à Berlin, au Festival de Berlin. Mais du coup, ses premiers films, ses trois premiers, il doit les faire financer à l'international, et les trois sont tournés sans autorisation, parce que le gouvernement chinois l'autorisait pas à faire ses films. Ça va un peu changer, en fait, quand justement The World, qui est son quatrième film, arrive à une période où le gouvernement chinois s'est rendu compte que la censure absolue pour ne laisser passer que les films de propagande, bah, il y a un moment, ça allait finir par devenir contre-productif. Donc il y a eu une relative libéralisation de la censure chinoise, et c'est devenu possible de négocier avec le bureau de la censure. Et donc Jia Zhangke s'est dit qu'il fallait qu'il en profite, qu'il change sa manière de filmer et sa manière d'écrire pour continuer à faire passer des messages, mais tout en faisant des films officiels et en pouvant récupérer au passage des plus gros budgets. Bon, après, il a quand même eu des problèmes par la suite, avec son film limite le plus connu, Touch of Sin, qui n'a pas été interdit stricto sensu, mais qui est jamais passé en Chine quand même. Voilà. Et donc, The World, ça raconte l'histoire de Tao, qui est une jeune femme qui travaille dans le parc d'attractions The World. Alors, c'est un parc d'attractions qui existe vraiment en Chine et qui reproduit en taille réduite les monuments les plus célèbres du monde entier. Notre-Dame. Je pense que tout le monde a déjà vu des images des quartiers de Paris haussmanniens, etc. Mais il me semble qu'il y a des rues haussmanniennes dans ce genre de parc. Il y a la tour Eiffel, il y a les pyramides, mais en miniature. C'est ça. Et donc on suit cette jeune femme principalement dans un triangle amoureux, en fait, donc entre elle, son petit ami qui est réparateur dans le parc, et une nouvelle employée qui vient d'arriver. Donc on peut dire que c'est une histoire assez, assez tranche de vie, assez terre-à-terre, au milieu de ce décor qui lui est complètement grandiloquent et complètement irréaliste. L'augmentation du budget va lui permettre une réalisation beaucoup plus stylisée. On va y revenir. Mais globalement, en fait, la thématique principale du film, ça va être l'enfermement de ces personnages qui sont vraiment dans un quotidien et dans une certaine pauvreté. Ça insiste pas mal sur le fait qu'ils vivent dans des chambres assez, assez glauques, qu'ils ont des problèmes d'argent, qu'ils savent pas où ils vont, ils ont pas réellement d'opportunités d'avenir. Donc ils sont complètement désabusés et ils se sentent enfermés, mais en même temps ils sont dans ce parc qui, au contraire, est censé être un signe d'ouverture vraiment au monde entier. Donc il y a un contraste qui s'installe, ils rêvent de rien, ils rêvent pas de voir un ailleurs, alors que ils ont plus ou moins accès, même si de manière factice, à l'intégralité du monde autour d'eux. Comme souvent chez Jasenke, à la réalisation, il y a aussi des scènes assez planantes, des espèces de moments de suspension du temps, où l'intrigue se stoppe et il y a des longues scènes, alors ici notamment de spectacles, vu qu'il y a des shows qui sont mis en place dans The World et que l'héroïne participent à ces spectacles, on les voit régulièrement. Et il y a aussi, par exemple, l'idée de filmer les scènes d'envoi de SMS en passant à de l'animation et en ayant des trucs à la limite du surréaliste, enfin qui sont plus du tout figuratifs, quand les personnages s'envoient des SMS. Et après, ça revient à la normale, on sait pas trop d'où ça sort, on sait pas trop pourquoi il a cette idée. Mais dans quasiment tous ces films, il y a des moments comme ça, des espèces de scènes qui paraissent totalement anormales. Il a fait un film notamment limite documentaire sur un village qui allait être détruit par la construction du barrage des Trois Gorges, et à un moment il y a une scène surréaliste où tu vois un immeuble s'envoler à la façon d'une fusée. Il aime bien ce genre de rupture avec la réalité, dont on sait pas toujours exactement ce qu'elles veulent signifier, je pense que ça change d'un film à l'autre. Là je pense que c'est les tentatives des personnages de s'échapper, mais comme c'est toujours coincé entre des scènes très terre-à-terre, finalement ça revient sur l'échec de ces tentatives. Il y a aussi un contraste qui est installé entre le parc qui est magnifique, et on va y revenir, il y a énormément de mouvements de caméra dans le parc, donc une réalisation ultra stylisée, et les scènes, comme j'ai dit, planantes, qui jouent beaucoup sur les couleurs, et à côté de ça, les scènes qui vont se passer dans les appartements des personnages ou dans d'autres lieux, qui au contraire, là, vont jouer sur quelque chose de beaucoup plus sale, sur des couleurs beaucoup plus ternes, ça montre des décors vieillis, usés, qui dégagent une sensation de malaise. Et ça rappelle, pour le coup, c'est ça qui rappelle le plus la première partie de sa filmographie, qu'elle avait tendance à filmer avec des caméras bien crades, des décors à moitié démolis. Et là, notamment, il y a une scène d'hôpital où il y a un truc pas cool qui arrive à un personnage. Et le plan, déjà de base, c'est les personnages face à un mur vert totalement dégueulasse, et peu à peu, le vert envahit l'écran, jusqu'à ce que la scène se termine en fait juste sur le mur vert dégueulasse de l'hôpital avec plus aucun personnage, et il y a au moins une dizaine de secondes comme ça de plan fixe sur le mur. Et c'est comme si tout à coup en fait tout était vidé, comme si ça vidait complètement l'horizon des personnages en supprimant l'artifice qu'est le parc. Là où je pense que c'est un film de rupture entre ses anciens, entre la première et la deuxième partie de sa filmo, c'est qu'on retrouve le côté très traitement de la jeunesse un peu paumé qu'il y avait dans la première partie dans ses trois premiers films. On retrouve d'ailleurs Zhao Tao au casting, qui est devenue sa femme depuis et qui joue l'héroïne ici. Et un thème qui sera assez présent dans ces quelques films à venir, à savoir l'idée des décors totalement vidés de leur sens, et en fait à travers des décors qui vont être abandonnés et qui vont être vidés de leur utilité, ils symbolisent les lieux et les personnages qui sont abandonnés par la société chinoise en train d'évoluer. Donc dans ces deux films suivants, ce sera ultra frappant, puisqu'il fera un film qui s'appelle 24 City, qui raconte l'abandon d'une cité ouvrière pour construire à la place des espèces de grands quartiers résidentiels pour bourgeois. Et Still Life, qui raconte l'abandon d'un village pour construire que le barrage des Trois Gorges puisse passer. Donc vraiment, il aura une période où il insistera beaucoup sur l'évolution de la société et la destruction le vide que ça entraîne dans certains lieux. Et il y a des personnages qui errent dans ces lieux, mais qui sont limite déjà des fantômes, parce qu'ils n'ont rien à faire là, ils n'y trouveront plus rien, ils n'ont plus à y vivre, ils devraient plus y vivre la plupart du temps. Et finalement, leur vie n'est plus qu'une sorte d'artifice qui n'a plus vraiment de sens. Et dans The Worm, pour moi, cette vacuité passe à travers trois éléments de mise en scène que je trouve assez intelligents. Le premier, c'est autour de la Tour Eiffel, qui est un peu le point central du parc, du moins tel que le traite le réalisateur. Sauf que la Tour Eiffel, en fait, dès qu'ils y font référence, les personnages, c'est comme à une sorte de point de relais, c'est-à-dire c'est un point de rendez-vous, c'est un point où on se retrouve, c'est là où on peut voir, sur un point d'horizon aussi, on peut voir l'intégralité du parc de l'Indre. Et finalement, tout le symbolisme original de la tour Eiffel, qui est censé être quand même une sorte de manifestation de grandeur architecturale, bah non, ça devient un simple point de rendez-vous totalement banal, que tout le monde considère que c'est normal qu'elle se trouve là, qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette histoire. À la limite, ça pourrait être une antenne téléphonique, que ce serait la même chose. Mais je crois qu'elle sert d'antenne téléphonique aussi. Et ensuite, il y a des plans en mouvement qui font passer de manière totalement illogique d'un monument à l'autre. Donc il y a notamment un plan pareil qui commence sur la tour Eiffel en fond. Ça se décale, je crois qu'on voit un pont de Londres dans l'arrière du cadre, et en fait dès que ça se décale un peu, on se retrouve avec au premier plan des monuments d'Égypte, notamment le sphinx au premier plan, qui t'as une sensation de décalage, tu te dis c'est pas normal, on a accès à tout le monde mais de manière complètement illogique, surtout que le sphinx est minuscule, donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant, c'est à la limite s'il n'est pas plus grand que le sphinx. Il y a un côté totalement, enfin c'est vidé totalement de son sens, c'est au lieu de paraître grandiose comme c'est censé l'être dans l'imaginaire du gouvernement chinois quand ils ont construit ce parc, c'est censé être la Chine qui contrôle, enfin qui a accès à l'intégralité du monde, bah non, ça fait juste pitié en fait. Ils ont accès à des espèces de maquettes un peu minables, et les personnages les regardent même plus personne n'en a rien à faire. Et le troisième effet, qui est limite celui qui me fait le plus rire à chaque fois dans le film, le film est assez drôle et il y a ce gag là. Il y a une fausse tour de Pise, et la tour de Pise, vous avez dû voir des photos, en fait tous les touristes qui y vont font cette connerie de prendre une photo où ils font comme s'ils maintenaient la tour avec un effet de perspective, et tous les touristes dès qu'on voit la tour de Pise font ça dans le film, sauf que le réalisateur se débrouille pour cadrer ça de manière à ce que ça ne fonctionne jamais. Donc t'as la tour d'un côté et t'as un connard qui est comme ça à côté, mais qui a t'as un décalage de 20 cm à l'écran entre ses mains et la tour. Alors il y a beaucoup de photos sur le net comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'on peut taper comme mot-clé pour retrouver, mais il y a plein de photographes qui ont vraiment mis les photos de tous les gens en train de faire comme ça, mais il y en a des centaines effectivement ça colle pas du tout. Ouais, mais là c'est volontaire, tu sens que le réalisateur calcule son cadre pour que ça ne marche jamais. Alors là c'est volontaire aussi, c'est super drôle. Donc, et encore une fois, c'est la même chose, c'est les personnages qui sont en décalage avec leur univers, qui sont dans une sorte d'absurde mais sans même s'en rendre compte, parce que leur point de vue ça doit marcher, c'est que du point de vue du spectateur qu'il y a un gros bug quoi. Et voilà, donc ça montre que Jason Kay, d'une certaine façon, c'est là qu'il est intéressant aussi vis-à-vis de sa génération de cinéastes chinois, c'est qu'il a abandonné la provocation de ses premiers films qui pour le coup étaient très clairement critiques du gouvernement chinois et qui étaient surtout très ouverts à l'international, c'est-à-dire ça traitait beaucoup de la thématique de Chinois qui découvraient la culture un peu occidentale, mais surtout taïwanaise et hongkongaise, donc le truc qui fait un peu tiquer la République populaire. Il abandonne un peu ça pour faire un cinéma qui est un peu paradoxalement plus renfermé, parce qu'il va se reconcentrer sur son pays sans plus tellement parler de ce qui l'entoure, alors que le film s'appelle The World. Mais finalement, il va montrer continuellement, et c'est pendant toute sa filmo, le vide de ce pays, le fait qu'il y a des choses qui sont en train de se faire détruire tout le temps, et il montre jamais ce qui est reconstruit derrière, donc d'une certaine façon, t'as juste l'impression que le pays est en train de se détruire sans qu'il y ait rien de nouveau qui vienne le remplacer. D'ici 5 ans, en tout cas. D'ici 5 ans, en tout cas. C'est ça. Et c'est quelque chose qui trouvera un aboutissement. Alors c'est le dernier film de lui que j'ai vu à ce jour, mais j'ai l'impression que la suite de sa filmo va dans la même direction, avec son film Touch of Sin, qui pour le coup suit quatre histoires parallèles de quatre personnes qui justement, face à cette vacuité du gouvernement chinois, enfin du monde chinois, vont totalement péter un câble et commettre un acte de violence, alors que ce soit un meurtre, des braquages, du suicide. C'est comme s'il avait, pendant 3-4 films, fait bouillonner sa filmographie et ses personnages, surtout qu'il y a les mêmes acteurs qui reviennent toujours, notamment Zhao Tao, et que ça a fini par péter et par emmener un nouveau pan de son œuvre qui est beaucoup plus violent et beaucoup plus actif. Donc c'est un cinéaste qui a une filmo assez impressionnante, et surtout il n'y a pas beaucoup de réals chinois, hélas, qui ont réussi à négocier avec la censure, ça va paraître un peu grandiloquent, mais sans perdre leur âme. Parce qu'à côté de ça, on a Zhang Yimou, notamment le réalisateur de Hiro et le Secret des poignards volants, qui lui avait plutôt tendance à faire des films engagés dans sa jeunesse, mais quand il a commencé à fricoter avec le gouvernement, ça reste des bons films, hein. Moi j'aime beaucoup Hiro, mais c'est clairement un film de propagande. Et sa filmo est devenue un peu comme ça, et c'est ce qui arrive aussi à certains Hongkongais, genre Tsui Hark. Ses derniers films, malgré toute leur qualité, ont tendance à être bien... Ouais, communiste, fuck yeah. enfin communisme enfin, chinois, fuck ouais. C'est ça. Ouais, voilà. Capitalisme, c'est ça. Camouflé. Ouais. Communo-capitalisme, fuck yeah. Donc, un truc qui va trop pas ensemble. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a qui arrivent à continuer comme ça, qui arrivent à rester. Enfin, à négocier avec quand même un système de censure assez compliqué et à faire des trucs super intéressants, bien que ça leur coûte un peu cher, niveau liberté d'expression, ils sont mal vus, quoi, clairement. Et j'espère qu'il fera encore beaucoup de films et qu'il gardera ça, qu'il réussira à continuer. À exprimer des trucs sur son pays. Voilà, regardez du jazz anké. Non, merci. Il faudra absolument écrire comment est-ce que c'est orthographié, genre dans les résumés. Ce sera dans la description, ouais. D'accord. Tu as fini avec ton film ? Oui. Ton film qui a un nom de stand dans Jojo, là ? Oui, soit. Ben voilà. Merci pour cette réflexion très intéressante. C'est ça. Toujours là pour apporter de la nuance et de la subtilité. Mmh. Après, dans les actualités qui concernent la Chine, il faut aussi savoir qu'ils ont réussi à faire fermer la branche Amazon du e-commerce, parce que Alibaba est trop puissant là-bas. Ah oui. Et donc, du coup, Amazon a décidé de ne plus vendre en Chine. À la limite, ça, je ne vais pas le pleurer. Hein. Non, mais c'était juste dans les... J'ai vu ça dans les petites actus, j'ai trouvé ça marrant que, genre, pourtant, Amazon, qui est si, omnipotent, bah, même en Chine, il n'arrive pas, finalement, à trouver une place. Vu la puissance que commence à prendre Alibaba, tu ferais bien de te méfier quand même, mon ami. Ouais, enfin, les deux sont les mêmes saloperies, donc que ce soit l'un ou l'autre. Oui, mais tu te méfies pas, mais il commence un petit peu à devenir producteur sur des films, Alibaba. Ah oui, je sais bien. C'est pas bon, hein. Ouais, quand même, je sais. Enfin, quand un truc commercial devient producteur sur des films, moi je m'en méfierais. Attends, Amazon le fait aussi, hein. Oui, mais... Je sais pas. Amazon, quoi. C'est américain. Je suis désolé, ils produisent des films aussi, hein. Lesquels ? Bah, ils ont produit les derniers Woody Allen, par exemple. Ah bon ? Ouais. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils ont produit d'autre ? Ils ont quelques gros trucs, hein, quand même, je crois. Ils sont vraiment en train de prendre leur ampleur. À voir ce que Amazon... Bon, là, c'est de la grosse digression, mais à voir ce que Amazon... force dans... Ils ont produit un Spike Lee. Parce que les... Lequel ? Chirac, c'est marrant. Ah, parce que ce que les producteurs chinois imposent lorsqu'ils produisent un film, c'est pas exactement la même chose. Après, ouais. Ils ont aussi produit des bons films, genre celui-là. Mais c'est pas ça le. Est pas mal. Oui, c'est pas ça le discours. C'est que quand les producteurs chinois imposent, enfin font de la production, ils imposent au film de ne pas dire du mal de la Chine, par exemple. Oui. Mais là, après, le truc, c'est que même sans passer par Alibaba, en fait, c'est Hollywood est en train de légitimer ça aussi. Hein. Il y avait justement l'exemple de La Grande Muraille il y a pas longtemps, qui est un bon film en plus, hein, qui est plutôt joli. Ben, on revient à Zhang Yimou. Mais clairement, y a cet aspect propagande. Ça. Ah bah. Oui, ça on peut s'en méfier quoi. Et si on parlait d'anti-propagande, d'anti-consommation ? Attention. Si on parlait de tout péter, et si on parlait. De péter des gueules ? De Fight Club. Voilà. Et bah écoute, vas-y. Très belle transition. Nous bah voilà. C'est fini. Ah d'accord, c'est bon. Il y avait plus la transition. Hein. Donc Fight Club, c'est un film qui est sorti en 1999, film américain. Réalisé par David Fincher, qu'on ne connaît que trop bien, qui a aussi fait Mindhunter sur Netflix. Qui pour le coup série. Est très bien. Enfin, que j'ai beaucoup aimé Mindhunter. Mais il a que fait les premiers épisodes, en précision. Ah, ouais. Ah merde, je savais pas. Après, il s'est barré. Il est producteur. Oui, mais je crois qu'il a pas eu trop de poids. Et par exemple, sur la saison 2, il est même plus... Il est plus crédité. Enfin, de mémoire, après j'ai un peu mal regardé. La saison 2 est sortie. Elle va sortir. Ok, bref, passons. Donc du coup, on retrouve le personnage principal joué par Edward Norton, qui au début du film est quand même dans une position assez délicate parce qu'il s'est fait cogner sur la tronche, il est violemment blessé et il a un pistolet dans la bouche et il va nous raconter en fait comment est-ce qu'il en est arrivé là. Donc une fois de plus, ça fait partie de ces films qui je pense dans les années 2000 ont eu un impact assez fort, même si au box-office américain il s'est lamentablement ramassé. Peut-être parce qu'ils n'ont pas su le vendre, je sais pas. Et qui a acquis en fait son... vraiment son côté culte, merci, quand ils ont sorti les DVD après. Voilà. Donc on suit le narrateur qui a jamais trop vraiment de nom, qui est un technicien lambda dans une grosse société lambda, et qui va commencer en fait à souffrir d'insomnie chronique, qui va le plonger dans une sorte d'inconscience, conscience chaotique, où il vit sans vivre chaque jour, un peu justement dans ce quotidien terne, où les seuls trucs qui arrivent un petit peu à éveiller, pas sa curiosité, mais qui mettent un peu de couleur dans sa vie, ça va être juste d'éplucher des catalogues de meubles de fournisseurs bien trop connus aujourd'hui. Non, c'était juste que cette scène-là m'avait beaucoup marqué parce que tu avais vraiment des pages catalogue IKEA qui étaient collées sur son appart de façon à montrer que ça En fait, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que c'est filmé de sorte que c'est un grand panoramique comme ça. Et en fait, il y a les petits prix qui apparaissent au-dessus des meubles et tout. Comme si, au lieu de juste feuilleter un magazine, on avait une sorte de pub, en fait. Et du coup, tout est tourné autour de ça, dans cet aspect très commercial, dans cet aspect très pub. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul plan sans, par exemple, des mugs Starbucks. Et c'est tout le truc du film. Ça parle de consommation, de surconsommation. Il précisait qu'ils avaient tous acheté ces meubles-là. Donc pour moi, c'était chez lui qui était en train d'être filmé au ralenti. C'est chez lui, bien sûr. Je disais que ça colle des images... Justement, ça colle des prix IKEA de façon à dire que chez lui, c'est un catalogue, mais ça n'a plus d'âme. Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est aucun nom, ça a zéro âme ou quoi que ce soit. Et ce qui est... En fait, le film est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a un revirement de situation que je ne veux pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que je trouve que c'est là où le film est intéressant. Enfin, et du coup, on va suivre le héros qui... Il fait pas trop partie de son monde tout en étant obligé d'en faire partie. Et au bout d'un moment, il va essayer de se tourner vers une aide médicalisée pour justement arrêter ses insomnies et essayer d'être peut-être plus conscient de ce qui l'entoure. Et cette aide médicalisée lui est refusée. C'est-à-dire, on lui dit, écoute, t'as pas vraiment de problème dans ta vie, donc pourquoi est-ce que tu veux vraiment des médicaments ? Tourne-toi plutôt vers des gens qui, eux, ont des vrais problèmes. Va dans des groupes comme nous, on les connaît ici, qui c'est plus des alcooliques anonymes, des gens qui ont le cancer, qui vont peut-être bientôt mourir ou non. Enfin, tourne-toi vers des gens qui ont des vrais problèmes, va discuter avec eux, et tu comprendras en fait toute la vacuité qu'il y a derrière tes pauvres petits problèmes de consommateur lambda. Et à partir de là, il va commencer à se reconstruire. Et en fait, non, parce qu'il y a un troisième personnage important qui va arriver, qui est Marla, qui est jouée par Helena Bonham Carter. Qui joue Marla, en fait, qui va être... je trouve que le personnage de Marla, pour moi, c'est un personnage qui est fantasmé, qui n'existe pas vraiment, parce que toutes les scènes où elle est ont ce quelque chose d'assez surréaliste, en fait. C'est-à-dire que rien que le premier passage où elle est, genre, ils sont dans un groupe de cancéreux des... testicules, je crois, si jamais je veux pas... Et elle est là à fumer ses clopes, elle est toute habillée en noir, comme une espèce de corbeau qui viendrait profiter des restes. Et je trouve que dans toutes ses apparitions, elle a quelque chose de glauque et de malsain, un petit peu comme une ombre. Ou même quand elle s'en va et qu'elle traverse le trafic, et qu'à aucun moment il y a le trafic qui s'interrompt, comme si c'était un peu un fantôme. Enfin, je la trouve toujours très fantasmée, et je pense que ça vient faire écho avec... d'autres personnages intéressants du film. À cause de l'arrivée de Marla, il recommence à avoir des problèmes d'insomnie, surtout que à côté de ça, au lieu de travailler dans son bureau, dans sa grosse entreprise, etc., il part beaucoup en voyage. Donc ça crée des décalages au niveau de ses sommeils, avec les décalages horaires et tout ça, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui s'appelle Tyler Durden. Et à partir de là, ça va être un déclic dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte justement de toute cette vacuité, que des fois, un bon pain dans la gueule, ça fait du bien. Et que, il faut prendre son destin en main et devenir un peu comme Tyler Durden, un peu libre de pas juste acheter des meubles dans un catalogue. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est un film qui a une patte très symétrique, en fait, par rapport aux deux personnages, le narrateur et Tyler Durden. Dans tous ces cadres, ils sont toujours un peu face à face. Dans la colorimétrie aussi, elle est très pop, elle est très bleue, très rouge. Ils n'hésitent pas à bazarder des couleurs très vives et des fois aussi à faire des clairs-obscurs et tout ça. Mais c'est un film qui a de la patate. Tyler Durden joué par Brad Pitt, tu l'as oui, dit. C'est vrai. Tyler Durden joué par Brad Pitt, exactement. Voilà. Quoi dire de plus ? Quand la première fois que j'ai vu ce film, en fait, ça m'a fait comprendre à quel point le film hollywoodien pouvait être incroyable, parce qu'il y a un retournement de situation à la fin qui fait que je pensais pas, en fait, qu'on pouvait faire ce genre de film à l'époque, et ça m'a vraiment retourné la tête, et ça a été vraiment une première claque incroyable, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, même si après coup je vois encore les défauts aujourd'hui qu'il a. Je trouve aussi qu'il est millimétré dans sa manière de partout en fait. Il y a des indices dès le début qui laissent comprendre le retournement de situation finale, pour peu qu'on y prête attention, voire des micro-séquences de juste microsecondes de flash, oui, voilà. Voilà, des images subliminales avec cette magnifique image de fin qui dévoile un corps d'homme nu dans la dernière seconde. Voilà. Ah, un phallus directement. Oui, oui. Même, pas, bon. Même pas un corps. C'est vraiment le pouf. Voilà, et du coup, j'ai trouvé que c'était tout le propos du film dans le trop, l'excessif, le consommation, le. Enfin, voilà. Et ça introduit aussi une thématique que revendique le film d'après plusieurs sources, plus ou moins, et qui, moi, m'étonne parce que. Pour moi, David Fincher est un affreux misogyne, mais qui serait, enfin plus que pour moi, hein, ça c'est un film qui dénoncerait les effets en gros du capitalisme et de la culture américaine sur la masculinité, et qui serait un film contre la masculinité toxique, contre la masculinité tout court. Il y a beaucoup de lectures de ce film qui proposent cette Alors version. Je l'ai pas ressenti comme ça, je t'avoue que j'ai pas justement ressenti de biais ou... féministe ou pour moi c'est un film qui a pas vraiment de message genre justement tu vois très les hommes sont forts, les femmes sont fortes, c'est plus le groupe, c'est vraiment le groupe qui compte et presque plus la personne en fait. Oui, non mais moi j'ai pas vu le film, mais bien donc bien. Je relais un truc sur lequel enfin plusieurs en fait, il y a plusieurs sources qui disent ça. Par contre, il y a vraiment un message anti-capitalisme. Oui, ça c'est sûr. C'est le gros message du film, c'est complètement ce côté anti-capitaliste. Il y a une phrase quand même qui m'avait fait plaisir, c'est quand il parlait de revendre la graisse des riches. Ouais, ce passage, ouais, et ce passage est assez jouissif, de revendre la graisse des riches pour en faire des savons, pour qu'ils se lavent leur gros cul de riche. Voilà, c'est juste... Quelle violence. Oui, mais c'est justement, le film est violent, il est dur, et à la fois... Et... un peu comme tout ce qu'on consomme, quoi. Issam. Alors, moi, de mon côté, merci. Parce que je déteste ce film et je déteste Fincher en général, mis oui. à part Seven. Ouais, Seven. Ouais. En fait, ce que je reproche à ce film, c'est... C'est-à-dire, pour moi, en fait, c'est justement... j'ai plutôt tendance à être anticapitaliste aussi, et ça me gêne de voir me dire que ce film est censé être un allié. Parce que pour moi, en fait, Seven... Fight Club, c'est pas un film anticapitaliste réfléchi, c'est un mec qui fait sa crise d'ado. Ah oui, c'est-à-dire, ouais, c'est ultra primaire, mais c'est-à-dire, t'as le choix entre être capitaliste ou être une espèce de gros teubé bourrin qui va se battre dans des caves. Ouais. Bon, moi, les deux, ça me fait pitié en fait. C'est très bien les caves. C'est ça mon souci avec Fight Club, c'est que les deux alternatives qu'on me laisse me font pitié quoi. J'ai vraiment l'impression de voir un ado qui se rebelle contre ses parents. Tout est fait pour faire chier l'ordre établi avec un petit côté provoque que je trouve un peu minable. Pareil, justement, les images subliminales de Beat. Okay, ah bah merci, on a été poli tout le podcast et on va se faire avec tes gros sabots. Non, là. C'est Fincher qui te fout les images subliminales de Beat, c'est pas moi les gars. Et hop, tu recommences. Et voilà, ok mec, c'est bravo, ah, si tu veux je t'applaudis. Mais... Alors par contre, il y a un truc là au niveau de ce que tu as dit. Pour moi, le Fight Club en lui-même était une façon d'entraîner les gens et leur laver le cerveau en même temps pour s'en servir comme une armée. Voilà, oui, il y a ça, mais du coup, ça rejoint après l'autre problème de Fincher, c'est que finalement, chez Fincher, quand tu creuses un peu, il sera le thème de beaucoup de ses anciens films. Pour moi, c'est peut-être encore un peu incertain dans Fight Club et dans Seven, justement, mais par la suite, ça deviendra très clair. C'est que tous les êtres humains sont de toute façon minables, toutes les tentatives qu'ils pourront faire pour sortir du système sont vouées à l'échec, ils resteront des gros ratés. Et en fait, c'est un message qui, pour moi, n'est pas intelligent, parce que c'est un message tellement radical qu'il n'est pas intelligent, il n'a pas réellement d'intérêt, et surtout, c'est un message qui, pour moi, est paradoxal par nature, c'est-à-dire parce que si dans le message de ton œuvre... c'est de dire l'humanité en entière est désespérée, elle est minable, elle ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Bah pour moi, si tu penses vraiment ça, le minimum d'éthique que tu peux avoir, c'est de ne pas faire de film. Parce que le principe d'un film, c'est que tu communiques avec l'humanité, c'est que tu gagnes ton argent grâce à cette humanité. Et si tu penses ça, l'humanité, bah tu ne fais pas de film. C'était au moins le respect de t'isoler dans une cahute en forêt. Et donc pour moi, en fait, Fincher, soit c'est un gros mytho, qui ne pense pas vraiment ce qu'il dit et que c'est une sorte de pause qu'il prend parce que ça lui donne l'air cool, soit il le pense sincèrement et dans ce cas-là il est franchement odieux parce qu'il a conscience qu'il est en train d'exploiter les gens qui méprisent et c'est assez détestable aussi, en fait. Donc, quelle que soit la manière dont j'interprète la filmo de Fincher, j'ai l'impression d'être insulté, et j'ai l'impression que lui n'est pas honnête. Ouais, justement, avec Fight Club, à la fin, il y a, même si jamais les gars sont un peu pourris, etc., ils arrivent à faire quelque chose de beau, ou du moins... Pour eux, c'est quelque chose de beau dans le sens où ils essayent de libérer d'autres gens de contraintes pécuniaires, tu vois. Ouais, mais pour les renvoyer dans quoi, quoi. Ouais, peut-être, mais ça peut, en attendant, les sauver de quelque chose dans lequel ils s'étaient eux-mêmes fourrés, tu vois. Même si la finalité peut les faire plonger dans d'autres soucis, en attendant, ils ont essayé de régler quelque chose, tu vois. Alors j'ai pas vu ça comme ça, ouais, enfin, j'ai vu comme finalement la construction d'un autre système. C'est-à-dire que toute la destruction, tu peux le dire. Pour moi, je l'ai vu comme finalement la construction d'un autre système dont le personnage principal s'est échappé en quelque sorte, in extremis. Mais il voit les dégâts, en fait, le début de ce système-là. Je sais pas, moi, je pense que, honnêtement, c'est la même chose qui va se rebâtir, mais qu'en attendant, ils ont pu libérer des centaines de gens de prisons complètement factices, quoi. Juste de prisons d'argent qui, au final, c'est pas... pour essayer peut-être de les pousser à... Un peu comme, à un moment donné, tu sais, ils prennent un caissier en otage et ils lui disent, à partir de maintenant, tu vas retourner à tes études, tu vas retourner à ce que tu veux faire pour de vrai. Sinon, on te bute, tu vois. Et je pense que tout le film... Non, mais c'est vrai, tout le film, et du moins la fin, elle est justement dans cette idée de... On peut pousser les autres à devenir... À vivre au lieu ouais, de c'est ça, rester... À vivre... Dans ce que tu racontes, j'ai l'impression presque qu'il y a un antimatérialisme qui, moi, me dérangerait aussi beaucoup, en fait. Bah, de toute façon, sur le plan de l'électeur politique, quoi. Un truc important, c'est un truc qui dit, c'est ne fuis pas avec des choses dont tu ne pourrais pas te débarrasser. Donc c'est quelque chose d'ascétique bouddhiste qui, moi, me plaît pas non plus. Enfin, ouais, sûr, enfin, c'est ascétique bouddhiste, c'est une lecture. C'est comme les fameux qui se prétendent disciples de Diogène. Oui, mais c'est ça. Enfin, mais... Ouais, moi je peux vivre dans un tonneau, mais ta gueule, et va le lire, Diogène. Quoi. Oui, et pour le coup, ça ouvre sur le nihilisme. Qui est aussi voilà, dans cette dénudation des choses, mais donc vers une lecture du cinéma de David Fincher que je pense Issam et moi on partage, et je trouve que déjà là il y a en germe ça avec un rejet du matérialisme et un rejet des plaisirs. Mais le truc c'est que déjà je pense que ce soit les deux points de vue qui sont mis l'un en face de l'autre, c'est-à-dire que ce soit la consommation excessive ou au contraire excessive, les deux sont mauvais en soi. Et le film, il alterne entre les deux. Sauf que j'ai l'impression que du coup, moi j'ai vraiment... Donc là, voilà, encore une fois, faut me dire. Hein. Mais dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il confronte un peu comme une espèce de fatalité de l'être humain d'aller d'un extrême... Enfin, d'un extrême. Ça, je dis pas que les extrêmes sont toujours mauvais, mais d'aller d'un extrême à l'autre sur ce point-là. Et bon, je suis pas d'accord, mais d'aller d'un extrême à l'autre sur ce côté-là, et que du coup ce serait une espèce de fatalité de pas réussir à sortir de ça, et que finalement l'être humain serait ridicule dans le fait de balancer vers ces deux choses. Quoi. Parler de fatalité, c'est mettre des gros mots sur des choses peu puériles, tu vois. Mais c'est parce que toi, tu disais qu'il bâtissait quelque chose, et que. Il faut prendre le film comme il est, c'est-à-dire, c'est comme Samuel disait, c'est plus un délire d'ado, tu vois. Et ouais. Moi, je le vois comme ça. C'est un délire nihiliste qu'un délire de construire autre chose. Alors, question à la con, c'est une adaptation ? Oui, voilà. Oui, c'est une adaptation d'un roman de 96. Qui n'a rien à voir. Alors, le roman est nul. D'accord. Bon, du coup, c'est une bonne adaptation. Ah bah, c'est bon, le film est meilleur que le roman. Il y a beaucoup d'adaptations, mais que même si, du coup, on peut dire que c'est pas lui qui fait, c'est pareil pour Gone Girl, rien que dans le choix d'adapter certaines choses, il y a une implication d'auteur, et dans le choix de les remanier... Ma grande question, c'est si c'était une adaptation fidèle, et si le message était déjà comme ça... Alors, le message est globalement le même. Voilà. Alors, okay. Moi, en fait, je voudrais rebondir sur des trucs qui ont été dits là. Ouais, effectivement, il y a le choix entre deux extrêmes chez Fincher, et finalement, il n'y a aucun choix qui est bon. C'est-à-dire, ouais, dans Fight Club, j'ai vraiment le doute. Est-ce qu'il considère que le choix anticapitaliste est bon, et dans ce cas-là, je trouve ça con, ou est-ce qu'il considère qu'aucun des choix n'est bon, et dans ce cas-là, c'est tout aussi con, au final. Comme je disais, vu que le personnage principal sort finalement du deuxième système qui est en train de se faire, il vient entre deux. Mais du coup, t'as plus d'espoir, parce qu'il n'est pas dans un entre-deux qui est créatif, il est dans un entre-deux qui vaut tout autant rien. Ouais, mais c'est la façon d'être libre, c'est-à-dire qu'il se libère au dernier moment. Ouais. Voilà, il se libère de ça. Ah ouais, c'est pas voilà. Voilà. On a duré c'était super longtemps, je crois. C'était bien. En tout cas, ça a bien failli. Vous avez fini ? Ouais. Alors juste parce que j'ai pas parlé. Je n'aime pas David Fincher et Fight Club n'est pas un film que je porte dans mon cœur. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je trouve Fight Club froid comme la majorité des films de David Fincher. Et puis voilà, Osef. En fait, le film a une seule qualité, c'est qu'il y a Edward Norton dedans et que c'est un putain d'acteur, mais qu'on voit beaucoup trop peu. Ouais. C'est tout. Tu disais, t'aimes lesquels du coup de Fincher? Parce que Seven. Je sais qu'il y a Seven, mais tu dis que t'en aimes plus que moi. Du coup, c'est quoi les autres? Non, mais parce que je croyais que t'aimais pas Seven, donc forcément ça va être plus que toi. Mindhunter, c'est bien. Cinéma Paradiso. Passons au prochain titre qui va nous être présenté par Necro. Donc Cinéma Paradiso, un film de... De David Fincher. Un film sorti en fin 89, un film italien de Giuseppe Tornatore. L'histoire de Salvatore qui apprend la mort de son ami Alfredo qui était projectionniste et qui lui a fait découvrir le cinéma. Alors c'est un film très tranche de vie, donc là on va pas trop se fighter là-dessus, normalement. C'est un film, je veux dire, pour moi c'est un film qui se ressent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui vont impacter sur l'émotionnel sans apporter beaucoup plus de messages. Et après il y a des petits messages quand même apportés à des moments, comme par exemple... Alors il y a toute une partie sur le deuil vers la fin, mais il y a aussi beaucoup sur la censure. La censure, l'église italienne qui arrive dans les cinémas pour censurer deux personnes qui s'embrassent, ou des choses comme ça. Et il y a tout, c'est mis en comique, avec finalement le montage qui est fait de façon complètement foireuse, avec justement les personnes qui sont à deux doigts de s'embrasser au moment de la rupture, donc du coup les gens rigolent de la censure. Enfin, y a plein de trucs comme ça qui m'ont vraiment plu. Je sais pas si toi ça t'a... Ah oui, j'aime beaucoup le film. Et c'est vrai que le coup de la... Du coup, les personnes rient dans la salle quand ça passe. C'était une scène de baiser passe. Les gens rient dans la salle parce que la censure est foireuse. Et du coup, le prêtre qui était là est complètement hors de lui. Parce que c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait que la scène soit complètement retirée. Pas juste le baiser au moment du contact. Y a aussi toute une scène où il y a destruction de bandes. Enfin, le film, des films qui brûlent, et donc il y a un grave accident qui fait que le projectionniste perd la vue. Tout tourne vraiment au niveau du ressenti du cinéma. C'est un film sur le cinéma. C'est un film sur le cinéma, et pour moi, ça, c'est un des premiers films que j'ai regardé qui n'était pas un film jeunesse ou pop-corn, et où je me suis arrêté devant en me disant j'ai envie de le regarder jusqu'au bout. J'étais très jeune quand je l'ai vu. Je l'ai vu, je devais avoir 10-12 ans, et je suis resté bloqué devant en me disant merde, il y a quelque chose. Donc c'est un des premiers films qui m'a vraiment apporté une émotion autre que du simple divertissement. Voilà. Je sais pas ce que tu as envie de dire, toi. Non, bah, pas grand-chose de plus. Je l'ai pas particulièrement préparé, celui-là. c'est un très bon film. Il y a, pour moi, ouais, c'est aussi toute une sorte d'hommage au cinéma italien des années 70 et 80. Justement, à la place qu'a eu le cinéma dans la société en tant qu'outil de libération progressive de la parole et de la parole politique, je trouve que c'est pas mal traité à travers le propos sur la censure et le cinéma qui sert au personnage principal, qui finalement il va faire son parcours initiatique au travers du cinéma et il devient réalisateur, dans mon souvenir, il est réalisateur à la fin. Et d'ailleurs, ça se passe dans le film. Alors, le film a été fait en 89, mais les faits dans le film se passent en 80. Ouais. C'est bien spécifié. Donc oui, ça a son importance au niveau des dates. Il y a tout ça. Ça peut rappeler un peu Almodovar à ce niveau-là, dans tout le côté grandir avec et par le cinéma, et finalement finir par faire partie de tout ce système-là. Il y a une sorte de foi en l'art que je trouve plutôt réjouissante. Et je trouve que c'est une des très très bonnes BO parmi les nombreuses qu'il a faites de la carrière de Morricone. Mais sinon, moi, j'ai... Enfin, pour moi, le cinéma doit exprimer comme la vie. Oui. C'est voilà, c'est la vie, c'est le cinéma. Le cinéma représente la vie, et du coup, je le vivais comme ça, ce film-là. Et c'est très bien exprimé, c'est assez émouvant, il y a plein de passages assez forts. Je conseille juste de le regarder. Je veux pas en dire plus, parce que c'est pas un film qui... C'est un film qui se regarde, et je me sens mal de le raconter vraiment. Et je peux pas raconter ce qui se ressent. Là, celui-là, il sera rapide et normalement, on va pas trop se fighter. Oui. T'as un rajouté, Sam ? Juste une précision, essayer de trouver la version longue du film parce qu'il y a eu un montage international assez dégueulasse, en fait. D'accord. Bon, voilà. Moi, j'ai vu la version longue. J'ai jamais vu le montage international et ah, il est dégueu, vraiment. Il y a des coupes qui font bizarre. Ouais, non, bah non. Bah... Alors que la version normale est smooth, elle est vraiment. Tout s'enchaîne parfaitement. D'accord, bah on va enchaîner. Sans perdre de temps, avec Arthur, qui va reprendre la parole pour une troisième merde. Une deuxième, monsieur, une deuxième. C'est ma deuxième merde. Ah ouais, on est au deuxième tour. Oh, on est qu'à là. Oh putain. Ouais. Ne boude pas ton plaisir, c'est long. Ah oh, putain, la prochaine recommandation, ce sera deux films par personne. Mais non, c'est marrant. Ça, je sais faire. Du coup, je vais parler avec Issam, je pense, parce qu'il l'a vu aussi. Bon, bah on peut se casser. Hein. Ouais, ouais, cassez-vous. Du dernier Bertrand Blier, Convoi exceptionnel, sorti il y a toujours quelques mois, puisque je parle toujours de films d'actualité. Donc Bertrand Blier, qui est un réalisateur qui là a atteint ses 80 ans un peu passés, donc qui est en fin de vie et en fin de carrière. En fin de vie, on lui dira. Ça lui fera sans doute plaisir. Qui entre... Ouf. Tu crois qu'il sait servir d'internet pour nous écouter? Entre deux tournages. En plus, il est sénile, c'est ça que tu dis. C'est ça, je suis en train de. Non. Entre deux tournages, il retourne à l'hôpital se faire brancher. C'est ça. Donc, non, qui est connu pour avoir réalisé en 74 Les Valseuses, Buffet Froid en 79, et son dernier film avant celui-ci était sorti il y a 9 ans. C'était Le Bruit des Glaçons. Voilà. Donc, c'est un film français. La France, qui dure 1h23, donc c'est un film relativement court, comme je crois la plupart, voire la totalité des films du réalisateur. Oui, ça dépasse rarement l'heure 40. Oui. J'ai envie de te dire comme la totalité, comme la majorité des films français. Ouais. Oui, aussi. Mais 1h20, c'est quand même très court. Oui. C'est pas 1h40. 1h40, c'est relativement court, mais c'est pas... Bref. Donc, le film commence sur un embouteillage dans Paris, où on rencontre Foster, joué par Christian Clavier, n'ayez pas peur, ce n'est pas raciste. Tu m'emmerdes. Non, non, c'est vrai que Christian Clavier dans un film. Christian Clavier, mais n'ayez pas peur, ce n'est pas raciste, c'est seulement misogyne. Non, non, enfin, c'est misogyne comme pour un homme de 80 ans, quoi. On va dire que c'est normal. Quoi Qu'est-ce qu'il dit? Oh, je blague. Donc, qui est un petit bourgeois et qui rencontre Topin, qui est joué par Gérard Depardieu. Salut mes couilles. Sors de chez moi. Tu peux le dire en russe, du coup, maintenant? Ah, non, je parle pas assez bien russe. Donc, lui non plus, hein, je te rassure. Gérard Depardieu, qui est un habitué de la filmographie du réalisateur, d'ailleurs. Et dans Les Valseuses, oui. Oui. Et dans Buffet Froid. Valseuses. Mais pas dans Les Glaçons, je crois. Non, pas dans Les Glaçons. Alors, il est au moins dans 6, oui. 7, 2, je crois que c'est leur 8e ou 9e collaboration. Alors que Christian Clavier, il jouait déjà dans d'autres. Non, c'est la première fois qu'il joue. D'accord. Donc, on rencontre Foster, Clavier et Topin Depardieu. Donc un bourgeois et donc Depardieu qui est nouvellement SDF et qui interpelle Topin, donc Christian Clavier, en lui disant qu'ils ont un meurtre à commettre. Sens. Tu crois? Oui, c'est Clavier qui interpelle. Alors c'est Clavier qui interpelle l'autre, je ne sais plus. C'est la chronique de qui, hein? Mais c'est les deux, j'ai dit. Moi je partage. Je partage. Donc il faut bien combler ma médiocrité. C'est très triste. Donc il l'intéresse. Donc Issam me fait des grands oui de la tête à côté. Sur ma feuille, il y a deux lignes et demie de synopsis et on y est depuis 5 minutes, je crois. Donc je reprends. Embouteillage dans Paris avec Foster, Christian Clavier, petit bourgeois qui rencontre Topin, Gérard Depardieu, nouvellement SDF. Et donc Topin l'interpelle en lui disant qu'ils ont un meurtre à commettre parce que c'est écrit dans le scénario. Donc c'est un film qui est entièrement sur la réflexivité du cinéma. Oublié, réfléchi sur son art par le biais de ses personnages et de dialogues qui sont, comme souvent chez le réalisateur, extrêmement, extrêmement bien écrits, avec une verve que je trouve relativement géniale. Déjà dans Le Bruit des Glaçons, avec Depardieu qui s'adressait directement au spectateur, il y avait relativement fortement cette idée. Pas Depardieu, pardon. Du Jardin. Ouais, du Jardin. Il y a trop de... C'est trop les mêmes acteurs français qui se mélangent et jouent dans tous les films. Non, c'est parce que je parle trop vite, tu t'embrouilles tout ça. C'est parce que je parle trop vite. Mais moi, j'essaie de gagner du temps sur le truc. C'est parce que j'ai écrit trop vite, du coup. C'est parce que j'ai écrit trop vite. Mais si t'essayes de gagner une minute, mais que t'en perds 50, t'as raconté pourquoi t'as gagné une minute. Lis ton manga, toi. Bref, donc... C'est bien envoyé, ça. Enfin, juste, ça me rappelle Franquin qui avait un moment pour économiser de l'encre, avait expliqué à sa signature d'un gros pavé pourquoi il avait économisé de l'encre dans cette page. Ah oui. Voilà. Mais moi c'est pareil, donc j'ai le génie de Franquin. C'est ça la conclusion. Donc du Jardin qui s'adressait directement aux spectateurs et donc ça introduisait déjà cette réflexivité qu'il y avait moins dans Buffet Froid, parce que alors moi j'ai que vu Buffet Froid et Le Bruit des Glaçons. En autre film. C'est pour le coup assez récurrent. C'est pour moi, Convoi exceptionnel, il m'a surtout rappelé Notre Histoire, qui est un film avec Delon. D'accord. Et dans l'histoire, en gros, c'est un mec qui est dans un train c'est, qui est joué par Delon, qui est un garagiste alcoolique. Et le film commence par une adresse au spectateur. Il dit un mec, un garagiste alcoolique dans un train, qu'est-ce qui peut lui arriver comme histoire ? Rien, ou alors une histoire de merde, plus ou moins. Et en fait, tout le film va être là-dessus. C'est-à-dire les deux personnages principaux vont raconter tour à tour l'histoire du film et vont influencer l'intrigue par ce qu'ils racontent, par les passages où ils narrent l'histoire. Ouais, donc c'est... Il aime bien ce genre de mécanisme. Ouais, c'est une obsession cinématographique, mais que moi, bon, moi qui me plaît beaucoup, mais pour des raisons de goût esthétique personnel, quoi. Mais que en plus, je trouve assez bien mené, et notamment pour le coup, le fait que le film soit court lui donne une densité, une intensité assez intéressante. Je trouve qu'on est tout de suite happé par le jeu des acteurs, qui sont très bons tous les deux, qui fonctionnent extrêmement bien ensemble. On était assez d'accord là-dessus aussi. Le film est très drôle, il est constamment surprenant et absurde, et quand ça pourrait lasser cette dynamique de scénario qui arrive, ça part carrément sur autre chose. Les dernières 20 minutes semblent lancer une autre intrigue, ce qui crée une sorte d'incohérence généralisée dans le film, qui je trouve lui profite assez. Et qui du coup voilà, permet de justement encore une fois questionner la forme de la cohésion d'un scénario. Et voilà, je trouvais ce revirement qui a été je crois pas mal critiqué et pas mal assez peu apprécié, mais moi j'avais trouvé ça relativement intéressant. Toi aussi, non? Ouais. Oui, alors ce qui m'amuse avec la fin, c'est qu'en fait il y a un truc qui profite au scénario mais qui est parti d'une erreur de Blier. C'est-à-dire il avait fait un scénario trop court. Il avait rendu un scénario trop court, donc il y a toute une scène à la fin où les deux personnages principaux parlent de bouffe autour d'une table. Et en fait, cette scène est totalement improvisée pour rallonger la durée du film et pour atteindre justement l'heure 20. Et c'est Depardieu qui improvise en racontant une recette de poulet, je sais plus quoi, ouais, Vasquez, un truc du genre. Et c'est une des meilleurs films. Et c'est une des meilleures scènes. En fait, c'est une scène qui est totalement improvisée. En fait, ça fait exploser la mécanique du film parce que tout à coup les personnages et les acteurs authentiquement se libèrent du scénario, et c'est d'autant plus frappant dans le cas de Depardieu que Depardieu il joue avec oreillettes, il ne le cache pas, et donc ça, je trouve que ça a une influence sur son jeu. C'est un Depardieu, il entend le texte qu'il va réciter quelques secondes avant de le dire, il n'apprend plus du tout ses textes, et là tout à coup il y a une scène où il n'a plus l'oreillette et donc où il retrouve un rythme totalement naturel qui a plus la bizarrerie que peut avoir son rythme lié à l'oreillette et au texte de Blier. Et donc, il y a qu'à la fin, il rejoue très bien. Il joue plus, surtout, oui, à un moment. Il est plus du tout dans le jeu. Mais pour moi, il joue très bien avec oreillette, hein, Depardieu. Donc, il ne pose pas de problème qu'il en ait une. Mais du coup, par ça, justement, il y a le... Ouais. En tant que capacité d'acting, si, ça pose problème qu'il ait une oreillette. Parce que bon... Ouais, après, techniquement, voilà. En fait, si t'enlèves avant l'oreillette, il avait les textes affichés. Si t'enlèves ça, Depardieu, en fait, il apprend plus ses textes depuis le début des années 90. Ouais, d'accord. D'ailleurs, c'était super chiant dans Cyrano Bergerac, il avait un gros casque. Cyrano, c'est peut-être la seule exception. Ouais. Mais dans tous ses autres films, justement, c'est lui qui en parlait, il épinglait le texte sur ses camarades de jeu. C'est vachement marrant. Attends, camarade. Voilà. Mais justement, ça c'est marrant parce que ça fait que en fait la dynamique du récit où ces deux personnages qui essaient d'échapper à un scénario se retranscrit par erreur dans la création même du film, en fait, où justement Blier échappe à son scénario par nécessité et où du coup en effet les acteurs comme les personnages se libèrent du scénario. Donc ça c'est un truc que je savais pas et ça rend le film encore plus intéressant, je trouve. Enfin, notamment parce que alors moi qui en général ai des préjugés sur les films dans lesquels joue Christian Clavier, pour je crois des raisons de filmographie qui est pas fameuse quand même. Il n'y a pas qu'avec les films de Christian Clavier que t'as pas de préjugés, mais bon, passons. Ça suffit, oui. C'est vrai que Clavier n'a jamais joué pour Fincher, hein, et pourtant. Et pourtant, il pourrait. Non, mais je trouve que vraiment là, ils sont presque touchants. Enfin, dans leur bonhomie, je les trouve vraiment très très agréables. Dans leur, déjà, je trouve que les trois films que j'ai vus du réalisateur sont sur en général des couples de personnages ou des trios dans Buffet froid, ouais. Et que dans l'ensemble vraiment il y a une espèce, enfin on se sent inclus dans un groupe extrêmement humain et extrêmement touchant et chaleureux, quoi. C'est toujours, enfin c'est toujours, je fais comme si je connaissais son cinéma depuis des années alors que je l'ai découvert avec ce film là, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans son cinéma. Et enfin voilà, aussi une conscience de l'art qui se fait alors encore une fois avec une utilisation de la musique qui est toujours très ponctuelle, très réfléchie et très consciente, parce que c'est une musique qui est toujours entendue par les personnages. C'était déjà le cas dans Buffet froid. Oui. C'est le cas dans, à ma connaissance, la majorité de ses films. Ouais. Je me rappelle notamment dans Préparez vos mouchoirs, il y a tout pareil, un délire autour de la musique de Schubert, avec à un moment le personnage, je sais plus si c'est, je crois que c'est Depardieu, qui à un moment dit il nous emmerde Schubert à être dépressif, on a bien compris le message, il a plombé l'ambiance. Et c'est très récurrent chez lui le rapport à la musique. Ouais. Enfin bon, c'est vraiment un film qui moi me parle beaucoup vis-à-vis de ça, et de cinéma qui parle de cinéma, qui parle de scénario et qui parle de jeu, et qui justement est à l'inverse d'un cinéma de Fincher, enfin qui est extrêmement humain, quoi, et qui... Puis il a fini de retourner toujours sur lui. C'est ça, non mais c'est un peu... Ils ont trouvé une piñata, laisse-leur taper dedans. C'est le fil rouge de l'émission. C'est un peu comme les nazis pour Issam, quoi. Enfin, c'est genre ma némésis, et non, enfin voilà, vraiment, je suis assez touché moi, par ce cinéma qui est extrêmement humain, qui est extrêmement dense, et... Enfin bon, voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Ouais, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que Billet est fils d'acteur, fils de Bernard Billet, qui a fait jouer dans plusieurs de ses films, bah donc Buffet froid. Et donc c'est clairement, c'est un réal qui, quand il fait la promo de ses films, revient toujours sur le fait que ce qui l'intéresse le plus dans le cinéma, c'est justement de faire jouer les acteurs. Il a fait un film qui s'appelle Les Acteurs, qui est un espèce d'immense hommage au cinéma français, aux acteurs français, et notamment à son père. Donc ça se ressent, c'est, je pense que c'est de là que vient l'humanité qui transparaît dans son cinéma, c'est ce qui compte le plus pour lui. C'est-à-dire, au-delà de l'absurdité et de l'ambiance limite surréaliste de pas mal de ses films, il veut quand même faire jouer les êtres humains, et pour lui c'est vraiment une composante essentielle, et ça se ressent dans sa manière de filmer, c'est-à-dire qu'il va régulièrement filmer en plan assez long, qui vont régulièrement être des monologues de ses acteurs. Dans Convoi exceptionnel, il y en a deux. Il y en a un sur... j'ai totalement oublié le nom de l'actrice, oui. Mais c'est son épouse, et qui a un long monologue à un moment de 3 minutes en plan fixe. C'est l'épouse de Blié, l'actrice ? Ouais. Ah ouais, je savais pas. Et il y en a un autre, pareil, un long monologue de Christian Clavier qui montre qu'il s'est joué avec beaucoup de finesse. Déjà, ça fait plaisir à voir. On a tendance à l'oublier. Oui, c'est ça. Et qui est super beau comme moment. Et Billet, c'est aussi un des réalisateurs qui sait encore donner une esthétique à son film. Ça devient de plus en plus... Enfin, dans la comédie française, on a un peu tendance à négliger souvent la manière de filmer. Et Billet, pas du tout. Il y a des plans qui sont assez impressionnants au niveau de la composition ou même des travelling dans Convoi exceptionnel, en jouant beaucoup sur une esthétique et sur une vision des décors parfois assez irréaliste, mais qui marche. Surtout que là, encore une fois, comme il y a tout l'aspect... tout l'aspect méta, il peut se permettre de filmer les décors comme des décors. Ouais, mais il le fait d'ailleurs. Ouais. Ouais, voilà, non, c'est tout. On a pour moi, oui. Ouais. Les acteurs secondaires sont bons. Je vois pas de gros points noirs. Je sais pas, j'ai vu qu'il était encore à l'affiche dans certaines salles, donc. Ouais, je crois. S'il y a moyen de se défendre. Enfin, remarque peut-être que le temps qu'on monte le truc, il y sera plus, quoi. Ouais. Mais bon. Ok. Bref, regardez ça, c'est cool. Et regardez l'oublier, faites-lui l'argent qu'il puisse tourner ses prochains films avant que 9 ans aient passé. Tu crois qu'il sera encore là dans 9 ans ? Ouais, okay. C'est solide ces gens-là. C'est solide ces gens-là. C'est des vieux de la vieille. C'est ça. C'est, ils résistent, ils prouvent qu'ils existent. Arrête. Tu nous mets tous très mal à l'aise. Oui, merci Sam de t'arrêter. Et de nous parler de ton dernier film. Oui, parce que toi c'est ton troisième. Oui, ah, il est content. Donc, nous allons parler cette fois-ci de A Brighter Summer Day, réalisé par Edward Yang et sorti en 1991. Donc, cette fois-ci, nous avons fait Hong Kong, nous avons fait la Chine continentale, et nous allons passer à Taïwan. Donc, je connais un peu moins bien Taïwan, donc j'espère pas trop dire de bêtises sur l'histoire. En gros, ça a été chinois jusqu'en 1895, puis cédé au Japon. C'est donc resté une colonie japonaise pendant 50 ans jusqu'en fait à la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945. C'est donc récupéré par la République de Chine à ce moment-là, mais quelques années plus tard, la République de Chine étant en sacré bordel de guerre civile, va y avoir une division, c'est-à-dire la République de Chine va garder quasiment uniquement Taïwan et quelques autres tout petits trucs, mais qu'elle perdra au fur et à mesure, et c'est la République populaire de Chine qui va conserver le continent. Donc, actuellement, le statut politique de Taïwan est, je crois, un peu ambigu, c'est-à-dire, je crois que l'ONU, par exemple, ne reconnaît pas Taïwan comme étant une nation indépendante. Ah, sympa. Ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, ça a été le cas pendant longtemps. Et du coup, pendant assez longtemps, les deux, enfin la République populaire de Chine et la République de Chine se sont un peu tirées dans les pattes, chacune considérant en fait que ce qui était à l'autre, enfin qu'elle dominait l'autre. Depuis, comme les deux essaient de rendre leur relation un peu moins conflictuelle, on va dire qu'elles arrêtent de parler de ces sujets-là, quoi. Mais c'est pas, le problème est pas réglé. Mais en gros, c'est un peu comme la guerre entre les Japonais et les Russes, on n'en parle plus en espérant que ça finisse par être oublié. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a aussi un peu le conflit encore sur les territoires entre la Chine et le Japon sur, par rapport à une île. Je ne sais plus le nom de l'île, mais où en fait, si on regarde sur les cartes internet, des fois elle est marquée deux fois côte à côte, une fois en tant que propriété japonaise et l'autre fois en tant que propriété chinoise. Parce que aucun des deux n'accepte que ce soit à l'autre. Alors que c'est une île de merde, il n'y a rien. Une île de merde, ça fait plaisir aux habitants. Non, non, mais même, je ne sais même pas s'il y a des habitants dessus. C'est, mais par contre, les deux revendiquent cette île. Parce que des fois, en fait, le truc, c'est que d'avoir des îles plus ou moins loin de ton propre continent, ça permet de mettre des bases militaires, en fait. Oui. C'est quelque chose de stratégique d'avoir des îles enfoncées ou du moins qui sont assez loin de chez toi pour pouvoir avoir des départs militaires stratégiques. Après, le Japon n'ayant pas loin d'avoir l'armée. Ah oui. Voilà, oui, mais ça leur permet quand même, en tout cas si eux peuvent pas mettre d'armée, que personne ne puisse mettre d'armée quand même, si jamais c'est à eux. Enfin, du coup, ça bloque. C'est un peu. C'est ça, c'est que ça, ça bloque le truc. C'est comme les brevets. C'est ça. Oui. Et donc, Taïwan, bah, globalement, en fait, ça a été pas mal marqué par ces différentes évolutions au cours du XXe siècle. Ça a été une terre où il y a eu, comme Hong Kong, mais peut-être de manière encore plus exacerbée, beaucoup de mélanges culturels entre japonais et chinois continentaux, chinois de la République populaire de Chine qui se sont exilés là. Et c'est le cas notamment de Edward Yang, dont nous allons parler, qui est né en 1947 à Shanghai, mais qui, très jeune, a émigré à Taïwan. C'est le cas d'un autre cinéaste assez important de la nouvelle vague taïwanaise, qui est Wu Xiaoxian, qui est né en Chine continentale et qui a émigré par la suite. Edward Yang, c'est un réalisateur qui s'est fait relativement connaître en recevant le prix de la mise en scène à Cannes en 2000 pour un film qui s'appelle Yi. Donc il a accédé à une reconnaissance internationale à ce moment-là, et il aurait pu avoir accès à des gros budgets. Le petit souci qu'il a eu est qu'il est mort en 2007, sans avoir pu faire d'autres films. Effectivement, c'est un petit souci. Donc il n'a pas pu tellement profiter de sa notoriété. Toujours est-il que Brighter Summer Day se passe à Taïwan dans les années 60, et ça raconte l'histoire de Xiao, un jeune Taïwanais issu d'une famille chinoise immigrée. C'est pour ça que je précise ça par rapport au réalisateur. On le suit sur quelques mois de sa vie, quasiment un an, et principalement dans la relation qu'il a avec sa famille, dans la relation qu'il a avec ses amis qui sont souvent membres de gangs de rue, d'ados, quoi, c'est pas de la grande criminalité, mais voilà. Et dans son histoire d'amour avec Ming, une jeune fille de son collège, voilà, ça a été un peu son premier amour. Le film est inspiré d'un fait divers qui est réellement arrivé quand le réalisateur avait 13-14 ans, comme son personnage. Et c'est un fait divers qui l'a beaucoup marqué, mais en fait, plutôt que de. En fait, il va pas chercher à justifier, à expliquer ce fait divers, à le creuser à fond. Finalement, ça va juste être un événement dans le film qui arrive en plus très tard. Le film dure 4 heures et le fait divers, ça doit être à 3h40 qui survient. Et le but, c'est plus d'imaginer son contexte et en fait de l'humaniser. Il veut replacer, plutôt que d'avoir un article de journal très froid, il veut lui donner une humanité en montrant les personnages, en imaginant ce qu'aurait pu être la vie quotidienne des personnages. Et en finalement enlevant tout le côté spectaculaire de l'événement. Le film est très tranche de vie, encore une fois, il y a en plus beaucoup de digressions pour suivre tous les personnages qui entourent le protagoniste, ce qui est à la limite de lui donner un côté film choral à certains moments, même si ça revient toujours à ce héros isolé. C'est clairement donc un film qui est assez autobiographique, c'est le réalisateur qui parle de sa jeunesse et qui réfléchit dessus, qui essaie... d'une certaine façon, de faire une sorte de bilan de sa jeunesse pour après pouvoir se diriger vers l'avenir. Notamment dans tout ce qui est la vie de collège, la fascination du personnage principal pour le cinéma, parce qu'en fait, son collège est situé juste à côté de studios de cinéma, donc il fait régulièrement l'école buissonnière pour aller se planquer dans les échafaudages des plateaux pour observer les tournages. C'est aussi toute une fascination pour la culture occidentale, avec la musique notamment occidentale qui se diffuse au travers de cassettes piratées que les jeunes se font passer les uns les autres. Et celui qui a les moyens de pirater les cassettes, justement, c'est un peu la star, parce qu'il a accès aux chansons d'Elvis, quoi. J'ai connu ça avec les disquettes. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ça. Gravé, tout ça, c'était... le piratage de jeux à l'école. Et c'est dégravé. Il y a aussi tout le... Vous tout... êtes vieux. Et on t'emmerde. Alors que maintenant, c'est juste, ouais, j'ai fait un torrent, je suis... Voilà. Voilà. Quel con, ces jeunes. Donc ça, c'est une des thématiques du film. Toi aussi, on t'emmerde. Et puis toi aussi, tant qu'on y est. Oui, mais moi, je continue. Avec tes films... J'en ai rien à foutre. Un film de 4 heures. Est-ce que c'est, est-ce que c'est dispo sur Netflix, ton film? Pas que je sache, vous cherchez. Je vais pas parler de Hawksha. Non. Ça, moi, c'est dispo sur Netflix. Et ça dure pas 4 heures. Ça dure pas 4 heures. Ça, la chronique va durer 4 heures si vous continuez. Le podcast dure déjà 4 heures. Donc, j'allais dire, voilà, donc il y a cette thématique de l'attrait pour l'occidentalité qu'on trouvait déjà, du coup, j'en avais parlé dans les films de Jiazhenke, donc ça rapproche un peu la Chine continentale et Taïwan, en opposition à Hong Kong, qui, elle, était ouverte automatiquement au monde, beaucoup plus automatiquement, en tout cas. Il y a aussi la thématique d'un système scolaire qui délaisse, en fait, les étudiants problématiques, parce qu'en fait, le protagoniste étant un peu enfin, faisant partie de gang de rue et étant un peu un élève perturbateur, il est dans les cours, il suit les cours de nuit du collège. C'est-à-dire, les collèges taïwanais, apparemment, à l'époque, fonctionnaient deux jours et deux nuits, avec des cours pour les élèves de jour qui étaient de meilleure qualité que ceux qui étaient dispensés la nuit. Donc en gros, les élèves qui posaient problème ou qui étaient trop nuls, on les envoyait en cours de nuit, parce qu'ils déjà vont déglinguer leur rythme naturel, hein, faut pas se mentir. C'est complètement bâtard. Et leur donner des cours de, pas, enfin, de bien moindre qualité. Voilà. C'est un procédé. Alors, si vous êtes ça en France, c'est d'enculé. Si vous êtes ça en France, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas assez de professeurs pour gérer ça. Donc, en fait, il ferait toute la journée. Donc, c'est il ferait, voilà, le professeur du jour, ce serait le même professeur que de nuit. C'est ça. Je ne remets pas la qualité des cours. En fait, en France, on fait déjà ça, mais pour les professeurs, justement. C'est ça. On envoie les petits nouveaux dans les collèges à problème et tout et tout. Oui, il y a un peu ça. C'est donc ça ostracise d'une certaine façon ce protagoniste qui est déjà ostracisé, en fait, par son statut d'immigrant. C'est-à-dire, il a beau venir. Enfin, finalement, tous les personnages sont d'origine chinoise quasiment, parce que Taïwan, c'est pas. Enfin, de base, Taïwan, tu viens. Les Japonais s'étaient tous barrés à l'époque, plus ou moins, donc il n'y avait que les Chinois à Taïwan, mais qui venaient pas des mêmes vagues d'immigration, et donc il y a. Les vagues d'immigration les plus récentes n'étaient pas forcément bien vues. Et il y a notamment toute une sous-intrigue qui est liée au fait que le père, à un moment, est arrêté par les autorités locales parce qu'il est suspecté de collaborer avec le gouvernement communiste, et donc totalement gratuitement, juste parce qu'il vient de là-bas. Et donc il y a toute une partie du film où il est interrogé par ce gouvernement sans aucun fondement. Donc finalement, de tous les côtés, le personnage principal n'a aucun repère, et il cherche à s'échapper, que ce soit dans la criminalité, qui est une promesse d'argent facile. Il respecte beaucoup ses aînés, chefs de gang, qui gagnent relativement de l'argent. S'échapper à travers la culture occidentale ou s'échapper à travers le cinéma, il rêve de devenir une star de cinéma aussi, automatiquement, avec les studios juste à côté. Mais c'est une échappée qui n'est jamais satisfaite, en fait, qui peut jamais aboutir, et finalement, tout le film est ancré dans une quotidienneté qui finit par devenir fatale. Bon, je vais pas dévoiler quel est l'événement final, même si techniquement le titre... Merci. Ouais, mais alors, pour le coup, techniquement, le titre original du film, le titre taïwanais, c'est le nom de cet événement, donc tu sais ce qui se passe. Heureusement qu'on ne sait pas lire le taïwanais, alors. C'est... Oui, mais pour le coup, c'est un choix du réalisateur. Il a choisi de ne pas en faire un élément de suspense. Mais comme en français, on a fait ce choix-là... Oui, ça revient à peu près au titre japonais que je disais sur le sixième sens. Mais pour le coup, c'est encore un autre contexte. Là, ça se justifie dans la mesure où c'est pas... ils cherchent pas à installer un suspense, quoi. Ils cherchent juste vraiment à ancrer ce fait dans un quotidien. Alors c'est un film qui est long, comme je l'ai dit, qui est assez lent, qui est pas contemplatif. Je viens d'imaginer l'épisode 5 de Star Wars, le sous-titre ça serait « C'est son père ». Ça serait totalement con. Avec juste l'image de Dark Vador d'ailleurs sur la jaquette, hein. c'est son père. C'est son père, non. Vas-y, ça. Mais en fait, la longueur du film est importante, et même sa lenteur, parce que c'est ça qui permet d'en faire un objet du quotidien. C'est parce que le fait divers arrive au bout de 3h40 de vie de tous les jours, qu'il s'inscrit lui-même dans cette vie de tous les jours et qu'il n'est pas traité comme un événement. Et pour moi, la durée du film était quasiment nécessaire à ce qu'il veut créer. C'est-à-dire montrer vraiment ce qui a pu mener à ce fait. C'est à la limite de l'étude sociologique, à ce niveau-là par moment. Mais j'ai déjà vu un film comme ça, je me souviens plus, c'était un film français ou un film américain, où ça commençait par un bruit d'ambulance avec quelqu'un qui était amené, et en fait, ça s'accotait là, et là, t'avais toute la vie des personnes, et le film se terminait, vraiment, les dernières minutes se terminaient sur un accident et la personne amenée en ambulance. Donc, où t'avais en fait tout le développement de toutes les vies des personnes qui se retrouvaient en gros au carrefour où se passait l'accident. Alors là, ça me dit rien, la première vue. Faudrait que je retrouverais pas, ça c'est mort, parce que avec ces mots-clés-là, c'est impossible d'en trouver. Ça dure 4 heures aussi. Mais non, ça dure pas 4 heures. Mais ça me dit. Enfin, j'ai déjà vu ce type de d'éclatement au niveau d'un fait divers, de façon à voir à peu près la vie de tous les personnages, de façon après à comprendre tout ce qu'implique l'accident. Parce que ça implique plus qu'une personne qui se fait écartonner. Ça implique la vie vraiment autour de ces gens-là. Oui. Voilà, du coup, ça rend effectivement l'acte beaucoup plus important. Et beaucoup plus banal en même temps, c'est là qu'est le paradoxe. Oui. Alors, la manière de filmer d'Edward Young sur ce film... Enfin, il y a presque un truc que je trouve paradoxal, parce que le choix des cadres de départ et des lumières, c'est très soigné et très esthétisé. Il y a beaucoup d'élégance, il y a un vrai travail et une volonté de faire du beau. Mais par contre, c'est souvent filmé caméra à l'épaule et avec une tendance à suivre les personnages de très près. Et c'est vrai que dans l'ensemble, quand on a des cadres ultra esthétisés, on est plutôt habitué à une réalisation qui va rester ultra propre, avec des travelling bien nets. Ou à l'inverse, quand on a une réalisation caméra à l'épaule, on est habitué à des cadres plus crades et à une lumière plus crade. Edward Young mêle les deux, et c'est aussi un truc qu'on retrouve chez l'autre réalisateur que je connais, la nouvelle vague taïwanaise, donc Hu Hsiao-hsien, dans un film comme Millennium Mambo, que je vous recommande aussi, il y a exactement la même idée. On a l'impression qu'ils ont fait se rencontrer deux manières de filmer, comme s'ils voulaient filmer un monde qui était trop esthétisé, qui était d'une certaine façon trop parfait, trop fantasmé, mais qu'en même temps, ils ancraient les personnages de ce monde dans quelque chose de très réel. Ce qui, encore une fois, revient à la thématique de ces personnages qui essaient de fantasmer un monde qui ne s'y retrouvent pas forcément, mais qui, en même temps, sont suivis de très près. C'est un cinéma qui est très introspectif, dans un cas comme dans l'autre. C'est clairement, encore une fois, une nouvelle vague de cinéastes qui étaient déracinés. C'était souvent des immigrés assez récents qui ont grandi en Chine populaire. Et donc, il y a tout cet aspect d'une génération déracinée qui est arrivée par Taïwan, qui est arrivée à Taïwan par la force des choses, qui a été coupée de son passé. Edward Young, dans ce film-là, cherche plus ou moins à régler ses comptes avec ce passé, à finalement en faire une sorte de bilan. Et son autre film très connu, Yiyi, que visiblement il aime les films longs parce que ça dure 3 heures, Yiyi, lui va plus être tourné vers un certain avenir. C'est-à-dire dans Yiyi, il traite d'une famille avec le gamin qui a 8 ans, la fille qui a une quinzaine d'années et les parents. Yiyi, c'est un film qui est plus tourné vers l'avenir. C'est-à-dire c'est des personnages qui, d'une certaine façon, ont l'impression d'avoir gâché leur vie, d'être passés à côté, mais qui vont plus ou moins se questionner sur comment trouver un avenir, tout en continuant à régler leur compte avec le passé. Donc il y a vraiment un gros rapport au temps chez ce cinéaste-là. Et dans les deux films que j'ai vus de lui, c'est un rapport qui est à la fois assez pessimiste, parce que les personnages gâchent leur vie d'une certaine façon, et leurs rêves sont inaboutis. C'est un des messages il y a le fait divers dans Brighter Summer Day, et dans Yiyi, il y a un personnage à un moment qui dit « Même si on me donnait une seconde chance, en fait, j'en profiterai pas. » Mais en même temps, il y a aussi un certain côté positif. Quoi ? Je vois du coin de l'œil. Je ne suis pas seul. Les autres aussi. Oui, je me doute. Ah non, mais moi, il me regarde, donc je vois rien faire. Et je profite. Mais je me doute, je vous vois depuis tout à l'heure. Mais il y a aussi un certain côté positif et optimiste. Je vous vois depuis tout à l'heure. Je vous vois depuis tout à l'heure. Vous croyez pas que je vous vois pas parce que vous êtes au premier rang. Hein. Mais j'ai bientôt fini de toute façon. Mais il y a aussi un côté assez optimiste dans l'humanisme qui se dégage de son film, et une vraie foi dans l'être humain, et une vraie envie de le voir évoluer. C'est-à-dire, il y a beau y avoir ce désespoir d'apparence. Mais non, mais si tu parles en même temps, c'est mort. Il dit des trucs marrants, donc ça... Ah, oui, mais dis-le à voix haute au moins, parce que sinon ce sera juste un bruit de fond pénible. Ah, pourtant j'ai entendu, moi. J'ai dit comme les nazis. Oui, si tu veux. Ils avaient pas foi dans tous les humains, les nazis. Où j'en étais. Tu parlais de l'humanisme des Fleischer et des nazis. Donc l'humanisme d'Edward Yang qui pense que, enfin, qui à travers ses films nous dit finalement que ça vaut le coup de chercher, enfin, de chercher à vivre, pas de chercher un but dans sa vie. Ça, pour lui, ça lui paraît relativement vain. Et enfin, il présente dans ses films que c'est plus ou moins ça qui est à l'origine de l'échec de ses personnages, mais au moins chercher juste à vivre. Et ça rend son cinéma assez beau, assez simple. Et ouais, c'est vraiment encore une fois un film et un réalisateur à découvrir comme la nouvelle vague taïwanaise en général, qui est pas mal dans cet état d'esprit du rapport au temps, aussi océane avec Millennium Mambo, si vous avez l'occasion de le voir, hein, qui traite de thématiques similaires. 4 heures pour t'expliquer que c'est bien de vivre. 4 heures pour t'expliquer un mode de vie plutôt. 4 heures où tu ne vis pas. Un mode de vie. Ah, un mode de vie qui se dégage du temps d'une certaine façon. C'est en ça que c'est intéressant. Ah, pendant 4 heures, oui, tu te dégages du temps, effectivement. Mais je vous emmerde. C'est un peu comme Proust, quoi. C'est 7 tomes pour dire oh, le temps passe. Mais justement, Proust, il est pendant 7 tomes dans le rapport au temps. Ouais. Tu sais, il y en a qui ont mis toute une vie pour te dire que tout est relié au cul. Hein. Ouais. Voilà. Heureusement, ils sont retirés des programmes. Oui, voilà. Enfin, non, pas heureusement. Non, bah c'est tout, hein. Ouais, bah. Assez étrangement, j'ai très envie de le voir. Mais... Et c'est pas de ma faute si je monologue parce que vous êtes trop inculturé pour rebondir sur les chefs-d'œuvre dont je parle. Moi, je vais pas te couper, en plus, tu me troublais, tu me regardais pendant la moitié du temps. Donc j'étais il fallait bien que je regarde quelque chose, non? En plus, tu m'as fait ça pour chaque film que t'as fait, donc du coup. Bah oui, mais t'es en face de moi. Merde. Et le roman se naît. C'est ça. On passe à la suite ou pas? C'est bon, t'as fini de parler de ton film de 4 heures? Oh là là, j'ai pas passé tant de temps sur mes films, hein, comparé à ce que j'avais à dire, j'ai bien élagué. Hein. Bravo. Non, franchement, tu as réussi à donner envie. Et pourtant, me donner envie sur des films qui durent plus de 2 heures, c'est compliqué. Ah bah ça, j'en sais quelque chose. Je vais maintenant vous parler de Seven Sisters. On va se faire chier. Film américano-belgeo-britannico-français. Réalisé par Tony Wirkola, réalisateur norvégien, voilà, comme ça vous avez vu toute la planète, avec Noomi Rapace, actrice suédoise. Voilà, maintenant qu'on a toute l'Europe. Ouais, très Tony Wirkola, à qui on doit les deux très sympathiques Death Snow, il me semble que tu les as vus, c'est ça? Oui. Death Snow. Non, j'ai vu que le premier. Mais... Film d'horreur avec des zombies nazis. Bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est génial. Avec des zombies nazis qui poursuivent des jeunes qui font du snowboard. Et qui. Et qui ont trouvé un trésor qui contient l'or des nazis. C'est ça, ouais. Et c'est, bon, c'est un film totalement burlesque, totalement fou, voilà. C'est une comédie horrifique vraiment cool à voir. De toute façon, quand tu mets des nazis dans une série B, globalement... c'est ça. C'est comme le requin nazi, quoi, ça donne envie de le voir. Mais c'est aussi le réalisateur du très mauvais Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Qui, lui, est d'une nullité, mais affligeante. Attends, mais je sais, j'ai dû le voir dans un état d'esprit particulier parce que ça m'a diverti. J'ai beaucoup aimé ce film. Ah non, il est nul. Bah non, si, dis pas non, j'ai aimé ce film. Non, il est nul. J'irais pas jusqu'à dire que je l'ai beaucoup aimé, mais il m'a diverti. Il est d'une nullité. Bon, vu le regard de Sally, elle l'a trouvé nul, elle aussi. C'est complètement con et c'est objectif. Voilà. C'est objectivement plein de défauts, mais ça, j'ai passé un bon moment devant, je suis rentré dans le délire, bon bah voilà. Mais tu regardes des films de 4 heures aussi, t'es hors catégorie. Mais quel rapport. Il y a ni Nazi, ni Hansel et Gretel dont je vous ai parlé. Dans les scènes complètement con, par exemple, il y a le tir de... Putain, je me souviens plus qui est Hansel, qui est Gretel à chaque fois dans les... Bah tu peux dire la fille ou le mec, c'est... Le mec, voilà. C'est Hansel. Hansel, ouais. qui tire à l'arbalète, les deux sorcières qui l'attaquent sur les côtés, et là il appuie sur une touche, ça fait que l'arbalète se divise en deux, ouais. Et tire... Et là, c'est ce genre de conneries, ça me faisait marrer, moi. Je me disais, un peu comme Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Exactement. C'est les films qui m'ont fait marrer. Slow-mo. Oui, mais oui, non, mais c'est débile. Alors, mais ça marche. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, il y a une scène extraordinaire au moment où Abraham Lincoln chope un cheval, il a fait le dinguer au-dessus de sa tête pour défoncer la gueule à plein de vampires. C'est débile. Ce passage est extraordinaire. Rien que le fait que la hache qui se déploie est mise comme un couteau suisse dans mon souvenir, c'est débile. Tu sais qu'ils ont fait Abraham Lincoln, chasseur de zombies aussi. Hein. Ah, mais je veux que ça soit un film. Bah, tu vois, je me rappelais pas, mais c'est un film que j'ai vu, Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. De sorcières. Et c'est à partir de ce film-là où il y a eu plein de films de merde comme ça. Les Abraham Lincoln, les High Frankenstein. Mais Abraham Lincoln, je l'ai beaucoup aimé ce film aussi, bordel. J'ai passé un bon moment sur Abraham Lincoln. Dracula Untold, oui. Mais High Frankenstein, je trouve qu'il est plus sérieux. Oui, voilà, c'est. Et tu disais, franchement Abraham Lincoln, toutes les scènes en slow-mo, tu les mets à vitesse normale, le film il perd la moitié de sa durée de vie. Oh, ouais, c'est l'esprit de John Woo. C'est comme tous les films de Zack Snyder aussi. Oui. Toutes les scènes en ralenti, tu les mets normal, le film dure une heure. Ah ouais, non, mais Mission Impossible 2 à vitesse normale, ça dure 20 minutes. Hein. Il faut quand même avouer que dans Chasseur de vampires, c'est chaud, quoi. Ah, oui, alors, il paraît que tous les Resident Evil cumulés, ça fait 20 minutes. Sans les slow-mo. Peut-être pas le dernier, parce qu'il est hyper actif, justement, le dernier Resident Evil. Ah, je l'ai pas vu. Enfin, si, je l'ai c'est vu. C'est celui avec les clones de Mila Jovovich à la fin. Ouais, t'as l'impression qu'il y a une forme de tentative de meurtre par le montage, ce qui est pas inintéressant. À la fin, t'as une centaine de Mila Jovovich à l'écran, tu fais une crise cardiaque. Et de l'histoire au début du film, parce que on passe d'un cliffhanger à putassier à vous avez tout loupé. Voilà. Merci. Et c'est le film qui se veut le dernier épisode de la saga, alors qu'il laisse une énorme porte ouverte et une suite à la fin. Tu fais mais. Ah oui, bah il faut bien. Hein. Mais pourquoi t'appelles ton film l'ultime chapitre dans ce cas-là? Parce que dans 20 ans, on aura peut-être besoin d'argent, tu sais. C'est l'ultime chapitre et à la fin de générique, ou pas. Et attends, dans 20 ans, ils feront un film avec Mila Jovovich, qui n'aura toujours pas pris une ride. Et par contre, cette actrice, oui, ne vieillit pas. Ouais, merci à son chirurgien. Il a... Oh! Merci le botox. Je suis désolé, hein, au bout de 25 ans... Bah après, elle a les moyens de lui dire. Si ça oui. marche... Oui, si ça marche. Non, mais elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ça lui coûte du mal à la santé. Que ça moi, je croyais que c'était un masque qu'elle avait collé sur le visage de façon. Mais je préférerais qu'elle apprenne à jouer. Quoi. Bah, ça, c'est trop tard, je pense. Mais c'est compliqué avec du botox, hein, quand t'es tiré comme ça. Puis c'est compliqué quand ton mari fait des films de merde et que bah, tu joues dans tous ses films. Oui. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Quoi. Ah, c'est vrai qu'elle a pas eu de chance entre Besson et W.S. Anderson. Ah. Mais c'est trompé d'Anderson. Oui, c'est son mari. C'est pour ça qu'elle joue dans tous ses films, qu'elle joue dans Les Intellis, qu'elle joue dans les Trois Mousquetaires. Et Besson était son. Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires 3D avec des bateaux volants. Oui. Je l'ai vu au cinéma, j'étais tout seul. Ah oui, c'est normal. Hein. C'est un super bon souvenir. Alors après, tu peux poser la question, si tu n'étais pas allé le voir, est-ce qu'ils auraient projeté le film, vu qu'il n'y avait personne dans la salle? Je m'en fous, j'ai la littérature française s'est suicidée suite à ce film. Là, de Notre-Dame. Oups. Je crois que la littérature française. Il y a un bateau volant qui se crache dans Notre-Dame. Hein. C'est vrai. Ouais. C'était la prédiction. Le cinéma français, enfin la littérature française est morte plein de fois hein, dans les films. et même ils ont réussi à reproduire la scène de Resident Evil avec les lasers. Ils l'ont reproduite dans Les Trois Mousquetaires. Oui, à un moment, elle doit récupérer un joyau et il y a des fils ultra coupants qui traversent toute c'est la pièce et elle fait pareil une espèce de cascade de malade. Mais pourtant il y a des, mais en plus pourtant il y a des putains d'acteurs dans ce film. Oui, il y a Christopher Waltz, putain. C'est ça. Mais qu'on a rien à branler d'ailleurs, Christopher Waltz. Mais en plus, il joue Richelieu. Il rejoue Richelieu et ça lui va trop bien. Ouais. Mais le film est tellement nul. Ah. C'était la digression. C'était la digression. Elle a un peu duré encore. Elle a un peu duré, c'est vrai. Ah, par contre, je sais même plus trop quel film on parle. Seven Sisters. Moi, peut-être que je monologue, mais au moins je sais tenir les règles de ma chronique. On n'en a pas encore parlé, pour l'instant, j'ai juste cité le réalisateur, donc qui a fait Hansel et Gretel. Juste pour dire, la scène des lasers, ils ont pu la reproduire, par contre, la reine rouge, ils ont eu du mal, parce que c'est... on voyait bien le mec qui tenait les Ah la vache, par contre, la qualité, c'est pareil. Resident Evil et Trois Mousquetaires, ouais, faut admettre. Bon. Maintenant, j'aurais vraiment envie de voir Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Voilà, c'est tout. Mais re-regarde-le si tu veux. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller le télécharger directement. Je sais pas s'il est sur Netflix, Riffy. Bon, je vais sortir mon petit perroquet. De mettre mon petit chapeau. De trucs un peu nanar comme ça, il y a moyen. Il y a aussi des putains de bons films sur Netflix. Oui, mais il récupère beaucoup ce genre de trucs. Oui, j'aime bien. On peut pas dire l'inverse. Bah, attends, c'est du film qui cartonne auprès du grand public. Donc oui, bah voilà. Mais je c'est pas une critique, c'est un fait. Battez-vous. J'ai le droit de dire des faits sur Netflix encore, non? Non. D'ailleurs, ils ont le premier Hulk. Ah, celui de Angli, où ils l'ont mis il y a pas longtemps en plus. Merde. C'est bon? Seven Sisters? Seven Sisters, donc. Il paraît que c'est par le réalisateur de Dead Snow. Oh. Et de Hansel et Gretel. Qui n'est pas un film qui n'est pas un film de 4 heures. Pardon. Non. Est-ce que tu as fini de nous interrompre, Sally? As-tu quelque chose à dire? Mais non, je te regarde juste. Ouais, je dis déjà, il y a William Dafoe. On est au sac, déjà, j'ai tapé le synopsis. Go. Maintenant. Alors, le synopsis. Ouais. Nous sommes dans un monde de surpopulation, encore une fois. D'accord. Où le gouvernement mondial a instauré une loi de l'enfant unique. Sauf que, une femme met au monde des 16 sexes supplés. Du coup, il y a problème. D'accord. C'est la merde. Elle meurt en couche. Du coup, c'est le grand-père Willem Dafoe qui s'en occupe, qui les baptise chacun par un jour de la semaine. Donc lundi, mardi, et ainsi de suite. Et elles peuvent sortir le jour de la semaine qui porte leur prénom. Ah, c'est marrant, ça. Vu que c'est des jumelles, bah forcément, ça permet de sortir facilement. Le début du film, on voit quand elles sont adultes, donc quand leur grand-père n'est plus là, et on voit en parallèle l'éducation de chacune des filles, et surtout la manière dont elles vont développer chacun une personnalité. Il faut en profiter, parce que vite fait dans le film, c'est l'un des défauts du film, la personnalité de chacune est vite mis de côté, et au final, c'est un peu la même meuf, multipliée par 7, quoi. Ça c'est dommage par contre. Surtout que Noémie Rapace, c'est une putain d'actrice, donc elle aurait largement pu s'en occuper. Malgré ça, ça reste un très très bon film de SF. La tête que tu fais quand tu me regardes. Mais j'écoute. Tu me... Avance. Tu me dévores des Chronique. Yeux. Chronique. Donc. Pas de personnalité, mais bonne actrice. Très bonne actrice, Noémie Rapace. Tout va bien se passer. D'ailleurs, à la fin, tout se finit comme ça s'est bien passé. Alors non, pas trop. Parce qu'au bout d'un moment, il arrive quelque chose à lundi. Ah oh non. Elle est morte. On ne sait pas, justement. Parce que les autres personnages vont du coup mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à lundi. Oh. Ce qui est risqué, parce que si jamais on les croise en même temps, c'est grave. Personne n'aime le lundi, tu vois. On s'en fout. Puis comme ça, ça laisse une occasion à une autre des sœurs de pouvoir sortir ce jour-là, tu vois. En vrai, c'est cool qu'elle soit morte. Moi, j'aime bien. Mais j'ai pas dit qu'elle était morte, justement. Oui, mais moi, j'ai dit qu'elle était morte. Mais donc, elles vont vite se retrouver... traquées. En fait, elle est partie en vacances à la plage, c'est la lundi au soleil. elle avait perdu son passe-navigo pour le retour. Oh, putain, merde. Et t'es fier de toi? Oui. Et en plus, tu dis oui. Rends-moi ça. Tu ne le mérites pas, tiens. Est-ce que le caractère de Vendredi, c'est un peu vraiment de faire ce qu'elle veut parce que Vendredi, tout est permis ou pas? J'ai envie de mourir. D'ailleurs, c'était pas le mercredi, tout est permis. Si, c'est le mercredi. Ouais, ben c'est parce que comme je t'ai dit, les personnalités sont vite... Vite excitées, ouais. Voilà. C'est-à-dire, on te les montre au début, on te montre que... Alors, c'est des personnalités ultra clichés en plus, donc limite, tant mieux s'il les a, parce que t'as la rebelle... La geek, celle qui se bat un petit peu, tu vois. Ouais, ok. Bon, limite, tu dis, bon, finalement, que ça soit zappé, c'est pas trop mal, au moins, t'évites un petit peu les clichés. Ok. Mais l'une des qualités du film, par contre, c'est qu'il sert à instaurer des moments de tension. Parce que, c'est pas du spoil, très vite, il y a une des sept qui y passe. Et du coup, pendant les scènes d'action, tu flippes, parce que tu sais que, finalement, elles peuvent tout y passer d'un instant à l'autre, quoi. Puis ça fait un jour où elles peuvent plus rien faire. Alors, vu qu'elles sont traquées par le gouvernement, elles peuvent plus rien faire tous les jours de la semaine, en fait. Parce que bon, au bout d'un moment, quand t'es traqué, tu peux plus trop faire des choses, quoi. Tu peux plus regarder des films de 4 heures quand t'es traqué. C'était quoi cette tête? Bah, avec les téléphones, maintenant, tu peux le faire en courant. Alors, non. Non, mais en fait, le grand-père, il aurait mieux fait de faire une sorte... Enfin, de faire jouer Human Centipede. C'est-à-dire, il attaque les gamines les unes aux autres, comme ça fait qu'une seule personne... Pas de problème. Mon dieu. C'est legit. Willem Dafoe qui est pas dans le surjeu dans ce film-là. Parce que dernièrement, on l'a beaucoup vu dans le surjeu. Dans de manière films. Générale. Hein. Mais il est pas dans le surjeu, il est dans Seven Sisters. J'ai vraiment envie de mourir. Willem Dafoe, moi, à chaque fois, je pense à ce qu'on a dit Karim Debbage. Il suffit que le mec sourit et c'est foutu. Le c'est ça. Mais il ne sourit pas dessus. Voilà. Mais dès qu'il sourit... C'est le méchant. Mais non, ça va, il est gentil. C'est Glenn Close qui est méchant dans ce film. Bah oui, mais il sourit pas, donc ça veut dire qu'il est gentil. Glenn Close, ça fait plaisir de la revoir aussi. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Dans des gros trucs, ouais, elle l'a vu hier. Je suis fatigué, laissez-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Il l'a vu hier. Ah. Est-ce que Glenn Close combat? On est d'accord que tout ça en coupe. Ça, on la garde. Tout ça, on garde. J'ai envie de rentrer chez moi, appelez de l'aide s'il vous plaît. Ouais. Non. Bisous. Bisous maman. Bref donc. Bref donc, Seven Sisters, ça a beaucoup de défauts, clairement. C'est un film très agréable à regarder. C'est peut-être le moins bon de tout cela. C'était vraiment pour regarder cette thématique un petit peu dystopique, beaucoup centrée sur la surpopulation et le contrôle gouvernemental. Ça arrive à faire de la critique. Pas aussi poussé que The Lobster, c'est lui clairement dans ma sélection qui le fait le mieux. Mais ça reste vraiment un film très divertissant, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est bien de parler de films intelligents, c'est aussi bien de parler de films qui savent divertir, et il le fait très bien. En fait, ça sert à rien d'en dire plus. Enfin, on peut faire les deux, on peut divertir. Oui, clairement. Et du coup, le message. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas. Lobster n'est pas un film qui divertit. Oui. C'est pas un film divertissant. Tu regardes pas Lobster pour être diverti. Ouais, enfin, si jamais ça te fait réfléchir, ça te divertit. C'est déjà quelque chose de divertissant. Mais c'est pas, c'est pas le même sujet. Oui, je comprends. Enfin, t'es pas entraîné avec voilà. Le suspense. Ouais, c'est ça. Je comprends. Ouais. Disons que si on prend cette optique-là, tous les films divertissent. Oui, voilà. Sauf les films de 4 heures où il y a des gens qui comptent les secondes, comme tu m'en as montré. Voilà. Il dure qu'une heure, celui-là. Il dure qu'une heure, sauf que il dure une heure, une minute et une seconde. Mais c'est une heure, une minute et une seconde où la meuf fait 1, 2, 3. C'est pas tout le film, il y a peut-être 10 minutes de film où c'est ça, on est d'accord. C'est beaucoup trop. C'est pas beaucoup trop, c'est génial. Mais c'est un film bizarre. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup aimé. Encore ? Mais putain, mais arrête. Mais Sanosel a fait tous les films du monde sur les. Il s'est remis de sa crise cardiaque. Il est reparti pour une vingtaine de films. Pour son film avec Nicolas Cage. Ah, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Bref. Nicolas Cage va compter les secondes pendant 4 heures. Oh, moi, ça me va, hein. Nicolas Cage qui compte. J'achète. Pas moi. Non, en vrai, c'était un bon film. Je voulais demander, c'est quoi le message exactement? Enfin, c'est juste le message habituel sur le contrôle de la population. Oui, globalement, c'est ça. Réfléchit. C'est ça. Il y a un twist final que tu sens vraiment venir. Mm. Tu t'en doutes beaucoup, surtout quand t'as vu beaucoup de films dystopique de ce type-là, façon Soleil Vert, clairement. Mais c'est quand même bien amené. Parce que j'ai vu beaucoup de critiques en fait qui reprochent au film le fait que tu le sens venir et que surtout ça pompe beaucoup d'éléments d'autres films comme Soleil Vert. À partir du moment où ça le fait bien, je vais être moins critique sur quelqu'un qui va reprendre des éléments d'un autre film. Mm-hmm. J'aime pas cette idéologie que certaines critiques ont de dire que ah bah il fait comme celui-là donc c'est nul. Dans ce cas-là, en fait, tu ne regardes plus de cinéma. Oui, bah, là, en général, fonctionne par la roule-pompe. Hein. Voilà, globalement. Et à partir du moment où tu reprends des éléments d'autres œuvres, mais que tu le fais bien, c'est pas grave. Voilà. Parce que tu as d'autres questions. Non. Ça ne dure pas 4 heures, par contre. D'accord. Ça dure 2 heures. Bah, si je m'en regarde 2 fois... Il y a moyen d'en faire un bon film, selon ses standards. Si tu regardes en slow-mo, ça peut durer 4 heures. Ça peut durer 4 heures en slow-mo. On passe à la suite, là, ou pas? On passe à la suite. Donc, moi, je voulais juste te parler de Crazy Kung Fu. Ah! Ça ne dure pas 4 heures. Ça ne dure pas 4 heures. Ça bouge. La tête, il s'est dépité. Si regarder des films de 4 heures, ça me permet de ne pas avoir à discuter avec une bande de connards. Après, faut pas s'étonner non plus. Bah, tu nous parleras de court-métrage la prochaine fois. Ça veut dire des films de 2 heures? Dans les critères du Sam, oui. Le prochain, ça va être sur des films mais vraiment interminables. J'ai des films de 9 heures en stock, vous allez en chier. Rien que pour ça. Alors, donc, réalisation Stephen Chow, tac tac tac tac tac. C'est donc, partie du résumé, ça. Un film d'action comédie hongkongais fait en 2004 de 99 minutes. 7 ans après la rétrocession. Alors, donc, c'est un film qui suit plusieurs groupes de personnes. Donc, on suit un duo de losers, un gang qui s'appelle le gang DH, et un coin vraiment où ça... Disons qu'un coin un peu bidonville, où il y a un immeuble qui survit, on sait pas comment, qui tient debout, on sait pas comment, avec des habitants qui font leur vie le plus simplement possible, on va dire. Et il y a toute une histoire autour des arts martiaux et d'un élu qui existerait, qui maîtriserait tous les arts, même ceux perdus. Et dans le duo de losers, il y a un des deux losers, quand il était gamin, on lui a vendu un petit fascicule qui permettrait d'utiliser la paume ardente de Bouddha. Chose qui, en fait, on se rend compte que le fascicule, c'est une grosse arnaque, qu'il ne pourra jamais rien tirer. Et du coup, il a foiré sa vie à partir de là. C'est triste. Alors, c'est un film où il y a des scènes de combat qui sont vraiment très intéressantes. J'aime beaucoup l'esthétique globale, même dans les décors bidonvilles, où t'as vraiment cet immeuble qui est au milieu de rien. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait vraiment une zone où il n'y a aucune habitation, puis d'un seul coup, l'immeuble qui sort de sol à cet endroit-là. C'est complètement con. Mais j'aime beaucoup tout ça. Il y a vraiment des effets spéciaux qui sont assez intéressants, même au niveau des... Il y a un moment, par exemple, il y a même des assassins qui jouent un instrument Et à chaque fois qu'il gratte les cordes, il y a des épées qui volent, des épées spectrales, et puis à la fin, il balance carrément des armées de squelettes en armure, enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment burlesque, premier degré, oui, voilà. Et, et après, il y a des moments qui sont juste magnifiques, quelques moments émotions qui fonctionnent assez bien. Je sais pas quels sont les noms d'origine, mais il y a quand même un couple qui s'appelle Roméo et Juliette dedans. Ils sont un couple de personnes assez âgées qui s'en foutent plein la gueule. Hein ? Connaissant Stephen Chow, ça pourrait être le cas. Oui, c'est pas impossible que ce soit les noms VO. Ouais. Bah ouais. Mais du coup, oui, il y en a. Voilà, c'est la nana qui bat son mari parce que lui a tendance à draguer, à draguer ailleurs. On suit des losers magnifiques jusqu'à une explosion finale assez sympathique. Issa, tu l'as vu, toi ? Oui. Et toi, t'en as pensé quoi ? Moi, j'aime beaucoup. Globalement, c'est Stephen Chow que je préfère. Stephen Chow, c'est bien. Il a bien réalisé Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Ouais. Qui est son autre plus connu. Pour moi, Stephen Chow, c'est un réalisateur intéressant dans la mesure où il y a ce côté totalement délirant et très humoristique. Mmh. Que plusieurs ont essayé de repomper par la suite dans le cinéma hongkongais, mais pas toujours avec succès. Non. J'aime bien Badge of Fury avec Jet Li, ouais. Un peu dans le même délire. Mais sinon, voilà. En fait, c'est une sorte de. Enfin, on sent qu'il a beaucoup appris de la génération qu'il a précédée. Donc, il retrouve l'humour d'un Jackie Chan. Mmh. Il profite des effets spéciaux qui ont été. Aujourd'hui, ouais. Enfin, dont Sawyer qui a été le pionnier. Et il fait un mélange des deux pour créer des films d'action comique qui marchent super bien. Mais ce qui m'intéresse limite le plus chez Stephen Chow, c'est qu'en fait, quand il y a un retour au dramatique, il est souvent très brutal et on le voit pas venir. C'est-à-dire, il y a certains combats, justement, de Crazy Kung Fu qui commencent de manière plutôt comique et qui deviennent extrêmement brutaux, en fait, en milieu de combat, notamment dans mon souvenir, justement, ceux contre les deux musiciens. Je crois que c'est du Koto qui joue, enfin, je suis pas sûr. Et à un moment, le combat switch complètement et devient super brutal, toujours aussi beau. Mais il n'y a pas vraiment eu de changement dans la réalisation, c'est juste qu'il y a eu un glissement qu'on a à peine vu, et c'est assez caractéristique de ces films. Mmh. Ça. D'ailleurs, il y a juste en mise en bouche de leur arrivée, on voit l'ombre d'un chat qui saute, le bruit d'une corde, et on voit finalement l'ombre du chat qui se sépare en deux. Mmh. Donc on comprend effectivement leur pouvoir tout de suite. C'est, ils peuvent couper tout et n'importe quoi en jouant avec l'instrument. Il y a des moments dramatiques aussi dans Shaolin Soccer également. Il y a des morts dans Crazy Kung Fu. En fait, voilà, c'est-à-dire que la mort n'est pas éludée et tu sais que des personnages peuvent crever dedans très vite. Quoi. Tu dis, ah bon, bah, ok, ça fait partie du jeu. Donc du coup, ça ajoute de l'enjeu. C'est intéressant que tu soulèves le côté bon loser, parce que c'est aussi une pierre angulaire de son cinéma. Oui. Tous les personnages sont des losers. Shaolin Soccer, c'est pareil, c'est une équipe de gros losers. Et le film qui suit ces deux-là, avec le petit extraterrestre, là. Oui, je sais plus comment il s'appelle, celui-là. CP-17, quelque chose comme ça, c'est un tout petit titre. C'est pareil, c'est le personnage qui adopte la créature alien, c'est un putain de loser. Et ben, même The Mermaid, qu'il a fait plus récemment... Mais un truc qui m'a fait marrer, c'est Yelsen avec un lancer de couteau qui est complètement foiré. Où il a. Voilà, c'est-à-dire que le personnage principal parmi les deux losers, son acolyte est un peu con. C'est le gros bonnet voilà, qui est un peu con. Et il lui dit tiens, passe en avant et lance le couteau. Et donc il prend son élan, il lance le couteau et en fait il lance juste le manche. Et tu te rends compte que la lame est plantée dans le bras de l'épaule de l'autre. Qui fait « Ah, tu m'as fait mal. Attends, je vais te le retirer. Mais non, le retire pas. Ah, d'accord, je le remets. Ah !» C'est complètement stupide. Et voilà, en une seconde, t'as eu, tu te retrouves avec des quintes de rire, des fois, où tu t'as pas fini de digérer la première blague, t'as la deuxième et la troisième blague qui arrivent. Et j'ai trouvé ces rythmes assez bien foutus et assez efficaces. J'ai l'impression que c'est une approche, c'est peut-être le plus occidental des réalisateurs comiques hongkongais, parce qu'en fait c'est ce genre de truc de surabondance de blagues, c'est assez caractéristique de l'humour hongkongais, sauf que quand ils le font vraiment sans avoir en tête le fait d'éventuellement toucher un public plus large, c'est tout de même relativement super hardcore à subir. La comédie hongkongaise, c'est une expérience assez à part où t'as 36 000 gags dont la moitié sont en plus autour du caca et du vomi. C'est pareil pour la comédie coréenne. Ouais, ça a été asséné à une vitesse infernale, ça, c'est super hystérique. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça peut être brutal et Stephen Chow a l'avantage d'être plus abordable pour un public occidental, je pense. Non, sinon il y a aussi dedans un moment une parodie de Guerre des Gangs telle qu'on retrouve dans un film avec DiCaprio. Gang of New York. Oui, où on retrouve effectivement les deux gangs face à face, où là bah, le gang DH gagne, hein, mais bien efficacement. Ça permet de montrer la puissance du gang. Et effectivement, ils peuvent lancer leurs haches avec précision et quasiment ils les font revenir dans leurs mains. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Les gars sont déjà dans le surnaturel de base. Mmh. Je l'ai vu en français, de toute façon, hein, je n'ai pas vu en version originale, mais je pense que la version originale sous-titrée vaut le coup. Tu l'as vu comment, toi ? En VO. En VO. Et c'est bon ? Ah oui, c'est très bien. Voilà. C'est bien doublé, globalement. Ça va, le doublage, le VO est bien doublé. Non, le doublage, je l'avais pas trouvé dégueulasse. Il y a la VO. Le tout, sinon, il y a beaucoup de moments très cartoon. Bah, donc, oui, complètement, le cinéma de Stephen Chow, oui, c'est cartoon. Ouais. Ah, globalement, encore une fois, l'humour, l'humour hongkongais est cartoon. Ouais, mais lui, ça se voit qu'il a été biberonné à du Tex Avery. Oui. Clairement. Parce qu'il y a une poursuite Roadrunner, hein, quand même. Ouais. Il y a une poursuite Roadrunner avec glissade sous voiture. il faut le planer. Enfin, il y a tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de blagues pipi caca vomi. Non, il y en a un peu plus dans... Il y en a quelques-unes dans Shaolin Soccer. Mais un petit peu, pas énormément. Ouais. Mais là, non, c'est... beaucoup sur la connerie déjà des personnages en place. Hein. Et puis des fois des comiques de situation, genre par exemple tout un truc par rapport à une attaque combinée avec une cloche dans le film. Le setup se met en place, mais on ne comprend pas tout de suite ce qui va se passer. Mais non, j'ai très bonne expérience ce film. Et c'est l'un des films qui m'a... C'est le premier film qui m'a marqué... Alors c'est con parce que j'avais pas vu d'autres films hongkongais avant, donc c'est le premier film qui m'a marqué en cinéma hongkongais. Je me suis dit, merde, attends, comment on en arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Enfin, ça m'a intéressé à l'évolution du cinéma hongkongais pour en arriver là. Demande à Issam, il va te proposer des films qui durent 4 heures. Les gens se suicident à la fin. Le pire, c'est que si tu remontes effectivement aux bases du film de Kung Fu, tu tombes vite sur A Touch of Zen qui dure effectivement 3h30. Mais voilà. J'ai peur rien, moi. Et est-ce qu'il se suicide à la fin ? Je ne crois pas, mais ça fait longtemps que je le dis. Ah putain, notre cliché tombe à l'eau. Alors, sinon, juste pour préciser, c'est un film popcorn. Hein. Regardez l'œil des amis, Mario. Oh bah, tout Stephen voilà, Chow. Voilà, c'est Stephen Chow, popcorn. Ouais. Alors, Mermaid, par contre, c'est juste, j'ai vu, en faisant la petite recherche la dernière fois sur Stephen Chow et tout ça, ce film-là, un de vous l'a vu ou pas ? Mermaid, non, je l'ai pas vu. C'est beaucoup moins feel-good que ce qu'il n'y paraît. D'accord. C'est... Ouais, il y a des trucs assez glauques aussi dans Mermaid, dans mon souvenir. Il y a quand même des trucs marrants. Ah oui, ça reste une comédie, mais on sent en dessous qu'il y a d'autres trucs. Ça fait partie de ces réels hongkongais qui sont bien distribués en France. Ouais, enfin, Mermaid, il n'y a même pas de DVD français. Il faut prendre le DVD hongkongais pour avoir une chance de le voir dans des conditions. Ça viendra peut-être, les autres sont sortis. Ça commence à être vieux. Ces films récents sont mal arrivés, hein, que ce soit Mermaid ou après il a fait aussi une adaptation du Voyage vers l'Ouest qui n'est pas arrivé chez nous. La suite, il l'a scénarisé, c'est de Sawyer qui l'a réalisé, c'est pas arrivé chez nous. Alors qu'il y a d'autres Sawyer qui nous sont parvenus depuis. Une zone de fou dernièrement. Bizarre. On attend que tu crées une maison d'édition de DVD. Ça. Et moi j'ai envie de récupérer HK Vidéo, hein, c'est eux qui sortaient les Stephen Chow. C'est eux dont il faudrait le retour. Et ils ont été repris par Metropolitan, donc tu peux pas les racheter tout de suite. Oui, c'est pas faux. Mais ils sont un peu moins actifs depuis qu'ils ont été repris, hélas. En plus, il y a un film hongkongais que j'aimerais rééditer si je pouvais, pour ceux que je l'ai pas vu. C'est School on Fire de Ringo Lam. Qui est, paraît-il, son chef-d'œuvre, mais j'ai jamais réussi à le voir. Ah. C'est comme ça que le mec il crée une boîte d'édition pour sortir que des trucs qu'il a jamais vus. même Ebola Syndrome, ça doit être génial comme film. Film hongkongais sur un psychopathe qui chope Ebola en Afrique, qui revient à Hong Kong et son but, c'est de répandre Ebola. Le concept est fabuleux. Il y a vraiment que eux pour faire des films comme ça. Oui. Parce que c'est génial. Même aux States, ça passe pas. Le film est pas tellement passé là-bas. Hein. Je crois qu'il a été plus ou moins... Non, mais je veux dire, un scénariste US, enfin, requin qui a cette idée-là, oui. Il la propose à Hollywood, il fait oui, c'est ça. Mais de toute façon, je suis pas sûre qu'à Hollywood il y ait tellement de scénarios qui puissent passer tranquille, pépouze. Ils sont quand même. Les Américains, ils sont très. Hypocrites, tu vois. Ils sont du genre à te vendre de la bière, mais il faut que tu le caches dans un papier craft. Ils sont du genre, il faut pas que tu. Tu couches avant le mariage, mais genre. C'est les plus gros producteurs de pornographie. Ouais, voilà, tu vois. Enfin. Donc je sais pas s'ils sont si ouverts que ça à des scénarios extraordinairement. Fous. C'est bon. Bah, c'est vrai que j'ai envie de te dire, c'est pour ça que les réalisateurs provocateurs tournent dans leur coin ou arrêtent carrément de tourner. Ah, non, bien sûr. Ils vont dans d'autres pays. Ou dans d'autres pays. Ouais, dans d'autres pays, ouais. C'est dommage parce que le système allemand s'est pété la gueule au niveau des financements des films. On sait à cause de qui. Parce que ça aurait permis effectivement beaucoup de choses. Le problème d'Hollywood, c'est que bah, y a que Hollywood qui dirige tout. Ouais. Voilà. Malheureusement, ils ont tendance à broyer un petit peu les nouveaux arrivants. Après, la plupart des pays ont un centre cinématographique qui contrôle tout. Hein. Ce serait marrant qu'il y ait plein de réalisateurs qui se cassent à Bollywood pour réinventer le cinéma, vu qu'il y a déjà la structure. Ah bah ouais, c'est pas en France qu'il faudra inventer. C'est bien rigoureux aussi quand même, Bollywood. Ouais. Hein. Ça paraît foufou vu de chez nous, mais c'est pas tant que ça, en vrai, le cinéma indien. C'est très strict. Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est extrêmement codifié déjà. Ouais. C'est extrêmement codifié au niveau de la relation au sexe et à tout ça, c'est... J'ai vu beaucoup de films bollywoodiens de comédie romantique, j'ai jamais vu un seul baiser par exemple. Mmh. Et puis peut-être au niveau de l'image de l'homme et l'image de la femme, ouais, peut-être même, aussi. Oui, et même pas que ça, même au niveau de l'apparence. Mmh. Très souvent, les acteurs de Bollywood sont des Indiens à la peau très claire. C'est pas les Indiens qui ont la peau foncée qui jouent dedans, quoi. Ouais, ouais c'est même vrai. Ça, quoi. C'est un petit peu le cinéma de la discrimination quand même. Mais est-ce que c'est pas parce que ils ont un cinéma jeune aussi qu'il faut que... C'est pas jeune, hein, le cinéma bollywoodien. Ouais, c'est vieux. Ouais, l'année 50, il était déjà bien en forme. Ok, ouais. D'accord. Je pensais que c'était arrivé plus dans les années 80-90, tu vois. C'est là où ils avaient commencé à avoir beaucoup de budget et commencé à faire beaucoup de productions. Alors, vraiment... 80-90, c'est plutôt vers ces eaux-là où ça a commencé à parvenir chez nous, surtout. Ouais, ouais, je dirais 90, c'est tout ce qui est Yagenje et compagnie qui ont permis l'accès. Par contre, dès qu'ils ont commencé à foutre des images de synthèse dans les films, il y a des trucs qui sont magnifiques. Enfin, en plus, le cinéma indien, de toute façon, c'est un zoukinoma, parce qu'en vrai, c'est 2000 films produits par an. Et Bollywood, ça représente 300 de ces films environ. C'est-à-dire, il y a 21 centres différents de cinéma en Inde, chacun dans une langue différente. D'accord. Okay. Et il y a des pays qui produisent tout autant et qu'on n'a même pas, on a quasiment rien de chez eux, quoi. Bah, ne serait-ce que Tollywood, le cinéma Telugu, ça nous parle très mal. Alors le cinéma nigérien aussi, qui produit énormément tous les ans. Ouais. Et nous, mais ça, pour le coup, ce que j'en ai vu... C'est pas très bon, mais... Culturellement, on va dire que c'est... Ah, il commence à avoir des productions très très occidentales. Oui. Pas beaucoup, mais il commence. Justement, j'ai vu à un moment un film de super-héros fait à Bollywood avec des acteurs qui ont l'air d'acteurs, enfin qui ont vraiment le physique d'acteurs américains pour les personnages principaux. J'ai pas trop compris pourquoi. Certes, j'ai l'impression de regarder Man of Steel, mais en version Bollywood. Avec des chansons. Avec les décors qui partaient plus en couille encore. Ouais, mais ça, la vie, que les films durent 2h30, 3h, c'est normal que tout soit interminable. C'est cohérent. Ah non, mais je veux dire, t'avais une surenchère d'explosion, de destruction d'immeubles, ouais. D'envoi dans le décor. Enfin, je veux dire, mais quand est-ce que ça s'arrête? C'est pas les mêmes connes. Ça, je suis prêt à l'admettre, en fait. Mais ça m'a fait rire, et j'ai trouvé ça sympa, parce que justement, c'était en même temps une comédie, ce film-là. Mm-hmm. Donc, comédie où c'est vraiment de la surenchère, j'ai l'impression presque que c'était une parodie de Man of Steel. Cinéma nigérien, ce qui le rend plus difficile d'accès, c'est le fait qu'il veut être... enfin, il veut se la jouer occidentale, gros budget, mais visiblement, enfin, il doit avoir mon salaire mensuel, quoi, comme budget. Comme tu y vas. C'est quand même mieux que les parties fiction de l'archiviste. Ouais, quand même. C'est du même niveau, c'est dire la merde. Est-ce que tu as terminé avec Crazy Kung Fu? Oui, Crazy Kung Fu. J'ai fini. Nice. Parle-nous de ton dernier film, Arthur. Oui, alors comment faire plus consensuel? C'est Us de Jordan Peele. Ah, enfin du sang et des boyaux. Oui, mais toujours de la comédie, ça change pas trop. Donc réalisateur de Get Out, sorti en 2017, qui avait fait beaucoup de bruit. Qui est également Jordan Peele, alors investi à je sais pas trop quel niveau, je crois plus au niveau de la production dans des productions télévisuelles et dans de la série et globalement plutôt axé comédie, qui est aussi acteur etc, mais donc qui a un rapport assez ancien avec le cinéma de comédie, c'est plutôt l'horreur qui est nouveau chez lui, même si c'est ça qui l'a fait percer. Et je trouve vraiment déjà que bon, enfin, j'y viendrai après, mais l'aspect comédie est encore plus présent que dans son dernier long métrage, dans celui-ci. Donc c'est un film américain d'1h55. L'histoire, c'est celle de Gabe... Ça fait un demi au Brighter Summer Day, je la fais tout de suite, comme ça. C'est vrai, Marc. Donc... Mais c'est moins chiant. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, t'as vu l'un des deux? Non. Voilà. Donc c'est l'histoire de Gabe et Adélaïde, jouées par Winston Duke et Lupita Nyong'o, j'espère que je prononce bien. Donc sachant que le premier a joué dans Black Panther, un film notable, et la seconde a joué dans Star Wars et dans Black Panther, donc ce sont des acteurs qui se sont déjà croisés. Donc ce couple avec leur fils et leur fille vont à leur maison de vacances où ils retrouvent des amis, avec notamment Elisabeth Moss, qui est donc l'actrice qui joue notamment en ce moment dans La Servante Écarlate. Et très vite, ils sont rejoints par leurs doppelgangers, leur double maléfique, qui vont s'en prendre à eux dans des circonstances un peu étranges et horrifiques. Globalement, je trouve que le film présente une alchimie très réussie entre des moments d'angoisse et de comédie. Mais en même temps, c'est des moments qui arrivent à être à la fois angoissants et à la fois comiques, avec toujours l'angoisse qui est à la fois qui va jusqu'au bout du sentiment qu'elle veut provoquer et qui en même temps est désamorcée par le jeu des acteurs ou par la musique ou par le montage, enfin différents éléments qui viennent apporter un peu de second degré au film. Pour le coup, je trouve que la lecture politique dessert un peu le film, ce qui n'était pas du tout le cas avec son précédent et qui est un peu dommage. Parce que c'est beaucoup plus nébuleux et beaucoup plus ambigu que son précédent film, et du coup ça rend le tout un peu maladroit, je trouve. Alors pour le coup, c'est pas moi qui essaye de politiser le film, hein. Vraiment, il se revendique comme étant un film qui parle du rapport à l'immigration, à l'étranger. D'un côté, ceux qui sont présentés, alors j'en révèle pas trop sur le film qui met un peu de temps à se mettre en place, on découvre assez vite que c'est assez ambitieux au niveau du scénario. Et notamment on en apprend beaucoup sur l'origine de ces doubles, ce qui n'était pas une nécessité, je pense qu'on aurait pu faire sans, et que c'est d'ailleurs peut-être même une erreur d'avoir voulu trop tout expliciter. Et donc finalement, ceux qu'on nous présente comme étant finalement les immigrés, et qui sont les méchants pendant tout le film, n'ont pas de rédemption sur le plan politique, et restent quand même dans un rapport relativement ambigu. Enfin, ceux qui font peur, ce sont eux, et ce sont eux jusqu'à la fin en fait. Même bah si... oui, c'est normal. Mais voilà, et... c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. Mais je pense pas que ce soit totalement voulu. Et d'ailleurs, il y a un plot. Non, brûlé Notre-Dame. Oh non. Il y a un plot. T'es fier de toi, connard. Mais c'était pas les gilets jaunes, ça. Mais c'est la même chose. C'est les islamo-gauchistes. Gauchias. Oui. Hein, ça suffit maintenant. Je crois que c'est extrême. La France de Zemmour, c'est pas celle-là, d'accord. Il faut s'intégrer. Oh, ça suffit. Donc, il y a malgré tout une tentative de plot... Enfin, un plot twist qui est là, qui est réussi, qui concerne un des personnages, qui pourrait essayer d'apporter un peu de nuance à ça, mais je trouve quand même que c'est relativement ambigu là-dessus et que ça aurait mérité soit de ne pas exister et que le film aurait, à mon avis, pu se passer d'une lecture politique aussi premier degré, ou alors ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus clair, un peu plus explicité, parce que là, je trouve qu'un des points noirs, c'est justement cette ambiguïté au niveau du propos, qui, à mon avis, n'est pas volontaire. La BO est plutôt vraiment vraiment bonne, avec un thème principal qui est un remix de I Got Five On It de Luniz, donc ça s'inscrit vraiment dans un héritage rap avec une culture afro-américaine très mise en avant et toujours très revendiquée. Alors pour le coup, j'ai pas vu le film, mais j'ai écouté la BO et je l'ai trouvé plutôt médiocre. Avec le film, ça fonctionne très bien parce que justement, ça vient désamorcer un... Enfin, y a un ouais, côté... mais je parle pas de ce morceau qui est pour le coup pas composé exprès par BO, basse. Oui, oui, non, mais je l'ai écouté aussi. Et il y a un côté un peu presque cartoon, un côté qui veut faire peur, mais qui veut faire peur presque enfantin, je trouve. Ouais, j'ai l'impression que c'était surtout la BO de Get Out était un peu pareil, il reprend exactement les mêmes codes. Moi, j'ai bien aimé. Pas bien c'était déjà pas bien fabuleux dans Get Out, et là je trouve vraiment que ça tourne à la routine en fait. Mais je trouve justement qu'elle se démarque parce qu'elle est pas juste en bruit de fond, et que vraiment elle participe à un décalage en fait entre ce qui peut être très horrifique et avec une dimension un peu extravagante, un petit peu outrée, un petit peu comique. Enfin, moi je trouve vraiment que ça fonctionne bien avec le film et qu'il n'y a aucun moment où la BO m'a dérangé. Peut-être dans le film, mais c'est vrai qu'en dehors je l'ai trouvé assez mal composé. Quoi. Celle de Get Out m'avait un peu plus dérangé à certains moments, mais là j'ai pas du tout eu ça, j'ai même eu l'impression que ça fonctionnait vraiment bien. Notamment, alors il y a une scène, sans en dire trop, mais en fait sans contexte on comprend pas, il y a une scène de danse qui fonctionne très bien avec la musique, et même le tout premier plan du film qui est en fait un générique fonctionne bien. Les acteurs et actrices sont incroyables, surtout l'actrice principale. Moi aussi j'avais un problème entre guillemets avec Get Out, que j'avais quand même beaucoup aimé, mais où je trouvais que la réalisation était un peu plate et un peu presque télévisuelle, avec assez peu de parti pris. Là je trouve qu'il y en a beaucoup plus, qu'il y a notamment une photographie qui est super et qui justement encore s'inscrit dans une dynamique de cartoon, avec des moments où c'est très coloré, avec des plans avec des expressions très prononcées. Donc voilà, enfin moi je trouve encore une fois que c'est un film qui brille par un certain équilibre assez peu attendu entre l'horrifique et le comique, et c'est un film qui m'a autant fait peur qu'il m'a fait rire, et qu'à aucun moment la comédie court-circuite l'horrifique et inversement. Bon après oui, enfin vraiment alors c'est captivant, c'est un film qui nous surprend et qui peut-être justement aurait mérité d'avoir un petit peu moins d'ambition, que je trouve assez mal contrôlée au niveau du scénario. Voilà, bon, et puis il y a une scène qui est censée être comique de torture du personnage de celle qui joue l'héroïne de La Servante Écarlate, j'ai oublié le nom de l'actrice, Elizabeth Moss, qui décidément est une actrice qu'on choisit beaucoup pour la voir souffrir à l'écran, sa souffrance passe bien à l'écran. Moi ça, déjà, c'est ce qui m'a fait lâcher la série La Servante Écarlate, qui sombre du féminisme à un espèce de torture porn dégueulasse. Et là, encore une fois, c'est la seule vraiment qu'on voit mourir lentement, ramper au sol, et avec un espèce de rebondissement comique sur sa mort. Bon, enfin, qui, moi, faire du comique sur la souffrance, ça me déplaît assez. Et je trouve que tout le reste du film arrive à faire rire sans être à faire rire directement de la souffrance des personnages. Donc je trouvais que ce moment était un peu moins réussi, mais voilà, c'était un peu mon seul bémol. Sinon, j'ai très envie de le revoir. Peut-être que ça élucidera mes doutes vis-à-vis du propos. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un film qui marche très bien. Des remarques? Vu que personne ne l'a vu autour de la table, non. Oui, mais vous en avez à faire sur les films des sables. Enfin, le relatif échec à faire passer un message qui marche, je croyais que c'était aussi le cas dans Get Out, c'était un peu mon souci à terme. Moi, je trouvais pas trop. Alors, je vais essayer de le dire sans spoiler. Oui, sauf qu'on n'a pas réussi à ne pas spoiler. Alors, si vous n'avez pas vu Get Out, sautez directement à 3h10:45. Mais pour moi, Get Out a un gros problème avec un de ses choix à la fin sur le fait qu'un personnage soit méchant, en fait. Non, moi, justement, ça me plaisait. Parce que... Alors, sans trop en dire encore une fois, ben, je trouve que c'est un message antiraciste assez engagé qui va contre les couples mixtes, en fait, de dire que les couples mixtes, c'est aussi de s'attaquer à la structure familiale noire, et que c'est aussi un message qui est porté, et que bon, alors peut-être que là j'extrapole un peu, mais justement de créer quelque chose qui vient casser le couple mixte du film, et de montrer qu'en fait le couple mixte a aussi ses aspects pervers, ouais. Venant d'une personne noire, moi je trouvais que c'était... relativement bien, et que justement ça a évité d'être aussi... Je pense que le film aurait été beaucoup plus consensuel si jamais il n'avait pas fait ce parti pris. Alors moi justement non, parce qu'en fait le fait qu'il y ait cet événement-là, je trouve que ça neutralise tout le message que ça aurait pu faire passer sur... En fait du coup ça devient un film qui ne traite que du racisme actif. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout l'aspect ouais. du racisme systémique qui aurait été complètement là si... le personnage dont on parle avait fait son mal, mais involontairement, en étant elle aussi hypnotisée, tant pis, ça spoil un peu. Mais si elle avait été aussi elle hypnotisée, en fait, elle lui aurait fait du mal en voulant faire le bien. Et pour moi, ça aurait fait passer un message vachement intéressant sur l'aspect systémique du racisme et sur le fait que finalement, des fois, même en étant plein de bonnes intentions, on finit par faire le mal des personnes parce qu'on est inscrit dans un système qui nous a codé. Ça aurait été intéressant. Et du coup, aussi, là, je trouve qu'on n'a pas du tout ce message-là et on se retrouve avec un personnage méchant et qui n'est pas crédible en plus parce que. Mais je trouve que ça apporte un autre message. En fait, elle joue trop bien. Oui. Elle le joue trop bien. T'as l'impression, limite, que l'actrice n'était pas au courant de ce que serait son personnage par la suite. Enfin, en même temps, dans la réalité, ce serait possible que quelqu'un joue aussi bien, j'imagine, mais en tant que spectateur, ça a quelque chose de frustrant de se dire que vraiment, il n'y avait rien qui pouvait nous prévenir de ça. Oui. T'as vraiment l'impression, limite, que le réalisateur a un peu menti. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui prévenait. Enfin, on voit qu'elle l'éloigne volontairement quand, par exemple, il y a la scène de la tombola. On voit qu'elle l'éloigne volontairement à ce moment-là. Donc on sait qu'elle sait ce qui se passe. Enfin, on peut a posteriori devenir a posteriori, ouais, mais... Mais forcément, faut pas gâcher le... tout de suite, on sait. Ouais. Mais on alors... gâche le twist, quoi. Ça aurait été intéressant que ça se passe comme tu le proposes, mais en même temps, je trouve que le parti pris de la rendre aussi complice au premier degré... Surtout que franchement, je trouve qu'elle joue le changement de personnalité à peu près comme Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Je trouvais qu'elle le jouait très bien. C'est vraiment un plan, elle est adorable. Le plan d'après, elle est limite elle est en train de pisser sur le mec à terre. Quoi. Oui, mais bon, moi je trouvais ça. Je crois voir ce qu'il voulait faire à cet endroit-là et je crois que c'est aussi intéressant. Après, je pense que ce que tu disais aurait aussi été intéressant, mais peut-être justement plus consensuel. Là, peut-être qu'il y avait une attaque plus directe à quelque chose de moins dénoncé généralement, quoi. Mais ça aurait pu être intéressant, si c'était dans le même plan. Comme l'attaque manque de finesse, finalement, je trouve qu'elle est presque contre-productive, au final. Après, je trouve que sa réalisation, globalement, manque de finesse, mais je trouvais pas son propos dans le premier. Enfin, je trouve sa réalisation assez fine pendant la première heure 20, enfin pendant la première heure. Après, c'est la première heure 20. Non, pendant la première heure. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a où tout le plot twist est dévoilé, ça devient plus consensuel. Oui, la première heure est très bien réalisée. Ouais, non, c'est plus la fin que je trouvais. Mais non, moi je trouve que le premier film au niveau du message était très abouti et passait bien. Et là, justement, je trouve que je suis beaucoup plus en accord avec sa réalisation, mais un peu moins avec, l'envergure politique du film. Mais qui, à mon avis, ne part pas du tout d'un mauvais sentiment et d'une... Je sais pas, peut-être qu'au revisionnage, ça me dérangerait moins. Je verrais d'autres éléments, parce qu'il y a quand même un double plot twist qui fait que ça mériterait quand même de revoir le film. Je le verrai quand il sort. Oui, moi aussi, curieux quand même. Ayant beaucoup aimé Get Out... Moi je le reverrai en VO parce que j'ai envie de voir la performance des acteurs en VO. Parce que la VF est vraiment nulle, hein. Par contre, véritablement, véritablement très très très très très mauvaise. C'est la fin des spoils, youpi youpi youpi. Il est temps de faire une petite parenthèse finale cette émission. Oui. On va parler série télé, série télé avec Arthur. Oui. On va parler Star Trek Discovery. Yes. Et quelle est la meilleure série de science-fiction actuelle? Peut-être. Enfin, j'en ai pas regardé assez. C'est pour ça que tu réagis comme ça. Alors, Star Trek Discovery s'inscrit chronologiquement comme étant la première série Star Trek, puisque ça se passe avant toutes les autres. Donc déjà, on esquive la question du « Est-ce que je peux regarder si je connais pas l'univers Star Trek ?» comme Arthur m'a posé la question, par exemple. Moi, je n'ai jamais rien vu de Star Trek. Et tu confirmes que tu peux très bien regarder sans avoir vu d'autres séries Star Trek. Mais enfin, peut-être qu'il faut quand même savoir qui sont certains personnages, genre Christopher Pike, Spock et tout ça, qui interviennent plus tard dans le récit. Oui, après, je pense que le commun des mortels connaît Spock. Oui, mais Christopher Pike, non. Peut-être juste à savoir que c'était un ancien... Oui, mais ça tu le sais pas, genre moi... C'est chef du Discovery, quoi. Du Discovery de l'Enterprise. Ouais, mais ça, moi, je l'ai appris en cours de saison, tu vois, genre après qu'il apparaisse, donc j'ai pas... Enfin bon... Qui apparaît dans la saison 2, en plus. Mais oui, puis en même temps, c'est pas important de le savoir. J'imagine un encart comme on tourne dans certains mangas. C'est lui le chef. Le chef. Non, mais voilà, enfin... Oui, ben je te laisse résumer. Tu suis tout simplement l'équipage du Discovery, qui... a pour mission d'explorer la galaxie et surtout d'empêcher le bottage de cul des Klingons par le reste de l'humanité, parce qu'il y a une guerre qui se produit entre les Klingons et le reste, alors pas de l'humanité, le reste de l'univers en fait, puisqu'il y a la force Starfleet qui a réussi à faire en sorte que tout le monde s'aime, sauf les Klingons, parce que c'est des connards. Faut bien un ennemi. Hein. Faut bien un ennemi commun. Quoi. Ça ouvre sur un des seuls problèmes que j'ai, mais ça doit pas être propre à la série, je crois que c'est l'univers et que ça doit s'expliquer par son contexte de création, mais je trouve que c'est extrêmement nationaliste et America Go, quoi, parce que quand... Star Trek Alors, peut-être que c'est juste Discovery, j'en sais rien, mais quand on imagine que Starfleet, c'est l'Amérique et un peu l'Europe, enfin que c'est en gros le monde globalisé, il y a une espèce de condescendance vis-à-vis des autres peuples, de c'est nous qui gérons, nous sommes la force de la paix, nous sommes la force de l'union, les Klingons sont des barbares, et ça, d'ailleurs, c'est jamais vraiment dénoncé, parce qu'en effet, ce sont des barbares. Quand même, bon, il y en a une qui vaguement après n'est plus barbare, mais bon, qui a quand même violé, enfin qui a fait des trucs horribles avant. Donc, bon, moi je trouve quand même que quand on applique un parallèle avec notre monde, et je pense qu'il faut le faire parce que clairement ça se présente comme ça, quoi. Starfleet, c'est ça, c'est le libéralisme et tout ça. C'est un peu. Mais c'est vraiment le seul gros problème que. Enfin, même pas gros d'ailleurs, parce que vraiment c'est ponctuellement, il y a vraiment des touches de ça et d'un côté aussi un peu militariste. Un peu dérangeant, mais disons que c'est un peu propre aussi au récit du genre et que. Mais il est présent dans toutes les œuvres de science-fiction. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est propre au genre et que, entre guillemets, la série peut rien. Mais peut-être que ça aurait mérité plus de mise en cause de Starfleet. Il y en a un peu dans la saison 2 avec la section 31 et en même temps on nous fait comprendre que c'est nécessaire. Enfin bon, donc. Moi, c'est un truc qui me dérange un peu. Après c'est vraiment mineur. Vraiment, après, c'est plus pas... présent dans Discovery. Peut-être, je n'en sais rien, c'est la seule truc que j'ai vu. C'était pas le cas de l'univers Star Trek. D'accord. Juste au niveau de l'univers Star Trek, c'est le premier baiser dans une série entre un noir et un blanc. Quand ils étaient en guerre, encore sous les restantes guerres froides au niveau des esprits, et ben l'un des personnages principaux était issu asiatique, il y avait plein de trucs comme ça où ils ont fait des avancées monstrueuses dès le début. Mais je sais, mais et là ça n'empêche pas que le problème est là. Ah oui, non, c'était juste par rapport à. En gros, l'historicité. Si l'humain a pu avancer, ça c'est dès le début, c'est parce qu'ils ont réussi à se débarrasser de l'argent, à faire que les religions ne se battent plus entre elles et à se débarrasser du racisme. Mmh. En disant, s'il y avait un de ces éléments qui déconnait, en gros l'Enterprise n'aurait pas pu se faire. Mais alors, s'ils n'ont plus le racisme, les religions et l'argent, il leur reste quoi pour s'amuser? Le sexe. Mais alors justement, le racisme, il n'y en a plus entre êtres humains, ou en tout cas pas spécifiquement. Par contre, il y en a beaucoup entre espèces quand même, notamment Saru qui représente beaucoup ça, où il n'y a pas trop de grades, enfin voilà. Donc la question du racisme est présente. Alors d'ailleurs, moi ça m'a un peu questionné, enfin c'est sans doute pas du tout volontaire, hein. Là pour le coup vraiment c'est... Mais les quelques remarques racistes entre espèces qu'il y a dans la fiction sont faites par des personnages racisés. C'est sans doute pas volontaire, mais c'est un peu maladroit, quoi. C'est Michael, Philippa et la docteur qui est une femme noire aussi. Vu que je l'ai vu deux fois la série, j'ai pu faire plus attention à ce genre de détails. Et c'est vrai que les trois moments où il y a du racisme qui est montré, c'est fait par des personnes noires ou asiatiques. Bon, c'est un peu maladroit, c'est sans doute pas fait exprès. Est-ce que c'est envers une race extraterrestre? Oui, évidemment. Bah, dans ce cas-là, c'est un peu ce qu'on retrouve avec District 9, où à un moment, il y a un plan sur un personnage, qui est en fait un personnage vraiment juste quelqu'un qui parle à la télé, et on voit le mec bien blague qui dit « Mais ces gens-là, ils sont différents de nous, ils sont pas comme nous, machin, nanana », et en fait, il sort un discours extrêmement raciste de plus d'une minute, où tu te sens mal, quoi, tu dis « Bon, là, c'est pas... » C'est pas lourd comme ça, là, c'est juste une petite remarque où on leur fait remarquer derrière. Mais c'était bien foutu dans District 9 parce que finalement, le fait que. Enfin, ça faisait une rupture, c'était vraiment. Ils étaient considérés comme autre chose qu'humains, donc vraiment pas d'importance. Vite fait, pour les religions, ce qui me dérange aussi, c'est qu'elles sont pas chacune de leur côté et elles s'entendent bien. C'est que, notamment, on voit dans la saison 2 qu'il y a une espèce de confusion des religions avec une espèce de. Ouais, un mix. Ouais, une espèce de confusion des religions, qu'il n'y a plus de culture propre, mais justement que tout a été avalé au sein d'une même soupe. Et justement, ça fait encore une fois un peu libéralisme américain, on mélange tout et on anéantit un peu les subcultures. Enfin, bon, c'est aussi un truc vaguement dérangeant, mais vraiment, c'est toutes petites incursions qui me dérangent un petit peu. Après, c'est un truc commun à la religion, à la science-fiction du monde entier. Hein, ouais, mais bon, donc c'est un peu dérangeant, mais c'est vraiment juste ces petits éléments. Par contre, après, vraiment, je trouve que la série est vraiment géniale sur pas mal d'autres éléments. Et je trouve notamment qu'elle est très humaine et portée par énormément de personnages extrêmement touchants. Enfin, tous quasiment. Moi, j'aime pas Ash, mais je le trouve insupportable. Ash, c'est le gars de Burnham. Ah oui, Non, lui, c'est le seul que j'apprécie. Il y a un putain de plot twist, super intéressant avec lui. Mais... Ouais. Non, mais il est bien construit, mais je l'apprécie pas. Mais vraiment, ouais, il y a... Et alors, un autre élément, moi, qui me plaît beaucoup, qui justement m'a été permis de voir par le fait que j'ai vu la série deux fois et que du coup, voilà, toutes les storylines au sein des épisodes se répondent entre elles et la conclusion d'une d'entre elles apporte une réponse à une autre et fait avancer les autres et fait avancer les autres et on a du coup les problèmes des personnages trouvent une résolution au sein de problématiques d'autres personnages et du coup ça crée vraiment une cohésion entre eux et un esprit d'unité entre eux. Les personnages se font grandir les uns les personnages se font grandir les uns les autres et ça porte des réponses les uns les autres et je trouve vraiment très très touchant et très très réussi à ce niveau là. C'est ce qui les rend attachants. C'est ce qui les rend attachants, c'est vraiment d'une justesse de ton constante. C'est super émouvant à plein de moments. D'ailleurs, il y a plein de moments où c'est un peu dégueulasse parce qu'on me fait croire qu'il va arriver le pire à certains personnages et finalement, plot twist, non. Ça, c'est un truc qui arrive au moins 4-5 fois. C'est une série qui arrive à te faire chialer en te faisant penser qu'un personnage va mourir. Va mourir. Et en fait tu commences à chialer et après, tu chiales parce qu'en fait, il survit. Mais c'est ça. tu double chiales. Mais c'est ça. Enfin, c'est voilà, vraiment. Enfin, sans que ce soit vraiment fait juste par mais c'est fait de bonne manière c'est fait de bonne manière parce que le fait que le personnage survive apporte toujours quelque chose à la construction du personnage notamment pour certains dans la saison 2 je n'en dis pas trop mais il y a des personnages qui évoluent de manière vraiment assez incroyable dans la deuxième saison Alors moi j'ai une question majeure, est-ce que on entend au moins une blague Vulcain? Non. Pas pour l'instant. Ah. Mais t'entends du Vulcain, oui. T'entends du Vulcain, oui. Forcément. Parce que l'humour Vulcain, moi j'aimerais connaître. Non, vraiment, je pense que la série a pleinement conscience que son point fort c'est ses personnages et qu'elle en joue vraiment bien. Qu'il y a vraiment un vrai lien qui se crée avec eux, qu'on a tous notre préféré et que vraiment c'est ça qui motive que chaque semaine on a envie de voir le nouvel épisode, quoi. De retrouver ces personnages et qu'ils fonctionnent vraiment, vraiment bien ensemble. La réalisation est incroyable aussi. T'as des plans qui sont incroyables. Il y a des grands travelling aussi qui sont vraiment top. Il y a un plan de saison 1 où t'as un personnage qui admire la Voie Lactée, t'as un gros plan sur son œil qui reflète la Voie Lactée. Ce plan là il est incroyable. Il y a certains. Ils ont repompé ça à la fin des Gardiens de la Galaxie 2. Ah! Je pense que le coup du... Quelle bouse ce film! Mais tais-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle a dit quoi? Je voulais pas te faire redémarrer. Le coup du roseau qui est déjà dans l'œil, c'est relativement... Non mais enfin voilà... La saison 2 vient de se terminer avec 14 épisodes. Ah ouais? Elle s'est terminée? Bon j'ai un peu de retard mais... C'est déjà renouvelé pour une saison 3. Oui, et pour un spin-off sur Philippa Giorgio. Giorgio, donc le personnage de... L'ex-capitaine de... Merde, comment ça s'appelle? Michael Burnham? Non, l'actrice. Ah... C'est Michel Rodriguez qui a un personnage incroyable. Qui a un personnage qui évolue d'une certaine manière, dire, mais qui a presque une double personnalité, du coup, on peut pas trop en révéler, mais sur la seconde saison. Elle a un petit rôle dans la première saison, mais elle a un rôle récurrent. Elle a un rôle et ça fait plaisir. Principal. Ouais. Et que je trouve extrêmement presque surjoué dans un côté un peu badass, mais qui fonctionne vraiment bien, qui est vraiment drôle. Michel Yeoh, elle est badass. Ouais, elle est badass. Ouais. Mais tous les personnages féminins le sont. Ah oui, et alors justement, je pense que la série rend assez ouvertement hommage à justement le fait que Star Trek, de ce que j'ai compris, ça a toujours été relativement progressiste, enfin, ça s'est toujours voulu relativement ouvert. Il y a beaucoup de personnages féminins, il y a des personnages LGBT, il y a beaucoup de personnages racisés aussi. Ouais. À tous les niveaux, dans les postes de commandement, partout. D'ailleurs, l'héroïne est une femme noire. Bon, même si elle est light skin, comme à peu près. Non, il y en a une. Il y a Owosekun, elle est dark skin, donc bon, ça va pour une fois. Il y a un peu de représentation. Bien, j'apprends des termes. Cet anglicisme de partout, c'est. Disons que souvent, quand on. Ça, met... c'est du parler de Jones. Mais oui, mais on a pas d'équivalent en français, donc il faut. Ah, faut clair. Et c'est clairement pas. Foncé, et c'est clairement pas un homme blanc dans créer, hein, tu vois. Donc. T'as trop un équivalent, hein. Bon, enfin, c'est la traduction littérale, oui. C'est pas un équivalent. D'accord. Elle, donc. Mais oui, comme beaucoup d'actrices. Mais comme beaucoup d'actrices noires, enfin, comme beaucoup d'acteurs noirs qu'on met en avant, en général, c'est plutôt des peaux claires. Bah, c'est comme ce que tu disais sur le cinéma de Bollywood, quoi. Sauf Idriss Elba. Oui, enfin, évidemment qu'il y a des exceptions. Mais très souvent, c'est les hommes qui, ont des peaux plus foncées. Oui. Les femmes, elles, trop souvent, ont la peau claire. Bref, donc, à ce niveau-là, c'est très bien. Les personnages sont à certains égards relativement stéréotypés pour certains. Et en même temps, je les trouve vraiment. Enfin, Tilly, par exemple, la trouve super touchante. Elle est trop mignonne, parfaite. elle est incroyable. Enfin, vraiment, c'est génial, ce personnage. Elle est trop bien. Par moments, il y a un côté un peu justement lyrique dans l'écriture de certains monologues qui ouvrent et qui concluent les épisodes. Surtout dans la saison 2. Ouais, surtout dans la saison 2. Bon, moi, c'est pas du tout ce qui me plaît. Justement, je trouve que mélangé dans ce côté un peu presque nationaliste dans la lecture qu'on peut avoir de parallèle avec notre monde. Ça a un côté un peu embrigadant, un peu lourd. Mais à part ça, vraiment, je trouve que toujours dans les dialogues, c'est très juste. Mmh. Et encore une fois, drôle, émouvant, épique. Ouais, vraiment, moi, c'est une de mes grosses découvertes du moment. Et super addictif. Trop bien. L'arc sur lequel je me suis arrêté m'ennuie un peu plus. Enfin, je le trouvais un peu plus lourd. L'arc avec R.E.M. Je sais pas comment elle s'appelle en VF. Ou en... Ouais, bah, comme ça, en fait. La femme robotique. Ouais, la femme robotique. Tout ça, je trouve c'est un peu lourd, mais bon, à part ça, voilà, c'est vraiment bien. Trop chouette. Oui. Trop chouette. La saison 2 fait beaucoup plus du Star Trek que la première saison, parce que la première saison, c'est un gros fil rouge, avec un scénario vraiment qui part dans tous les sens. Ouais, ouais. Alors que la seconde saison, c'est vraiment plus un épisode d'une planète à explorer. Quoi. Mmh. Ça fait plus du Star Trek traditionnel. Disons que le Discovery du titre prend beaucoup plus son sens dans la saison 2 que dans la saison 1, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Discovery. C'est vrai qu'ils ne découvrent pas grand chose dans la saison 2. Ils ne découvrent pas grand chose, non. Peut-être on peut dire aussi que la série met un peu de temps à se lancer, parce que là, le synopsis que tu as fait, c'est la série telle qu'elle commence à l'épisode 4 ou 5. Hein, tout le début est un peu. Mais je pense que c'est nécessaire aussi, mais enfin, voilà. Vraiment, c'est une série qui est tout à fait maîtrisée sur le plan de la narration. Assez. Vraiment, vraiment bien. Qui chez nous est diffusé sur Netflix. C'est même marqué Netflix Original, alors que ça l'est pas du tout. Alors que ça l'est pas du tout. Parce que c'est une série CBS. Mais voilà. Parce que c'est une série CBS. C'est diffusé chez nous en US plus 24, ce qui est plutôt cool. Ouais. Au moins, il n'y a pas à attendre. Comme souvent, quand c'est du US plus 24 ou que ça arrive vite sur Netflix, des fois, le sous-titrage est un petit peu dégueu. La traduction n'est pas toujours top. Ouais, mais sur les sous-titrages Netflix, c'est souvent ils m'ont. Ouais, des fois, il y a des bonnes coquilles. Des fois, tu fais, je sais pas exactement ça qu'il a dit. Ouais, les sous-titrages Netflix, c'est la galère. Hein. Maintenant, je comprends un peu l'anglais, c'est chaud. Il y a un site qui existe qui regroupe les sous-titrages foireux et je crois que les deux tiers des sous-titres qu'ils ont, c'est du Netflix. Après, je crois que le pire, c'est Amazon Prime. Hein. Amazon Prime, Amazon Prime, ils sous-titrent pas, ils doublent avec des voix robotiques. Ça, c'est extraordinaire. Ah, ça, c'est exceptionnel. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Moi, vraiment... je croyais que c'était une blague. Non, ça a vraiment été sur Amazon Prime. Non. C'est je crois qu'il y a deux trucs comme ça qui ont été diffusés. Vous êtes un vieux réfrigérateur. Alors le pire, c'est que c'est pas une voix qui était configurée pour le français, c'est une voix qui était configurée pour autre chose que le français. Et du coup, les Z sont prononcées à la fin des mots quand. Ouvrez la porte. Ça fait. Ouvrez la porte. Et en plus, la voix est dégueulasse parce que c'est même pas la voix Alexa, parce que t'as même pas d'intonation. Et tous les personnages masculins, du coup, ont la même voix. Et quand il y a un personnage masculin et un personnage féminin sur le même plan, et ben les deux voix s'enclenchent en même temps. Mais spoiler alert, c'est le futur du cinéma, vous ne le savez pas encore. Ah ouais, ça va être trop bien. Moi, il y a deux trucs dont je rêve, c'est de voir les films doublés comme ça et d'avoir un film doublé par Manox. Ça met deux objectifs dans ça. Mais imagine un film doublé comme ça avec des sous-titres Netflix. Oh là là. Et avec Manox qui parle avec un vocodeur. Ouais, doublé par Bubule. Avec Depardieu qui a son texte dans son Non mais voilà, Star Trek Discovery, il faut regarder Star Trek Discovery. Oui, c'est très bien. Alors. Mais avant de regarder Star Trek Discovery, regardez tout Doctor Who, histoire de voir un peu de vrai SF. Quoi. C'est de la vraie SF. Mais les deux sont de la vraie SF. Hein. Ouais. Arrête de casser les couilles. Ouais, je sais pas si c'est un spoil de dire. Il y a un truc qui pourrait décourager, qui n'arrive pas. On peut croire qu'on entend vraiment qu'il y a du bury your gay quand même. Parce que les deux personnages gays sont vraiment confrontés à des choses horribles. Quoi ? Ah oui, tu vois. Genre, enfin, c'est un trope qui est qu'on met des personnages gays, mais bon, pour pas trop énerver les gens réactionnaires, on les tue quoi. Voilà. Ce qui est quand même. D'accord, bury your gay. Oui, ça y est. Enterre ton gay. ce qui arrive souvent. Ce qui arrive extrêmement souvent. Bon, qui a tendance à arriver. C'est un peu l'équivalent de quand on mettait les personnages. On mettait des minorités visibles dans les films américains et qu'on les tuait en premier. Tu veux dire tuer les noirs en premier dans les films d'horreur. C'est le même trope, je pense. Du coup, ils sont foirés dans La Nuit des Morts Vivants où le noir meurt en dernier. Mais ça, c'est une erreur de montage. À la base, c'était le deuxième plan du film. Mais oui, ils l'ont égaré. Du coup, il y a un truc comme ça dans la première saison qui est désamorcé dans la seconde. Ouais. J'aime deux trucs comme ça d'ailleurs, parce que les deux, on croit quand même plusieurs fois. Oui. Qui sont dead. Mais ouais, c'est désamorcé dans la saison 2 et ça peut amener des bons trucs, je pense. Niveau scénaristique, ça pourrait amener des bons trucs. Je suis déçu qu'il n'y ait pas le SBL. Ça, après, ils n'en sont qu'à la saison 2, calme-toi, mon enfant. Bah, faites plein de saisons. Bah, pour ça, il faut jouer à Mass Effect, où il y a les Asari qui couchent aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. En, en moyenne, les séries Star Trek durent tout, sauf 6 et 7 saisons. Ouais, bah, j'ai des chances d'être bien servi. Trop bien. Y a que la, en fait, il n'y a que la toute première série Star Trek qui n'a duré que 3 saisons. Mais qui avait des épisodes qui duraient 1 heure. Quoi, surtout sur qui est restée la plus connue, ironiquement. Ouais, la toute première série Star Trek. Est-ce qu'il serait pas temps de dire au revoir ? Désolé, au revoir, bisous ! Alors, moi j'aimerais vous parler d'un autre film. Au revoir ! Issam, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur YouTube. Mais gros, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Twitter ! Là, je crois qu'on a avancé vraiment. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Netflix ? Non, jamais. J'ai de l'honneur et je préfère mourir pauvre et malheureux. Du coup, par contre, on peut retrouver tes vidéos sur Amazon Prime doublées par un robot. C'est ça, c'est parce que ça, c'est rigolo. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Pareil, sur Twitter, ça change pas. D'accord. Arthur, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Si ma vie continue comme ça, au bout d'une corde. Mais sinon, sur Twitter, patate masquée, aïe aïe aïe. Et sur mon blog. Patate masquée, aïe aïe. C'est ça. Vous mettez ça et vous me trouverez. Il est rigolo ce titre. Et non, bah, sur mon blog, sinon, Jaga et Manga, mais au pire, vous allez sur mon Twitter. Jaga, Jaga qui veut dire ? Patate. Voilà. Parce que cet homme a de la réflexion. Non, mais c'est quelqu'un qui parle japonais qui m'a donné. Ce tips. Je fais beaucoup d'autocritique. Et toi, Sally ? Sur Twitter. C'est pareil, ce con. Oui. Vas-y. Restriction budget. Oh, Sally. Mais elle l'a dit. Tu fais de la ASMR, toi aussi ? Non, je suis un hibou de l'ombre. Un hibou de l'ombre. Le Sally Bou. Sur Twitter. Tu pas beaucoup sur Twitter. Non. Mmh. Et toi, Christophe ? Vous êtes ma seule raison de tout sur Twitter. Ah oui, ouais. Sur... Excellente farce. Au cimetière des libraires. Ah. Oh. Sinon, sur Twitter, au gré des bulles. D'accord. Voilà. Et dans Cas sur Table, notre autre podcast dans lequel vous pouvez tous nous retrouver d'ailleurs. Oui. Qui parle comics et mangas. Et qui est vachement mieux parce que les mangas, c'est mieux. Qui est avec moins de films de 4 heures, en tout cas. Ouais, mais il y a moins de Star Trek aussi. Il y a moins de Star Trek. Et il y a plus de Fight Club. Et ça, c'est triste. Mais remarque, Fight Club. Quoi ? Je viens de tilter. Pourquoi il y a plus de Star de Fight Club ? Ah, ça, je veux le voir. Les mecs qui sont enfermés dans des caves pour se péter dessus, c'est Fart Club. La première règle, personne ne parle de Fart Club. Je pense que ce podcast a beaucoup trop duré. Juste une dernière chose, vu qu'il joue encore, on est allé avec Chris voir Manox en One Man Show. C'est vachement bien, ça s'appelle Client Suivant. Si vous êtes sur Paris ou vous avez l'occasion de passer sur Paris dans les jours à venir, n'hésitez pas à aller voir les dates. C'est au théâtre de la Boussole. C'est au théâtre de la Boussole, près de la gare du Nord, et c'est vachement bien, c'est une très bonne heure. C'est vachement drôle. Donc, voilà. Je suis pas sûr qu'on lui apporte beaucoup de promos, mais je tenais à le dire quand même. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans Cas sur Table et dans un prochain Guerre des Clubs si on n'en tourne pas un. Pardon. Avant un an, on verra bien. Peut-être qu'on aura encore changé d'équipe d'ici là. Je vous prépare encore des super bons films. On sera débarrassé de lui, là. Non, mais peut-être qu'on va pas faire un podcast recommandation, mais qu'on va essayer de trouver un vrai sujet cette fois-ci. Je me débrouillerai quand même. Putain. Merci, et à la prochaine. À plus. Au revoir.